Ça va, Samy. Ça va, à part que le jingle, il part pas. Crêpes au sperme, Cédric, on mange régulièrement. Tiens, ah non. Message que vous désolé. Voyez, là. Miam, miam. Romano. Ah bah attends, dans la chambre, tu vas quand même pas te retenir, merde. Ah, Romano. Cédric. Plus de la moitié de ta vie, t'as eu de l'acné. Mais t'es malade, toi. Bah non, c'est toi qui es malade, Cédric, là. Marie. Priorité au sexe sur Skyrock. Ça, c'est bien, ça. Samy. Parce que l'information, le temps qu'elle aille du cerveau aux membres, tu vois, elle met trop de temps à circuler dans les nerfs. Karim. Un arabe sensuel. Ça fait bon pseudo. C'est moi, gros. Diffoul Radio Libre, 21h minuit, tous les soirs sur Skyrock. Et 21h pile, salut tout le monde, bienvenue sur Sky. J'espère que vous allez bien, que vous allez mieux que notre Cédric. Si on a des nouvelles à vous donner de Cédric, vous n'allez pas entendre ce soir. Non. Quoique. On sait jamais. Quoique. Quel bonheur d'entendre cette voix magnifique et ce chant si sensuel et si viril. Salut Cédric. Salut les filles. Si nous écoutons le salut, Cédric est à l'hôpital. Ouais. Voilà, les dernières nouvelles de Cédric, il est à l'hôpital. Et alors, je m'en veux en plus, parce que hier dans la voiture avec la Marie et avec Karim, on l'a vu partir, il est parti en moto. Mais je crois qu'on lui a porté et la poisse. On s'est dit, gros. Mais quel con, comme il roule. On dit, mais putain, mais il sait pas conduire, il sait pas rouler en moto, tout ça, parce qu'il fait des accélérations, après il freine, Ouais, il grille les feux. Pendant un petit moment, on l'a vu faire. Bon. Et on se disait, mais, et aujourd'hui, Cédric, qu'est-ce qui s'est passé? A priori, il y a quelqu'un qui. En plus, il était pour rien, il y a quelqu'un qui lui a rentré dedans. Il a croisé un mur. Non, il a croisé a priori une voiture qui s'est barrée juste derrière. Ouais, qui s'est sauvé, ouais. Donc Cédric, si tu nous écoutes, on te fait une bise. Eh ben, bon courage, mon gros porc. On te l'avait dit. Romano s'en veut aussi, parce que hier, Romano, tu peux le dire, tu es pas allé de main morte dans le clash de la drague, tu as encore gagné. Bah, j'y vais pas de main morte depuis la rentrée, quoi. Bah, justement, j'espère que tu t'en veux pas. Bah, non, mais ça va, je. Ça va, tu. Je m'en veux pas, je suis pour rien. Non, c'est clair. Bon. Non, je m'en fous pas. Non, mais Carriole m'a appris ça quand je me suis réveillé. Au réveil, on a appris ça tout à l'heure. Elle a essayé d'avoir des nouvelles, mais. Mais il dort. Ouais, il dort. Et puis non, mais il avait plus de batterie. Ouais, puis il a plus de batterie, ouais. Bon, donc Cédric, comment c'est qu'il s'appelle? Cédric, on te salue. Salut les filles. Salut à toi. Et puis on te retrouve très bientôt dans l'émission, on espère. Remets-toi bien. Hein. Dès demain, remets-toi bien. Surtout. Et va t'apprendre à conduire, ma gueule. Voilà, et prends des cours de conduite. Non, mais je vous dis souvent dans l'émission, quand vous appelez, c'est vrai, vous dites c'est un gros relou, dit foule, quand vous appelez pour nous dire oui, j'ai un scooter, j'ai une moto, je serais ton père, moi je t'achèterais pas de scooter, pas de moto. T'as peur des deux roues. Donc là, vous dites, c'est quel relou, dit foule, c'est dingue. Et paf. Bah, écoutez, vous voyez pourquoi j'aime pas les motos et j'aime pas les deux roues. Le plus dangereux, c'est les autres quand on est en deux roues. Ouais, bien sûr. C'est ce qui est arrivé à Cédric. Donc hashtag Cédric si vous voulez lui laisser un message, n'hésitez pas. Et puis tous les messages vous nous envoyez sur le 41 759, sur l'appli Skyrock, et puis au 01 53 40 30 20. Ça c'est pour nous appeler et tomber directement sur l'équipe, le reste de l'équipe qui est plutôt en forme. Nous, on est là. Je vois ça Marie. Va, tranquille. Oui, Marie en donc en forme. Karim au téléphone avec vous et Samy pareil. Et puis Romain sur les réseaux sociaux qui est dans le coin, qui attend son iPhone 7 avec impatience. Son iPhone 7 à 1 200 euros. On a parlé hier soir. Vous étiez là. On a eu un grand débat sur l'iPhone hier soir. Ouais, exact. Un débat agité, comme on les aime sur Skyrock. Et avec vous en direct. Donc, vous pouvez aussi vous appeler, vous exprimer, nous dire tout ce que vous voulez. Et puis, vous l'avez entendu, il est là, il marche dans le studio, tranquille. Tu cherches Cédric? Qu'est-ce que tu fais? Non, c'est comme un chien qui cherche son doudou, ouais, par exemple. Mais il est où? Bon, maintenant, il marche. Il est là, il est à droite. Je cherchais un câble. Tu cherchais un câble. Très bien. Ça y est, je l'ai trouvé, c'est tout va bien. C'est bon, t'es câblé? Ouais, c'est bon, ouais. Et ben, nous, on est prêts en direct jusqu'à minuit sur Skyrock. Dès que vous avez un truc à nous demander, dès que vous avez un truc à dire, un petit service, une connerie à faire, vous n'hésitez pas, vous nous passez un coup de fil et on débarque chez vous et vous débarquez dans toute la France. On fait de la radio ensemble en direct sur Sky. Alors, on va saluer déjà ceux qui sont sur les messages. Merci pour les messages pour Cédric. Bonjour à Kevin du 44. Bonjour à Deniro 18 qui demande à Samy s'il va bien. Ça va bien, Samy? Ça va, moi tout va bien, tranquille. Oui, c'est un Marseillais. Je fais pas de scooter, moi ça me fait trop peur. Salut Deniro, salut le Goré, salut l'Albanais, salut Ouija, salut Minja qui vient d'arriver aussi. Ninja. Bonjour Ouija, bonjour Minja, bonjour Sofiane, courage Cédric, hashtag je suis le Belge. Cédric. Tu as vu aussi? J'ai un hashtag je suis le Belge, un hashtag je suis Cédric de Marion. Bisous à toi Maron. Salut à toi, salut à PJG77. Bon, je vais pas tous vous citer, mais enfin on voit tous vos messages. Et merci à vous. Je suis en train de masturber Cédric pour le détendre un peu, car je l'aime bien. Ah bah c'est très gentil. Bonjour à toi, l'ami l'inconnu qui n'a pas mis son pseudo là. Bon, salut à Cœur de Pique, à Digital et à tous les autres. Du son à écouter ce soir. Le problème du mois aussi, Romano, c'est jeudi. Ouais, on va se l'occuper tout à l'heure. Là, et le jeudi soir, on va faire un tour sur le net avec plein de choses qui se passent sur le net, notamment les problèmes qu'ont les Français, les problèmes qu'expriment les Français sur le net. Si vous aussi vous êtes déjà tombé sur des gens complètement amochés, eh bien n'hésitez pas à l'envoyer à Romano. Même ce soir, hein, vous pouvez lui envoyer vos problèmes du mois directement par SMS. C'est peut-être un petit peu compliqué. Non, mais sinon sur l'appli, vous prenez une photo. Bon, si que ce soit visible, mais voilà, sinon sur le romanoir@basquerock.com. Voilà, romanoir@basquerock.com. N'hésitez pas. Ouais, ça marche bien. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Aller y faire un tour ce soir. Là. Bon, il y a Abdel qui est avec nous. Les familles du double appel, on les oublie pas. On fera un petit double appel là, d'ici, je sais pas combien de temps, mais dans la soirée. Vas-y. Peut-être d'ici pas longtemps si elles sont prêtes. Et là, c'est Abdel qui est avec nous, qu'on va accueillir en direct. Salut Abdel. Ouais, Abdel. Salut l'équipe. Salut Abdel. Ouais, Abdel. Salut. Coucou. Abdel de Mulhouse. Ouais. Dernier coup de fil qu'on a eu, enfin, le dernier ou l'avant-dernier coup de fil qu'on a eu de Mulhouse, c'était vendredi dernier. Et on a sauvé un auditeur de Skyrock bloqué dans le tram depuis une heure. Et ouais. Mais ce matin, on n'a pas appelé une bonne femme pour gagner 500 euros à Mulhouse. Si aussi. D'ailleurs, qui a répondu n'importe quoi. Si aussi. Une bonne femme, ouais, c'est vrai. Sinon, tu l'aurais pas dit comme ça. On a appelé ce matin pour les 1500 euros. C'est bien ça, ça me disait quelque chose. Ouais. Mulhouse à l'odeur. Bon, alors, Abdel, toi, t'as 20 ans, t'es à Mulhouse. Et tu nous appelais. Bah, tu nous appelais pourquoi? Parce que moi, je sais même pas pourquoi tu nous appelles. Dis-nous. Non, c'est parce que j'ai repris hier les cours. Ah déjà, t'as de la chance, t'as repris une semaine après les autres, toi, dis donc. Et t'en as déjà marre. Ouais, c'est ça. Tu sais qu'il va falloir te dire un an, je sais pas trop ce qu'on va pouvoir faire pour toi, dis donc, Abdel. Non, non, mais le problème, c'est pas ça le problème. C'est quoi? Non, c'est, tu vois, j'étais à un lycée privé. J'ai pas d'amis, en fait. Sans amis. Je m'appelle Abdel et je suis sans famille. Sans amis. Bah, achète des curly. Qu'est-ce qu'il est rigolo qui arrive. Super drôle. Ça, j'adore. Bah, c'est vrai, quelle bonne idée. Tu peux t'acheter un fusil aussi, si tu veux. Si les curly, ça marche pas, c'est ça, hein. Ouais, non, c'est ça. Très bonne idée. Oui, très bonne idée. Non, mais ça vient pas du fait que tu sois dans le privé. Bah, ici, elle a changé de bahut. T'étais dans le public l'année dernière, non? Ouais. Ah ouais, donc t'avais tous tes potes dans le public, eux ils sont restés dans le public, et toi, tes parents ils ont décidé de t'envoyer dans le privé parce que tu faisais quoi? Tu faisais de la merde, non? Tu faisais quoi? Ouais, y a pas de bonne moyenne, quoi. Ah, c'était juste un problème de notes. Voilà. Et c'est quoi comme lycée? C'est un lycée, tu sais, genre, croix sur ton chemin. Cato? Je crois que c'est catho. Tu sais que Abdel, moi j'avais des potes qui étaient dans un lycée catho, moi j'étais dans un lycée public, hein, et j'avais plein de potes qui étaient dans un lycée catho, mais ils ont fait la misère, mais comme moi j'ai jamais fait dans mon lycée public. C'est vrai qu'on fout bien bordel. Ah, bonjour à la famille derrière. Ouais. Genre par exemple, les soirées, c'était des beuveries, mais des trucs comme j'ai jamais vu. Et voilà. D'ailleurs, moi j'ai fini à passer les soirées avec eux et à m'éclater avec eux parce que c'était les plus belles soirées qu'on pouvait vivre. Non, mais c'est clair, ça veut rien dire. Moi j'ai fait les bonnes sœurs. Regardez-moi. Marie a fait les bonnes sœurs. En effet, regardez-la. T'es bonne, ma sœur. Elle a mal tourné. Regardez dans quel état. Dans quel état ça la mise les bonnes sœurs. Non, mais donc, c'est vrai. Donc il est possible que tu t'éclates dans ton lycée. Romano, c'était pas privé, toi, ton truc là de l'armée. Mais tu vas me dire, c'était un peu particulier aussi. Non, c'est public. C'est public. Non, mais j'ai vu. C'est public, mais c'est quand même un peu spécial parce que au lieu d'avoir. Moi, c'est un truc militaire, moi, ouais, donc c'est un peu spécial. Au lieu d'avoir Madame Ducon qui est. Ducon. Non, bah, je prends un nom comme ça au hasard. Ou Monsieur Ducon, par exemple. Oui, par exemple. Oui, voilà. Qui est CPE. Là, toi, t'avais l'adjudant-chef Bordel qui était CPE. Non, c'était pas tout à fait ça parce que les profs étaient civils. Oui. Le proviseur était civil, mais tout le reste de l'encadrement, c'est-à-dire les surveillants, ouais, les surveillants, tout ça, c'était tous des militaires. Ah, au lieu d'avoir un pion. Et les profs de sport, c'était des militaires, des anciens militaires. Oh, c'est là où ils disaient tu te roules dans la merde. Non, mais non. Ah, t'es là, tu vas courir, train couille. T'es là, espèce de manche à couilles, tu vas courir. Donc tu vois, j'essaye de te remonter le moral et tiens, regarde, j'étais. Non, après le privé. Ça veut rien dire, ouais. Privé, après non. Tu peux foutre le bordel, encore pire qu'ailleurs. Regarde Audi A3 qui nous dit j'étais dans un lycée catho et c'était un bésodrome le truc là. Non mais privé ne veut pas dire catho. Hein. Oui, il y a les deux. Non, ouais. Et en plus, je fais un truc que t'aimes bien en plus. Tu fais un truc que j'aime bien. Tu voles. Tu voles. Quoi ouais. Tu gagnes de l'argent. Je fais du commerce. Ah, bah, c'est bien, tu vends quoi, de la drogue? Qu'est-ce que tu vends? Mais tu vends des trucs dans le bahut, bah, tu vas peut-être pas y rester longtemps là. Ah, ouais, c'est pas le con. Non, j'apprends juste les c'est des cours. T'as vu comme ils sont dans l'équipe. Ouais. T'as vu ça, la Marie, tu t'appelles Abdel, tu dis je vends. Non. Direct. Et Romano, tu deal. Non, mais pourquoi pas. C'est préjugé, franchement. Bah, c'est pas les préjugés, c'est que, tu sais, en même temps, au bahut. Romano, te connaissant. À part dealer de la drogue. Voilà ce que tu fais. Moi, je pensais aux fringues. C'est pas vendre la drogue, ouais. Voyons ce que tu fais tous les matins, Romano, et je te rappellerai d'ailleurs ton super jingle du morning dans lequel ça explique que tu volais des couches à la maternelle. À la maternité. À la maternité, ouais, oui. C'est bon. Que tu volais des capotes au lycée. Ouais, bah j'ai volé toute ma vie. Que tu volais des Pokémon quand t'étais en primaire. Et des stylos aussi au bahut. Ouais, stylos, c'est vrai. Ouais, putain, beaucoup. Ouais. Les stylos plumes aussi. Bah, ouais. Tu vois, il y a des gens honnêtes comme Abdel Romano. Eh oui, vive l'honnêteté, vive la France. Vive la France. Bon, dites-nous si vous êtes dans un lycée privé, comment ça se passe. Et si vous n'avez pas d'amis comme Abdel. Et si vous n'avez pas d'amis, ouais. Non, mais bon, c'est normal. Je pense que tu t'aurais été dans un lycée public nouveau. Pareil. Les premiers jours, t'as pas d'amis, c'est normal, quoi. Bah oui, pareil. Bah oui, c'est vrai. Personne. Mais bon, ça va venir, hein. Et ton lycée, il est loin de l'ancien bahut ou pas? Ouais, il est quand même. Ça fait 10 bornes, je crois. Ah oui, donc d'accord. Non, parce que moi, tu peux aller voir tes potes, je sais pas, par exemple, tu peux aller bouffer avec eux à midi. Après, 70 bornes, ça va être compliqué. Ah, c'est chaud, ouais. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué, hein. Voilà. Moi, les profs de sport que j'ai, ils ont tous une calvitie. Message pour Romano, que vient de nous envoyer. Tu les salueras. Que je voulais vous lire. Plein de messages de Mulhouse aussi. Tiens, Capo 6800, c'est Mulhouse. Qui dit, c'est quoi le nom du lycée? Je suis de Mulhouse. T'as peut-être pas envie de l'annoncer, si, Abdel? Ouais, pourquoi pas. Bon, c'est comme tu veux. Si vous êtes dans le si tu veux l'annoncer, si vous êtes dans le bahut d'Abdel, soyez cool avec lui. Il vient de débarquer. Il est tout seul. Il est sans amis. J'avais demandé si t'as déjà fait des amis, mais en une journée, t'as pas trop le temps. Donc, comment ils ont été les autres avec toi? En voyant une nouvelle tête, il y a des gens forcément qui viennent vers toi et qui sont cool, non? Ouais, non, mais ça va, il y a quand même des gens qui sont venus vers moi quand même. Bah oui, j'espère, ouais. Non, mais c'est vrai, t'as un nouveau, tu vas voir comment il est. Sauf s'il a une gueule qui te revient pas. Ouais, ça peut arriver aussi. Vous avez eu des nouveaux, vous, qui arrivaient dans votre bahut, qui étaient un petit peu comme Abdel, c'est-à-dire un petit peu perdus, connaissent personne, ils savent pas vers qui aller, vous allez vers eux, ou pas d'ailleurs. Ouais, moi, des fois, il y avait des forains qui venaient. Oui, c'est vrai. En cours d'année, ils restaient, par exemple, trois mois. Ouais, même moins, des fois, peut-être deux mois, tu vois, un mois. Et ouais, c'était un peu chelou, quoi. Et alors, tu allais les voir? Parce qu'en plus, ils étaient tout le temps entre eux. Tu sais, ils arrivaient, ils étaient genre 2-3 dans le bahut, par exemple, et ils restaient entre eux. C'est normal, s'ils changent de bahut tous les mois, ils restent. C'est un peu, c'est genre, la défensive, on va dire. Imagine, t'arrives dans un bahut, tu sais que tu vas y rester un mois, t'as 2-3 potes, t'aurais pu gratter des tickets de manège. Ouais, t'inquiète. C'est horrible. Des attractions. T'aurais pu gratter des tickets de manège. Bah non, c'est vrai, moi je me fais pote avec le mec, tu sais, tu fais faire de la chenille gratuite, quoi. Quand t'arrives en cours d'année, t'arrives. Le mec, il parle comme ça, vous prenez vos tickets à la caisse. Il a interrogé, le prof lui fait alors 4x4. Alors 4x4. 8 euros, s'il vous plaît, pour le ticket de caisse. Mais non, monsieur Bédo, c'est 10. 4x4 égale 10. Ouais, ben ouais, c'est ça. 4x4, 10. Ah, il y a une bonne question de Fouldi. Ah. Salut, Fouldi. Romano, est-ce que t'avais des amis à Skyrock au début? Ah, c'est bien quand t'arrives dans un nouvel endroit. Ouais, parce qu'en fait. Un mec qui était là avant, c'est lui qui m'avait fait rentrer. On était potes de l'école de radio. Donc, en fait, je connaissais que lui. Que lui, et tu ne parlais qu'à lui. Ouais. Non, mais au début, pour être honnête, maintenant je peux le dire, parce que la meuf n'est plus là, mais il y avait une espèce de connasse, en fait. Oui. Ouais, vas-y. Tu peux balancer, man. N'hésite pas. Non, mais tu sais que la meuf, en fait, m'interdisait de rentrer dans le studio. C'était pas une animatrice, hein. Et la meuf, en fait, m'interdisait de rentrer dans le studio. Mais pourquoi? Mais parce que, je sais pas, la meuf, elle avait une dent contre moi. Et bizarrement, après, quand j'ai évolué dans la société, son comportement a changé. La gueule qu'elle avait, certainement pas. Donc, tu vois, quand on arrive dans un endroit nouveau, même à Skyrock, tu vois, il faut un petit temps d'adaptation. Non, mais c'est normal quand t'arrives dans un nouvel endroit. Et puis moi, tu vois, par exemple, j'aime pas quelqu'un, par exemple, qui arrive dans un endroit où je suis et qui arrive et qui prend trop ses marques. Qui se croit trop chez sa mère, il est vite relou, en fait. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est mieux d'être un peu sur la réserve. Et puis bon, les gens, s'ils sont venus te parler, ça va se faire du tout. Mais Romano, quand t'es sur la réserve, il faut aller prendre de l'essence. Je le dis. Oui, c'est mieux, ouais. Sinon, tu risques de tomber. Faut aller faire le plein, man. Et Abdel, sinon, les mecs qui sont venus vers toi. Ah, oui, on l'appelle. Sa mère, je crois. Ouais, moi dans la famille, t'oublies pas, hein. Abdel. Ouais. Ah, je vais te demander, les mecs qui sont venus te voir hier, ils sont sympas, ils t'ont demandé quoi? Tu vois, comme j'ai refait une terminale. Ouais. Ils m'ont demandé, ouais, comment ça se passe pour le bac, tout ça. C'est bien déjà. C'est dur ou pas? Ouais. Donc, si vous êtes dans le bahut d'Abdel, n'hésitez pas à lui demander des trucs pour la terminale, il l'a déjà faite. Ouais. Putain, t'es courageux quand même, hein. J'ai un peu tous les programmes, tu vois. Et c'est ça, les auditeurs de Skyrock, Romano, du courage, de la force. Ah non, mais ouais, parce que moi j'ai raté le bac, je me sentais pas de refaire une année, quoi. Force et courage. Moi je l'ai raté, moi, un peu. Ouais, ouais, bah non, mais c'est pour ça que je me doute bien. Si t'en fais une deuxième, a priori. Quoique, moi j'avais un mec dans ma classe, tu sais, qui l'avait eu. Ouais. Et il voulait aller dans une école où il fallait avoir une mention. Et ben le mec a refait une terminale pour repasser le bac une deuxième fois. Ouf. et pour avoir la mention, il l'a eu sur l'école. Mais ouais, mais il a toujours pas eu la mention. Ah non. Ah merde. Ah ouais, après, il a arrêté, il s'est orienté dans un autre truc. Putain, t'es dégoûté dans ces cas-là. Bah ben, ouais, c'est ça. Mais il pourra dire, il a eu le bac deux fois. Ouais. Bah super. Si vous avez des conseils pour Abdel, pour qu'il se fasse accepter au bahut, pour qu'il se fasse des potes, mais a priori, c'est plutôt pas trop mal parti. Tiens, il y a Caro qui nous laisse un message. Caro qui a 19 ans, qui nous dit, moi aussi, je me suis retrouvé dans un lycée où je connaissais personne. Pour me faire accepter, je suis sorti avec le mec le plus populaire et je suis devenu pote avec tout le monde. La star du bahut. Tu es devenu la star du bahut, tu sortais avec le mec le plus popu, super. Et donc Abdel, faut que tu sortes avec le mec le plus popu du bahut. Voilà, un petit conseil de Caro. Bah moi, quand je suis arrivé à Paris dans l'école de radio là. Ah, il faut faire des efforts Abdel, il faut faire des efforts. Bah le premier jour, je suis rentré chez moi tout seul. Comment Romano ? Je suis rentré chez moi tout seul, j'ai mangé des raviolis tout seul le soir. Et t'as pleuré. Un peu, ouais. Il a pleuré. T'as bouffé des raviolis tout seul? Ouais, parce que j'ai fait le premier jour à l'école de radio, mais là, sur le coup, je connaissais vraiment personne. Mais personne. Oui. Personne. Personne. Rien. Et tiens, là, j'ai parlé avec deux, trois mecs, mais le premier soir, je suis rentré solo chez moi, et puis j'ai bouffé des raviolis en pleurant. Et des raviolis en boîte, il faut bien le préciser. Ouais, et puis j'avais eu après la gothique au téléphone, mais j'avais repleuré. Ouais. Et après le lendemain, j'ai parlé avec un mec et le mec, bon, lui, j'ai traîné une journée avec lui, c'était plan galère. Le mec le soir me dit ouais, je vais aller pêcher du shit. Bon, je fais bah allons-y. Tiens, les mecs, on se retrouve. Bienvenue dans le monde du show business, le monde de la drogue. Bienvenue. Le mec il me dit ouais, j'ai trop envie de fumer. Il me fait ouais, tu connais personne. Je fais ah non, moi je fume pas. Moi, je connais personne. Je ne suis pas dans ce domaine-là. Et là, on s'est retrouvé. Je me souviens à Boulogne, genre à Pont-de-Sèvres. Vous êtes le mec, il... non mais le mec a filé 20 balles à un mec. Le mec s'est barré, il est jamais revenu. Il s'est fait baiser. Oh, il aurait pu lui donner un morceau de caoutchouc aussi. Le mec, on a tourné, mais genre, et puis le mec, il lâchait pas l'affaire. Je lui disais, au bout d'un moment, je lui fais, mais non, mais laisse tomber, c'est galère, c'est un plan galère. Le mec, il me fait, oh, il faut trop que je fume. Et au final, il s'est fait douiller par un mec, c'est, voilà, les 20 balles, puis après, il a chopé un truc qui était dégueulasse. Ah, il s'est bien fait baiser jusqu'au bout. Ah, bah ouais, il venait d'arriver à Paris, il connaissait pas, bon, il s'est fait couiller, ouais. Ah, bah, il s'est fait baiser, bien baiser. Bon, des conseils pour toi, Abdel, qu'est-ce que vous nous dites pour les conseils? L'auditeur doit sortir, essayer de rentrer en discussion avec les gens, même s'il les connaît pas. Bah, a priori, écoute, t'es rentré hier, t'as déjà des mecs qui sont venus, venus te voir. Non, mais de jour en jour, ça va s'améliorer. C'est pas le premier jour que tu vas avoir 10 potes, ouais. Il y a Nizar qui nous laisse un message, toujours rapport au shit. Nizar, 19 ans, qui nous dit que lui, quand il est arrivé au bahut, les gens venaient le voir pour lui demander du shit parce que c'était le seul arabe du bahut. Oh non. Salut à toi, salut à toi, Nizar. Bah, sympa. À la limite, tu t'es fait des amis comme ça. Hein. Même moi qui viens de rentrer dans un lycée nouveau, c'est qui Adriano, qui nous laisse un message du 93. Je me suis fait des potes dès le deuxième jour. Ça va venir. Abdel, bah voilà. Ouais, normalement ça va arriver. Et les meufs elles sont comment? Tranquille. On nous demande, il y a Quentin qui nous pose la question, il veut savoir les meufs elles sont comment au bahut. Bah il y a plus de moitié de meufs. Bien. Et elles sont bonnes en plus. Ah il y a des bonasses. Bien, il y a des bonasses. Il y a de la bonasse au mètre carré quoi. C'est joli mon nez. Oui, toujours. Ah ouais, toujours la classe. Toujours. Non mais bon, tu vois, a priori ça devrait bien se passer, Abdel, tu vas découvrir de nouveaux gens. Et puis tes anciens potes, ils te manquent j'imagine. Ouais, grave. Bah écoute, fais-toi des week-ends avec eux. Ouais, bah trop chaud quoi, Sandy Bourne. Hey, Sandy Bourne, c'est pas à côté. Hein. S'il ne t'oublie ouais. pas. Ouais. C'est vrai, ça Romano, tu as raison de mettre le doigt dessus. S'il ne t'oublie pas, il va repartir en bas d'Abdel. Mais donc, les vrais, ils restent là. Salut Abdel en tout cas, et puis tu reviens quand tu veux. Tiens-nous au courant, donne-nous des nouvelles. Hein. Y'a pas de soucis, ouais. Eh ben écoute, ça roule Abdel. Salut bon à courage. Toi. Et puis vos conseils pour Abdel, reste à l'écoute, on en reparle de toute façon Abdel. Vos conseils pour Abdel au 41759. Ouais. Avec l'appli Skyrock et tous les réseaux sociaux de Sky pour nous laisser tout ça. Qu'est-ce que je voulais. Ah oui, il y a plein de questions sur Cédric. Qu'est-ce qu'il est arrivé à Cédric? Où il est Cédric? J'espère que c'est pas grave ce qu'il a eu. Il a un truc de cassé, Cédric. Voilà, tous les messages que vous nous laissez. D'ailleurs, je tiens à vous remercier depuis tout à l'heure. Bah à part le cul messages. Hier soir au clash, non. C'est pas bien. Merci à Ghost, merci à Philippe, merci à Steph, à Miloud aussi qui vient d'arriver, à la belle du 77. Salut la belle du 77. À un autre Abdel qui vient de nous laisser un message. Salut Abdel du 62. Big up Abdel. Donc pour Cédric, il a quoi? Il s'est pété la clavicule? Il s'est pété quoi? Il s'est pété l'épaule? Il s'est pété l'épaule. Ouais, tu sais pas quelle partie de l'épaule? Absolument pas, gros. Et il est tout brûlé sur le côté. Ouais. Je suis arrivé, en fait, il a glissé. Alors, il tombe. Alors, si vous venez d'arriver, on vous racontait tout à l'heure, il a un accident de moto. Faut arrêter la clim parce que. Ah ouais, moi ça me nique depuis tout à l'heure. Je vais crever. Mais là, elle est baissée là. Ah ouais? Non, mais là, je viens de la baisser là. Tu veux pas m'éteindre complètement. Ah non, elle éteint pas, gros, vas-y. Non, non, mais on va crever. Putain, mais moi, elle me tape, elle est en face de moi, gros, je suis déjà malade, je vais mourir. T'as qu'à pas prendre. Non, mais là, j'ai baissé. Ah, oui, parce que Skyrock. On dans 5-10 minutes si ça va mieux. Vas-y. Si vous voulez connaître le pôle Nord, venez dans le studio de Skyrock ce soir, vous allez voir, il est pas mal. Oui, donc on disait, il a eu un petit accident de moto, Cédric. Ouais. J'avais, en plus, je m'en veux parce que je lui avais dit, attention, la moto, fais gaffe. J'ai trop dit, en fait, de faire gaffe. Et donc, il est juste brûlé. Il est brûlé où? Sur le visage. Non, mais il est pas brûlé, les gars. Si, je Comment crois. Ça, il est brûlé. Non, mais non, quand il est tombé. Non, mais il est brûlé, pas brûlé, oui, il est pas brûlé au quatrième degré. Ouais. Il est raflé, quoi. Non, il est raflé juste au-dessus de la lèvre. Ah, bah, moi, monsieur Carré, il m'a dit qu'il était brûlé sur le côté, moi. Non. Ah, non. Non, c'est la lèvre. Je suis allé le voir, gros. Non, c'était la lèvre. Tu as peut-être mal vu. Non, c'était la lèvre, gros. Je suis arrivé, je l'ai trouvé dans son lit en caleçon. T'as eu du courage, Karim. C'est ça, les vrais amis. Elle était torse nu. Putain, ouais, mais il a des bêtes de tétons. Ça t'a excité ou pas? À mort. J'imagine. J'ai demandé de me branler, mais putain, il avait mal à l'épaule. Ah, dommage. Ouais, dommage. Mais non, tu l'as léché quand même le téton. Ouais, bien sûr. Ah, quand même. Ouais. Je suis resté que 10 minutes avec lui, les infirmières m'ont laissé 10 minutes, mais ça va, tu vois, il a mal à la clavicule, donc peut-être elle est pétée. Mais après, il sait pas trop et ça va, sinon le reste du corps. Mais ça, lui avait fait son scanner, parce qu'il voulait lui faire un scanner. Il voulait lui faire un scanner, non, il lui avait pas fait. Moi, après, je suis parti et depuis, j'ai pas eu de mal. Non, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est quand ils l'ont ramené, a priori, il a fait un ou deux malaises. Ouais, il a perdu connaissance. Ouais, et en fait, ils vont faire un scanner pour vérifier que tout va bien, quoi. Ah, merci. Pour tout le message que vous nous laissez pour Cédric. Monsieur, vous n'avez pas de cerveau. Ah, mais je rigole, mais il a rien de grave. Ouais. Non, je rigolerais pas comme ça. Oui, c'est vrai. Le route, il avait un casque, oui. Non, mais il était protégé. Il a la veste et tout. Il a le scooter en arrière pour ceux qui demandent. Il a les. Non, mais c'est une moto. Ouais, enfin, le moto, le scooter. Ouais. La moto, elle a rien. Non, c'est une moto. Ouais, je sais, mais moto, scooter, c'est pareil pour moi. Ah, l'engin à deux roues n'a rien. Voilà, non, mais en tout cas, le truc en deux roues et comme moteur qui fait vroom. Non, mais vous inquiétez pas, il est protégé. Il a le blouson de motard et tout. Non, mais je crois qu'il avait pas en plus sa veste de motard. Il avait une petite veste fine. Donc quand il arrive à l'hôpital, ils lui ont déchiré sa veste avec des ciseaux. La Vuitton à la début. Vuitton. Voilà, qu'est-ce que tu fais? Je vais te mettre une voilée, c'est Vuitton. Sa veste à 500€, allez hop là. Bon, l'essentiel, là, c'est qu'il aille bien. Oui, ouais, c'est que du matériel. Alors, plusieurs messages que vous nous laissez pour ce mais Cédric. Le mec, c'est quand même un enculé qui lui est rentré dedans, qui s'est barré comme une grosse merde. Ah ouais, en plus, ouais. Ah, mais c'est ce que je dis. En moto, même si vous savez super bien en faire, en scooter, c'est pareil. Le problème, c'est pas vous, souvent, le problème, c'est les autres. Et non, quand... mais le mec, c'est un enculé quand même. Ah bah oui, c'est un enculé. Le mec qui se barre, t'as un mec qui. Tu chutes un mec qui est en moto et tu te barres. Bah ouais, c'est le propre de l'enculé, ça, Romano. Qu'il en profite d'ailleurs, tiens, bonne idée du routier de Sky, 27 ans, qui nous dit qu'il en profite pour se refaire faire la façade, Cédric, s'il est brûlé sur le visage. C'est vrai, pas mal. Il y a eu un message aussi qui plaignait son voisin de chambre. Il est tout seul dans la chambre. Tout seul dans la chambre, Karim, ou alors ouais, moi, il était tout seul quand je suis allé le voir. Ah, c'est bien. Plus précisément, il était dans sa cage. Dans sa cage, ouais, exactement. C'est pas vraiment une chambre. Donc quand je suis allé, ils m'ont ouvert la cage, je suis rentré dans la cage, je suis resté un peu avec lui. Si tu nous écoutes, Cédric, tu vois, on t'oublie pas, on pense à toi. Merci pour vos messages. Hashtag pray for Cédric. Ouais, bah, ça va, il est pas mort. Hashtag. C'est horrible, pray for. Laisse mettre les hashtags. Hashtag. Non, mais bon, pray for Cédric, c'est un peu glauque, quoi. Hashtag je suis Cédric. Est-ce que Romano, pour lui rendre service, pourrait aller le branler? Car s'il a un problème à l'épaule. T'as raison, ouais. Ah, bah attends, Romano, t'es un vrai ami. Non, mais j'irai le voir, mais je vais certainement pas le branler, quoi. Bah, s'il a un problème d'épaule, il peut plus se branler. Tu sais, je demanderai, là, qu'il me file, tu sais, l'habit complet, là, le masque, les chaussures, le truc pour la tête. Oui, stérilisez-moi avant de rentrer, s'il vous plaît. Il va revenir quand? Je sais pas, on prendra des nouvelles. Là, pour l'instant, il est pas joignable, il a plus de batterie, sinon on lui aurait passé un petit coup. Non mais de toute façon il faut voir ce que ça va donner le scanner. J'espère qu'ils découvriront rien de. Mais bah, comme tu le disais, Romano, il y a peu de risques. Il y a peu de risques que le cerveau soit touché. La boîte crânienne est déjà à la base assez vide. Oui, donc a priori ça devrait aller. Mais s'il a pas la clavicule pétée, il va sortir rapidement. Hein. Ouais. Heureusement que Romano n'a pas gagné le clash de la drague, n'a pas perdu le clash de la drague d'hier. Sinon, il sera accusé d'avoir attenté à la vie de Cédric. Non mais ça va, je vais pas aller couper les freins de sa moto. Non, mais c'est le message. De 25 au calme sur SMS. Salut à toi, 25 au calme. Non, je n'y suis pour rien. Non, il est pour rien. Bon, en tout cas, on pense à lui et puis on le retrouve, j'espère, très très vite dans l'émission. Hein. J'allais dire bisous, mais je préfère te checker, mec. Ouais, c'est mieux, c'est plus viril. Je te check, Cédric. Exactement. Check de loin. Plein de bisous à Cédric, j'ai eu la clavicule cassée. 8 semaines de plâtre, j'avais 6 ans, nous dit Astre. Salut à toi, Astre, on te fait un gros bisou là. Bon, on revient dans un instant avec peut-être le double appel. Ah oui, parce qu'on est en train de préparer les familles. Si elles sont prêtes dans un instant, on vous fait signe. Attaque. Le double appel à retrouver. Léo nous a contacté sur le Snap de Sky. C'est Skyrock FM. C'est ça. Si vous voulez nous joindre. Et on le retrouve aussi dans un instant. Léo, 15 ans dans le 28. Ah oui, je vois pourquoi tu nous as appelé. C'est écrit sur ma fiche. Ça va pas être facile, ça. Mais tu sais que rien n'est impossible. Salut Léo. Salut. Salut à toi, Léo. Salut Léo. 15 ans, 28 donc. Et tu vas nous expliquer pourquoi tu nous appelles. On va parler love dans un instant. C'est ça, man. C'est ça, hein, Léo. Ouais, c'est ça. Une de nos spécialités un peu dans l'équipe, tu bouges pas, reste avec nous. Et puis on reviendra à un sondage de ce matin, on va parler des galères qu'on peut connaître quand on baise. En tout cas, on est tombé sur un sondage ce matin, on en parlait dans le morning, dans le sondage du jour. Les galères de sexualité quand on a, bah, quand on démarre sa vie sexuelle, en gros, en dessous de 21 ans. Ouais, c'est ça. Rappelez-vous les galères que vous avez connues. Après, je vous rassure, les galères continuent d'exister, hein. Vous connaissez ces problèmes. Oui, ça peut toujours arriver. Ah, évidemment qu'on le connaît, ouais. Ah, vous connaissez ces problèmes sexuels? Bah, ouais. Eh oui. Eh bien, on en reparle tout de suite sur Skyrock juste après. I get broads in Atlanta. Designer. Super fan. Credit cards and scams. Wake up beside you. Let it sound. Designer avec Panda, c'est le son qu'on va écouter là tout de suite. Parce qu'on adore ce son. Le son de Designer. Mais c'est pas que ça qu'on va écouter ce soir. On écoutera du Ghetto Phénomène avec Jul. On écoutera du Alonso, du Drake. Et donc tout de suite, Designer. C'est Panda sur Skyrock. Depuis la rentrée, Difool a déjà distribué plus de 20 000 euros en cash. Il faut me dire quelle est ta radio préférée. Bah, Skyrock. Non, c'est Skyrock. Mais oui, c'est Skyrock. Ouais, c'est gagné. C'est pas vrai. Une vingtaine d'iPhone. Ton iPhone 7, le tout dernier. Putain, ça c'est bon ça. Romano a déjà arnaqué des commerçants. Bah, que des familles. C'est encore une arnaque ça. Hein. Des campings. Une semaine de vacances gratuite, ok madame. Gratuite, bien sûr, tout à fait. Et ce n'est que le début. 6h-9h. The Morning Show. Le Morning de Difool sur Skyrock. Ghetto Phénomène. Découvrez leur tube Maria Maria avec Jul. Maria Maria, le single de Ghetto Phénomène, déjà disponible. The Morning Show. Envoie 1500 au 720 et multiplie tes chances de gagner 1500 euros toutes les demi-heures dans le Morning de Difool. Jolie course, t'as progressé. Ouais, si ça pouvait être pareil avec une nana. Pourquoi t'essayes pas de discuter par SMS? Envoie chat CHAT au 62333. Le chat avec photo. Chat CHAT au 62333. Freegun fait sa rentrée avec des centaines de fringues à prix canon. Sweat, t-shirt, casquette, parka, doudoune. Avec la nouvelle collection déjà en rayon et toujours tous les maillots et boxers pour un été trop stylé. Freegun, le choix sans se ruiner pour toutes les nanas et les mecs d'aujourd'hui. Freegun, dès maintenant sur le site officiel freegun.com et sur la page Facebook Freegun pour suivre tous les délires de la team Freegun Never Stop. Retrouve la ligne en exclu chez freegun.com et les points de vente habituels. Concert. Il va mettre le feu. En 2017, Soprano choisit encore Skyrock pour sa nouvelle tournée dans toute la France. En concert partout en France pour terminer sur la scène de l'Accor Hôtel Arena de Paris le 30 septembre et au nouveau stade Vélodrome Orange de Marseille le 7 octobre 2017. Ouais. Yeah, c'est Soprano. En tournée dans toute la France avec Skyrock. Plus d'infos sur Skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Tu veux réussir ta rentrée? Il n'y a pas 50 solutions. YAX, YAX. YAX, c'est l'application pour délirer, choper des conseils et se taper des barres. Profite des astuces du peuple YAX et partage tes délires. YAX, partenaire officiel de ta rentrée. Et c'est reparti sur Skyrock, Designer et Panda. Wow. C'est la plus grande radio libre de France. Tous les soirs, Difool Radio Libre. Radio Libre en direct. En direct, la plus grande radio libre de France est ouverte avec vous. Et oui, le problème du mois arrive, hein, je le dis. Parce que ah ben oui, il aura lieu, bien sûr qu'il aura lieu. Ouais, il y a Zieb qui voulait savoir si le problème du mois arrivait. Il arrive, et Panda, c'est Designer, c'est parti tout de suite. Le gros son du Panda, encore une découverte Skyrock. Encore une, il y en a plein de découvertes Skyrock. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux passer un message à Cédric. Romano a un truc à dire à Cédric ce soir. Car Cédric n'est pas avec nous. Alors vas-y Romano, exprime-toi. Bon bah Cédric... Tu te sens coupable, hein? Oh non, non, non, pas. Bah écoute, si tu l'as rendu mal hier avec ton je suis désolé de te péter le cul non-stop depuis la rentrée. Je pensais pas qu'on en arriverait là. Malheureusement, bon, une fois de plus, tu nous as fait une démonstration que tu étais le roi de la conduite à pilote. Je peux dire le roi des pilotes, oui. J'espère que ça ira, mais ça m'empêchera pas de te péter le cul à nouveau quand tu reviendras. En tout cas, vous êtes super gentil avec les messages. Pesnas, pauvre belge, la PS4 du salon qui nous dit bon rétablissement à Cédric. Moi, je me suis déjà brûlé au troisième degré le dos, donc qui ne se plaignent pas, Cédric. Message de Denis du 57, 15 ans. Prends rétablissement, Cédric. Hashtag, je suis le belge. Alors, Zarzad de Couscous, attends, excuse-moi, Romano, après, avant Zarzad, j'ai Zach, 17 ans. Zach, tu es l'infirmier de Cédric. Rest in peace, envoyez le hashtag Rest in peace. Ah ouais, putain. Reste c'est dur ça. Exact, bon courage à toi. Les Arzates, non, c'est pas moi qui l'ai tapé avec ma voiture. Non. Oh, mais non, mais vous êtes non, j'en ai pas là. Non, j'en ai pas là. Si, tu sais, j'ai suivi toute la journée. Oui, bam. Bon, Cédric, petit accident de moto. Oh, ça va, ouais. J'espère qu'il revient bien. Non, mais il est conscient et tout, tout va, ça va. Hein. Bon, tout va bien. Allez, designer, panda, on te le dédicace, Cédric, parce que tu ressembles un peu à un panda. Ouais. C'est mignon, panda. Hein oui, c'est ouais. Mignon. Vous avez vu comme je suis gentil. Hein. Dès qu'un pote a un problème, tout de suite la gentillesse remonte à la surface et ça fait plaisir. Un panda ou un cochon, Cédric. Je suis gentil aussi, Romano là. Allez, panda, c'est le son de designer. Encore une découverte Skyrock. Credit cards and the scams, hitting the licks in the van. Legacies, fam, wait and see, look like a pan. Going out like a Montana, honey killers on the hands. Legacies, fam, wait and see, fam. Pockets full, Dan, selling ball, can. Man on the macho like Randy, the chopper go out to for granted. In the bullet you ban it, hope you killers understand. I got broads in Atlanta, twisted don't need no fan. Credit cards and the scams, hitting the licks in the van. Legacy, fam, why is it look like a fan? Going out like a Montana, honey killers on the hands. Legacy, fam, why is it fam? Packers full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out to for granted. Hey! Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. I get broads in Atlanta, twisted domain and shoot, sipping Fanta. Credit cards and the scammers, wake up beside you, let designer, over to Lady shoot. They be acting rent, I know we clap at you. I be pulling us up in the Fanta shoot. I got plenty just stuff with Bugatti, but look how I try to shoot. Black is six, Fanta, why is he killing no comma? Pop a perk, I got stunning gorilla, they come and kill you with bananas. For feelers, I feel it, pull up in the Fanta, no niggas, they come and kill you on the comma. But Broly is dancing bigger than the Panda, go out to the Grammy, but pull it, you're finding, pull up, I'ma flip it. I got bills, pull up and get it. I got niggas, just count for digits. Say you make you a lot of money. No killers pull off in the inner baby. CTDD pull off in the killer baby. Call a feeling, feel like gon' feel it, baby. Lift up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broads, yeah, I get it. I got cards, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spinning the Bobby, he trending. Chop the dawn, doing business in the rave, doing the pool, and I'm doing the billing. I be getting to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas are bleeding. Panda. Panda, panda, panda, panda. I got broads in the land. Twisted the lean the family. Credit cards and the scams. Hitting the licks in the band. Legacies, family. Way and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies, family. Way and see, panda. Packers full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for Grammy. Then they pull up your band. Killers understand me. I got broads in Atlanta. Twisted or lean the fan. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the van. Legacies, fan. Why is it look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacies, fan. Why is it panda? Packers full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for Grammy. Then they could pull up your band. Hope you killers understand me. Panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda. Panda sur Skyrock, c'était designer sur Sky. Difool, radio libre. What the fuck? 21h minuit sur Skyrock. Eh oui, jusqu'à minuit, c'est vous tous en direct au 01 53 40 30 20. Si vous voulez nous appeler, si vous avez besoin de nous, à n'importe quel moment de l'émission, vous pouvez débarquer ici, vous réagissez sur ce qui se dit, vous déchirez tout. Il y a Yolo qui s'inquiète pour Cédric. Yolo, votre Romano. J'étais pas là au début de l'émission, il a quoi le Belge? Une fissure anale? Non, non, non, non. Ça, il l'a depuis hier soir pour le clash. Un petit accident de. Petit accident. Il a mangé un mur. C'est un petit accident de moto. Bah, il y a une bagnole qui lui est entrée dedans, a priori. Donc, il est à l'hôpital, mais a priori, ça va bien, tout va. Ouais, ça va. Karim l'a vu. Ouais. Ça va, il l'a vu torse nu. T'es très excité. C'est pour ça que du coup, on s'inquiète plus pour Karim maintenant. Du coup, il est pas resté longtemps. Bah, dommage, je voulais rester plus longtemps, mais l'infirmière m'a dit de partir. Au moment où elle a vu que je touchais les tétons, elle est venue, elle a dit non, s'il vous plaît. Pas ça ici. Il faut partir, il faut qu'on referme la cage. Il risque de s'échapper le bougre. Bah, merci pour tous vos messages et vos coups de fil pour Cédric, c'est gentil. Hein. Merci à Paramédic, merci donc à Yolo, je disais son message. Merci à Stéphane aussi qui vient d'arriver. Salut à toi, Stéphane. On t'embrasse, Stéphane, 16 ans. attends, qui ça, Cédric, le message de Mira, bonjour Mira, bonjour à Manu également, soutien aux Belges de la part de Florian, je me suis fait renverser par une voiture, moi, tiens, bah tiens, il n'y en a qu'une, même problème, renversé par une voiture, oui, il y a une voiture qui lui est rentrée dedans, mais bon. Écoutez, ça va, on croise les doigts. Ça va, hein. Ça va. Ça va. Et on et on salue Cédric. Je vous parlais du son qu'on allait écouter ce soir parce qu'on a du gros à vous faire écouter du ce lourd. Soir, du lourd. On écoutera du SCH. Ah, ça fait toujours du bien d'écouter un petit allô, SCH. Allô maman. Tu veux allô maman ? Allez, allô maman, on se mettra. Je la connais, j'aime bien les deux moi. Moi j'aime bien tout des SCH. Ouais, SCH Champs-Élysées aussi. Ou Champs-Élysées. Non, on va se mettre allô maman ce soir là. Allô maman d'SCH, à écouter avant minuit. Allô maman, allô maman. Ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman. J'aime pas tes rides, les cheveux blancs, allô maman. Allez, on se le mettra même avant 10h. Le son de SCH, allô maman. On écoutera du Alonso aussi, je vous l'avais promis. Alonso avant minuit. Et c'est puis, Binta. Ouais, on écoutera Binta, Binta. Les invités de Planète Rap, ils sont sympas en plus. Les potes de Jul, les invités de Planète Rap. Justement, il y a Jul sur le morceau. On écoutera Maria Maria, ouais. Le GP, le ghetto phénomène. Et Marseille est bien présenté ce soir dans l'émission. Alonso, le ghetto phénomène. Et SCH, bah oui. Eh, les trois Marseillais, j'ai pas fait exprès. Hein. Connaît. Demain, ne loupez pas le rendez-vous hein, avec le Ghetto Phénomène. Dernier rendez-vous de la semaine, 20h-21h, c'est dans Planète Rap avec Fred. Oui, et un petit Drake, tiens aussi. Est-ce que t'es sensuel, Romano, quand tu fais One Dance? Oh, il fait un regard en plus. Super sensuel. Marie, vas-y, laisse-toi aller, chérie. Allez, bébé. Ce soir, je te ken. Ah, wow. Ça va pas, non. One Dance à écouter, ça Romano arrive. Qui est chaud, chaud. Ah, chaud bouillant. Bah, il est chaud aussi. C'est ouais. Bon, tout ça est chaud aussi, oui. Oh là là. Ah, tu veux pas qu'on repasse l'interview qu'elle t'a fait, Evelyne Thomas? Ah, qu'elle se remette, elle. Ah, si vous pouvez me prouver ça, tiens, demande à la prod de m'envoyer ça, là. Ouais. L'interview d'Evelyne Thomas. De Romano par Evelyne Thomas. Ouais. Evelyne Thomas, c'est la vieille, la dame toute botoxée là, qui passe sur Chérie 25. C'est la sœur des Bogdanov, celle qui faisait C'est mon choix et qui refait C'est mon choix d'ailleurs. D'ailleurs, ouais. Toute sa vie, elle aura fait C'est mon choix. Et donc, elle a fait une interview parce que ce matin, elle a insisté pour faire une interview dans le Morning de Romano, une interview sur les chauves et c'était super, vraiment. Ah, j'ai trouvé que c'était un des meilleurs moments de la matinée. T'as aimé l'hôtel, il me casser les couilles. Non, là, il m'a pas aimé. Interview vérité ce matin dans le Morning, vraiment un très très bon moment. Magnifique, quoi. Tu t'es livré. Mais c'était notre invité mystère, une de nos invités mystères ce matin. Non mais l'autre, elle a fait un sujet sur les chauves. Bah oui. Bah ouais. Envoyez-moi le sujet sur les chauves et l'interview de Romano de ce matin, vraiment. Grand, grand moment assez exceptionnel, on peut le dire. Merci Romano pour cette interview vérité. Bah, j'ai pas eu trop le choix en même temps. Hein. On rigole bien dans le morning, mais des moments un peu plus. Poignant. Poignant, c'est ouais. Ça, ouais, ouais, poignant. Ouais. J'ai attrapé un fou rire ce matin lors de l'interview sur les chauves, nous dit Jules là sur SMS. Tu es méchant avec Evelyne Thomas. Rigole Karim, 92. Non, franchement, elle était mieux avant. Elle a déconné. Ouais. Elle s'est fait trop de chirurgie. Ouais, ouais, ouais. Karim, 92. Tu sais pourquoi il est comme ça? C'est parce qu'elle lui a posé plein de questions sur un de ses plus grands. Problème, la chauvitude. Non, mais en plus, l'absence de cheveux. Les chauvis. À l'ancienne, j'aimais bien, c'est mon choix, là. Ouais. Ah ouais. Mais bon, là, j'ai pas regardé là, mais physiquement, la meuf, elle a abusé, quoi. Tu sais, je comprends pas les meufs qui sont à peu près normales et qui charcutent la gueule, mais à ne plus être normale parce du tout. Parce qu'elle a dû commencer à vieillir et du coup, la meuf, elle a voulu. Ouais, mais là, elle est gonflée de partout. Je te dis, on dirait une Bogdanov. On dirait la sœur. C'est vrai, quoi. Bah, peut-être. Tu sais, elle a un putain de menton, elle s'est fait gonfler les pommettes, elle a tout fait tirer les yeux. Tiens, la tête de carte. Bientôt, Evelyne Thomas dans Secret Story. Ah, c'est possible. Hein. Je suis, son secret, je suis la sœur des Bogdanov. Ouais, ouais. Non, mais ça pourrait être pas mal. Hein. Ben, pourquoi pas. Ben oui, il y a tellement de conneries à la télé, celle-ci, elle est pas mal, dites donc. Là. Bon, allez, on est prêt pour la suite. Vous nous appelez au 01 53 40 30 20 si vous avez besoin de nous, au 41 759 et sur l'appli Skyrock. Je vous pose une petite question et on fait le double appel. Il y a Léo et qu'il faut qu'on prenne aussi. T'es toujours là, Léo, hein. Léo de Snap. Coucou. Léo. C'est une marque de bière thaïlandaise, Léo. Qu'est-ce que c'est qu'une marque de bière thaïlandaise, bah ouais, Léo? Il y a une bière thaïlandaise qui s'appelle Léo. Mais Marie, tu connais les bières du monde entier, toi? Non, mais de Thaïlande, puisque j'y étais pendant longtemps. Donc on n'oublie pas Léo. Léo, il va. Avant, j'étais à Ladyboy. C'est vrai. Non, mais je suis restée. Dans une ancienne vie. Je suis restée un moment là-bas, donc j'ai. Ah, bah oui, j'étais Ladyboy, ça cartonnait, hein. Ah, magnifique. Ça fait couper le Skyrock, je suis venu. Ah ouais, c'est ça. Ouais, bienvenue à Skyrock. Ouais. Tout le monde peut venir à Sky, vous avez vu. Bon, allez, on prend Léo dans un instant. Un petit problème d'amour, on va le prendre. Ah, et moi, j'aurais une question. J'ai vu un truc sur Internet, ça m'inquiète. Et moi, j'ai une question aussi par rapport à un truc dont on parlait aussi ce matin, rien à voir avec l'interview ou vérité de Romano par Evelyne Thomas. Ça fait quoi d'être interviewé par une grande star de Chérie FM? Non, Chérie 25. C'est pareil. Ça fait quoi? Ah ouais, non, mais moi, je préférerais t'interroger sur d'autres sujets que ma chauvitude. Bah ouais, très bien. Bon, on vous trouve ça, on vous le mettra d'ici une petite demi-heure, le temps de s'occuper de tout ça. Et on parlera des galères de sexualité. Tiens, d'ailleurs, je vais lancer le débat. Hashtag radio libre, hashtag galère de bite ou galère de sexe, si tu veux. C'est plus court. Donc, vous nous dites quelles sont les petites galères que vous avez connues quand vous avez baisé. Qu'est-ce qu'il y a? Je disais galère de chatte. Oui, si tu veux. Et donc, vous nous dites si vous avez une galère de chatte, de bite. Enfin bon, quelle galère vous avez eue quand vous avez baisé début en fait. Oui, quand vous baisez, oui, en gros. Et quand, ou alors si vous avez une expérience exceptionnelle comme la mienne, ouais, par exemple, quelle galère vous aviez eue au début quand vous avez baisé. On a fait un petit sondage, c'était le sondage du jour. Moi, j'ai quasiment tous les trucs, moi. T'es dans toutes les catégories. Oui, Cédric, pas loin. Cédric aussi était pas mal dans le machin, là. Ah, tiens. Alors, les galères chez les filles, les galères chez les gars, vous nous dites les galères que vous avez eues pendant l'amour et on en reparle dans un instant. Il faut qu'on prenne Kevin parce qu'il a pas de temps. Il a pas beaucoup de batterie, en fait. Bon, Léo, tu bouges pas, on te reprend tout de suite. Léo de Snap, là. Ouais. On te retrouve. J'sais pas. Léo, t'es là ou t'es pas là? Ah oui, je suis là. Léo, faut parler, mon ami. À la radio, si tu parles pas, on t'entend pas. Alors, il est content, il nous faisait coucou avec la barre. Ouais. Hey, je suis là. Alors, je vous précise, ça ne marche pas, malheureusement, non, quand on fait coucou avec la barre. C'est encore. C'est sympa, mais on voit pas. Kevin, donc, ouais, il faut qu'on te prenne en speed. T'es à Toulon. Ah, mais t'es dans ta voiture, j'entends. Ouais, c'est clair. Ouais, non, je suis en train de chercher une place. Très bien. Je suis à Marseille, je suis dans la ville du nom droit, je peux conduire un. Comme ça. Je peux t'arrêter en plein milieu. La ville du non-droit à Marseille. C'est une belle définition. Donc t'es toulonnais et t'es à Marseille. Si j'ai bien tout compris. Et t'as pas beaucoup de temps. Bah tiens, on parlait de galère de sexe, justement. Ça tombe bien. Déjà les premières réactions. Alors, qu'est-ce que tu voulais nous dire, Kevin, toi? Et en fait, ça fait plusieurs années que je suis en couple. Mmh. Et ça fait plusieurs mois que je n'ai plus aucune relation sexuelle. Ah bah ça, c'est une bonne galère de sexe, ça. Tiens, quand tu baisses. Mais pourquoi? Ben, j'en sais rien. Mais t'essayes de la baiser? De la baiser. Ouais, Romano, bon. De lui faire l'amour. Ben ouais. Voilà. L'amour, la gnignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignignign de la câliner, tout ça. Ouais. Et à un moment donné, elle te rejette. Ouais, c'est qui veut pas? Elle me rejette pas, elle s'endort. Ah ouais, c'est tout. Ah ouais, parce que j'avais demandé ce que c'est qu'a priori t'es grave efficace. Ah, c'est quand même bizarre, à mon avis. Ou alors elle est peut-être fatiguée. On va dire ça, elle est fatiguée. J'essaie de trouver un truc sympa. Elle est fatiguée, très haut là, elle est épuisée. Donc ça fait combien de temps? Toi t'as 21 ans, à quel âge ta copine? Elle a mon âge. Elle a 21 ans. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 3 ans. Vous habitez ensemble? Vous êtes encore chez papa, maman? Non, carrément pas. Mais en fait, non, elle a son appart et moi j'ai le mien, mais. D'accord. Et avant un mois là, vous faisiez l'amour souvent? Ouais, c'est vrai. Oui. Peut-être qu'elle a un autre mec. Attends, tu penses ça? Bah si, peut-être qu'elle se fait gigonner par un autre. Peut-être qu'elle est enceinte et qu'elle a. Parce qu'il y a des meufs, quand elles sont enceintes, elles ont plus du tout envie de faire l'amour. Enfin, elles ont peur de faire l'amour. C'est pas pourtant, genre ça. Ouais, si, ça décuple l'amour. Non, pas comme ça. Non, franchement, sur ça, je suis. Non, parce qu'on sait jamais. Non, ou alors. Ou ça sent la fin. Ça arrive, est-ce qu'elle a envie. Est-ce qu'elle a changé, je sais pas, dans les. Pas les câlins de cul, mais dans les petits câlins qu'elle te fait tous les jours? Est-ce qu'elle est toujours aussi. Non, même pas. Mais elle m'a dit pour l'instant, j'ai pas besoin de ça, quoi. Besoin de sang, j'ai pas besoin de ça, quelle horreur. Non, mais elle a besoin de quoi? Ah, bah, fallait lui de me répondre. Bah, moi, j'en ai besoin, Je pense pas qu'à ta gueule. Espèce d'égoïste, Fais croquer ta chatte, quoi. Paye ta schneck. Oui. Non, mais elle a peut-être des problèmes en ce moment et elle pense. Ouais, mais d'accord, mais je sais pas, ça fait 3 ans qu'elle est en couple, elle pourrait te les expliquer. Ah oui, ça, c'est d'accord. Toi, t'es comme un con, la meuf, elle te met des recalages normales, quoi. Non, moi, j'ai pas besoin de ça, moi. Alors, ça ne m'intéresse plus. Il y a un message de Blue, sinon. Essaye de la violer. Pour voir. Mais ça va pas, Karim. Ouais, c'est cool. Karim, envoyez le message le plus con du monde, Karim, il va le lire. Ouais, parce qu'il se marre. Ça va pas. Il est con. Elle baise ailleurs, c'est sûr, nous dit Karim, 92C. T'es peut-être trop doux avec elle, un petit peu de sauvagerie au lit. sinon ça risque de tuer la libido. Après c'est elle a trop l'habitude. Ouais, mais le problème c'est que la sauvagerie là t'amène pas l'occasion de la faire, c'est-à-dire que la meuf en fait tu peux pas la toucher donc Non, puis elle en a pas envie, donc si tu vas un petit peu voilà, puis après après elle me dit ouais, j'ai l'impression que t'es avec moi que pour ça. Après je dis voilà, on est ensemble, tu vois. Ouais, voilà. Ça c'est toujours le même problème hein. Quand on a moins envie nous les nanas, on a l'impression que notre mec est ne veut que du cul quoi. Il y a Juste qui nous dit que moi ma meuf ne s'est jamais arrêtée puisqu'elle n'a jamais voulu faire l'amour avec moi. Juste 17 ans. Bah tu vois, lui au moins il a pas de problème. C'est clair. Il a pris l'habitude. Mais moi c'est une constante. Oui. C'est pas, ça change pas du jour au lendemain. Ouais. C'est ça le pire en fait, c'est quand tu baises régulièrement et que du jour au lendemain l'un des deux ne veut plus du tout baiser. Est-ce que tu as essayé de faire le mec distant, Kevin? Ouais, franchement, ouais, j'ai carrément essayé, mais après, voilà, après, c'était les, tu m'aimes plus, tu m'en regardes plus. Bah, non, tu fais, non, c'est toi. Tu fais, c'est toi. Apparemment, je t'attire plus, parce que tu as plus envie, donc, bah, voilà, pareil. Ouais, tu sais que. De toute façon, les meufs, elles ont toujours raison. Bah, j'aurais pas besoin de me forcer à faire le mec distant, moi, je lui ferais la gueule, hein, moi, je. Perso, hein, Kevin. Direct, il fout de la gueule. Tu lui fais pas la gueule, toi? Bah, j'essaye, mais après, voilà, c'est compliqué, tu vois. Ah, moi, ça serait naturel, ça viendrait tout seul. Non, mais le problème c'est que si tu lui as fait la gueule continuellement, à chaque fois que vous allez vous voir, ça va être pourri quoi. Ouais, excuse-moi Romano d'évoquer un petit sujet, mais la gothique refuse. Non mais bon, moi le problème qu'il y a c'est que si je raconte l'histoire de la gothique, Kevin, je vais le mettre en bad parce que moi ça s'est terminé très mal. Bah ça s'est fini tout simplement. Ouais. Ça s'est mal fini. Non mais toi, c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure. Elle voulait plus te faire l'amour. Pardon. Après, je sais pas. Non, tu rigoles, c'est moi qui voulais plus baiser. Oh, ah bon? Parce que moi, j'avais compris quand tu nous avais raconté l'histoire. Non, mais t'as mal compris. Hein. J'avais compris qu'elle refusait de te faire l'amour. Non, mais elle refusait rien du tout de me faire l'amour. C'est toi qui voulais plus. Bah, à la fin, c'est moi, je dormais dans le salon, donc. Pourquoi tu lui faisais plus l'amour à cette beauté? Ah, parce que je pouvais plus. Ma beauté. Mais j'étais dégoûté. Je pouvais plus la voir, même en photo, comme on dit, en peinture. Ah ouais, non, dans ces cas-là, c'est l'enfer. Ah, mais ouais, elle ouvrait la bouche, je lui répondais ta gueule, moi, donc. Ouais, toi, pour te rassurer, Kevin, elle a pas changé dans les petits gestes de tous les jours. C'est pour ça que je te posais la question. Ouais, enfin, peut-être qu'elle a juste plus envie dans ton cas. Peut-être qu'il faudrait que tu lui fasses croire qu'il y a une nana qui te drague en ce moment, tu sais, pour essayer de la remotiver un petit peu. Con, ça. Histoire vraiment qu'elle tombe en dépression. Mais non, pas en dépression, mais tu dis qu'il y a une nana qui te drague, machin, tu sais, juste pour qu'elle te revoie comme un mec qui a envie de toi, quoi. Un mec qui donne envie aux autres. Après, faut se méfier, parce qu'il y a des meufs, si elles peuvent mal le prendre. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais, je pense qu'elle le prendrait mal. Après, je sais pas si c'est une coïncidence ou pas. Alors, en fait, ça a commencé depuis que j'ai repris le... Enfin, depuis que j'ai recommencé à faire du son, donc j'étais de longue avec mes potes, et je la voyais plus trop, et du coup, on se voyait juste... Enfin, quand je la voyais, tu vois, je vous parle là. Ouais, mais gros, c'est bizarre que t'aies pas fait de reproche, tu vois, c'est pour ça. Si elle avait un truc à te reprocher. Ah, mais ça vient peut-être de ça, hein. C'est vrai que c'est pas con, hein. C'est en fait, elle se venge, quoi. Je dis, ouais, le mec, en fait, quoi, mis à part, pour venir me baiser, il est jamais là pour moi, il est toujours avec ses potes en train de faire sa musique, quoi. Ouais, mais vexé. Ouais, après, j'ai eu un peu ce reproche-là, mais bon, ça fait 3 ans qu'elle est avec moi, donc ça, je l'ai quand même fait souvent, j'avais arrêté un temps, enfin, c'est vrai que ça allait mieux, et là, j'ai repris. Ouais, mais bon, elle s'est mal habituée. Après, si c'est ta passion et si ça fait partie de toi, c'est normal que tu vives ta passion. Ouais, aussi, non, mais attends, si du jour au lendemain, tu t'es enfermé avec tes potes et que tu lui envoyais aucun message et tout ça, et que tu la voyais juste la nuit pour la niquer, bon, au bout d'un moment. Ouais, c'est normal qu'elle le prenne mal après, aussi, quand quoi. Y a, quand il y a le taf à faire derrière aussi, voilà, après, faut faire la part des choses, elle a ses passions, elle aussi, et moi, voilà. Non, mais t'as bien fait de préciser ça, parce que c'est peut-être ça, tiens. Non, mais c'est sûr, nous dit Romano. Ah ouais. Marie, ouais. Non, mais je suis assez d'accord. Non, mais je pense. En plus, ça s'est déclenché pile à ce moment-là. La meuf, en fait, t'avais arrêté un temps, donc elle s'était habituée à ce que tu sois tout le temps là. Ouais, là, tu revois tes potes et tout ça, et ça la gave. Elle passe mieux en premier. Et en plus, tu nous as dit toi-même que là, par période, tu vas la voir vraiment au final juste pour la niquer, quoi. Parce que non, ça, je l'avais fait à cette période-là où ça commence à faire ça. Mais ça, je le fais plus, du coup, parce que. Ouais, bah, de toute façon, en ce moment, tu vas, tu n'y es plus, donc ouais, tu le fais plus, forcément. Le problème est réglé. Attends, juste un petit bilan sur quelques idées qu'on a données. Elle te punit. Ouais, peut-être. C'est marrant ce que tu dis, Romano, parce que c'est exactement le message que va nous envoyer Keuf sur SMS. Bonjour la police, bonjour le Keuf. Salut Keuf. Il est puni. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre? Alors, les réactions sur les idées qu'on a données, notamment celle de Romano. Non, c'est Marie. Bah, je sais pas, c'est lui faire croire, qu'il y a une meuf qui tourne autour. Ouais. Ah, c'est Marie, ça. Parce que moi, je cautionne pas, ça. Très mauvaise idée. Ce que nous dit Stéphanie Steph, elle a 20 ans. On te fait un bisou, ma chérie. Elle nous dit très mauvaise idée, l'idée de la nana. Ah. Non, mais de toute façon, en plus, toi, ta nana, en ce moment, elle est dans la phase, ça va être, t'as qu'à aller la baiser, cette pute. Oh non, ouais. C'est ça. Exactement. Tu vois, la phrase, elle va te sortir un truc dans ce style-là, la baiser. Ça dépend. Va la baiser, ta pute. Toujours une réaction par rapport à l'idée de la Marie. Me too, une fille de 19 ans. Marie, mais quelle idée de merde. mort de rire. Un autre message, le câble HDMI de la PS4, 16 ans. Avec un peu de chance, la technique de Marie va te conduire à la rupture. Et bah, mort de rire. Non, mais c'est vrai, non, mais sur le coup, Marie, je suis désolé, mais la meuf, ça va lui faire péter un câble. Bah, tu lui dis, ouais, putain, il y a une meuf, elle me chauffe. Mais elle va te dire, mais t'as qu'à aller la baiser, ta pute, vu que moi, je baisse plus. Marron qui nous fait, elle est jalouse, ta meuf. Sub 42, c'est bizarre son histoire, mais ça m'est arrivé aussi. Deux solutions, soit le couple est mort, soit il y a un manque cruel. J'espère que c'est ça. Soit il y a un manque, je n'arrive jamais à le dire. Un manque cruel de discussion, non, de dialogue. Dialogue. Un manque cruel de dialogue. Un manque cruel. Bon, oui. C'est très facile de lire. C'est possible d'ailleurs. Tiens, il y a Edouard qui est avec nous, qui voulait réagir. Steph également qui est dans le coin. Ah, Steph qui va peut-être te rassurer. Donc on va commencer par Edouard, on terminera par les... Enfin, qui va te rassurer, j'en sais rien en fait. Ouais, on va voir. Oula, Edouard. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de cabrioler une baraque. Non, pas du tout. Je pensais à un magasin avec la caisse enregistreuse. Ouais, ça faisait un bruit de caisse enregistreuse. Alors Edouard, qu'est-ce que tu voulais dire toi, Kevin? Eh ben, moi, il m'est arrivé à peu près la même chose. Oui. Salut déjà à toute l'équipe. Salut Edouard. Salut Edouard. Edouard Saint-Etienne. Salut Saint-Etienne. Bonjour. Je vous écoute souvent. Ouais, du coup, souvent. C'est pour toi, Saint-Etienne. C'est gentil, merci Edouard. Vive Saint-Etienne. Et un grand bonjour à Sacha Meur. Ah, bah, je suis à côté. Moi, je suis vers chez Dipoule, je suis au Chambon. Ah, Chambon Feugerolles. Ah, tu connais? Ah, voilà. Bah, je connais, ouais, parce qu'à chaque fois, tu nous répètes les noms, donc. Chambon Feugerolles. Ouais, oui, au bout d'un moment, on connaît. Bienvenue le Chambon Feugerolles. Ouais, donc du coup, c'était pour lui dire que et bon, ça peut arriver, ce genre de choses. Moi, je suis resté avec une meuf pendant 10 ans. T'es resté avec une meuf pendant 10 ans? Je traduis ouais, parce qu'on t'entend ma moyen. Vas-y, continue. D'accord. Et du coup, ouais, moi aussi, ça m'est arrivé ce genre de choses. Et c'était surtout un gros manque de dialogue, quoi. Ah, toi aussi, manque de dialogue, t'entends, Kevin? Le manque de dialogue, ça revient souvent dans les messages qu'on nous a laissés. Mais toi, c'était ouais, pareil, ouais. Tu as dit noir. Tu traînais beaucoup avec tes potes et la meuf, elle se sentait un peu délaissée parfois. Bah c'était non c'était surtout parce que on avait après au bout de 10 ans on avait perdu un peu de dialogue, ouais, train et tout ça, ouais. la routine voilà team, ouais. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais, alors attends, on va prendre Stéphanie aussi qui est avec nous, qui voulait réagir pour Kevin. T'es là, Steph? Oui, je suis là. Salut ma chérie, Stéphanie, ouais, de Marseille. Bonsoir. Oh, ouais, génial, allez, ouais, on est américain. Good allô, morning. Pas encore, mais presque. Allez, ouais. Good morning. Voilà, good morning à 21h48, 9, 50. Good evening. Et votre Amerloc, là, il paye ou pas? Eh, il a pas payé encore. Et là, apparemment, il va présenter son projet dans deux semaines. Ah, je suis John McCourt. Salut, John McCouille. Comment allez-vous? Écoute, ça va bien, John. Alors, Marseille, vous attendez toujours les sous? Bah, on attend. Ah, bah, attendez. A priori, ça. Parce qu'en fait, il y a eu une réunion entière là hier, mais il est pas venu. Ah non, je m'en bats les couilles. Apparemment, il n'était pas content. J'avais autre chose à foutre. Samy, est-ce que tu penses que vous êtes en train de vous faire carotter? Non, c'est bon. Dans deux ah, je ne viendrai pas à Marseille. Ça va aller plus vite que prévu. Ça devait mettre 3 mois, ça risque de mettre qu'un mois. Il est confiant. Ouais, écoute, non, on va voir ça. C'est bon. Ah, ils sont confiants, les cons. On va suivre ça, là. On voit les dollars. Oui. Alors, Steph, pour revenir à l'histoire de Kevin, avec sa meuf qui ne pense plus au cul, il se passe plus rien du tout au lit, il ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce que t'en penses? Ben moi, il m'est arrivé exactement la même chose. Et dans la position de la meuf ou de Kevin? C'est ton mec qui voulait plus faire l'amour ou c'est toi qui voulais plus faire l'amour? Non, c'était moi. J'avais plus envie de rien. Il se passait plus rien en bas. Mais rien. De rien. Rien. Il se passait plus rien en bas. Rien du tout. Ah, je n'avais plus la foufoule en feu. Non, mais c'est vrai que ça peut arriver. Hein. Exactement. Je voulais plus rien faire. Il me touchait. J'en avais rien à fiche. Mmh. Et en fait, voilà, je commence à l'aimer de moins en moins. Ah. Il a dû passer des moments sympas, ton. Putain, ouais, c'est cool. Stéphanie, quand t'es arrivée, j'ai dit à Kevin, on va garder Stéphanie pour la fin parce qu'elle va sans doute te rassurer. Eh ben ouais. Mais je pense qu'en fait, elle va t'achever. Ah ouais. Vas-y, Stéphanie. Non. Peut-être qu'après, c'est tout simplement qu'elle a des problèmes, qu'elle pense pas à ça, que c'est pas sa priorité. Après, je suis d'accord sur le fait que peut-être que voilà. Elle a tout simplement envie, je sais pas, de se reposer un peu. Oui, mais enfin bon, faire l'amour, ça va pas la tuer non plus. Ça va, ouais. Non, puis c'est plutôt agréable. Ouais, et puis je veux bien qu'on ait juste à écarter les pattes. On a bien d'autres priorités, mais ça fait du bien, ça te détend. Ne serait-ce que. Tant elle se détend tout seul. Ah oui, dans ce cas-là, ça vexe. Moi, je serais vexé, Kevin. Je comprends que tu nous appelles et que ça te fasse chier. Elle est peut-être vexée, elle, déjà. Si elle le fait quand je suis là, ça me dérange pas. Non, moi, je me rallierais à la folie, c'est vrai. Je me rallierai à la position d'Edouard. Il faut déjà discuter avec elle. Ouais, parce que je pense qu'elle t'en veut un peu. De la nana, c'est mauvais, hein. Comment? Ouais, non, mais par contre, l'idée de la nana, c'est mauvais, hein. Ah, c'est l'idée de Marie. Non, mais c'est l'idée de merde, ça. Soyons clairs. Écoute, moi, je cherche. On a reçu des millions de messages. Ouais, faut arrêter de chercher. Arrête, ouais. Et donc, Romano, pour un petit conseil, moi je suis d'accord avec Edouard pour le dialogue. T'avais essayé de dialoguer avec ta Gothique quand elle te refusait son vagin. Mais il y a aucun rapport avec le sujet. Je suis désolé. Bien sûr que si. Bah non, parce que moi, ça. Vous étiez ensemble depuis 3 ans et demi et elle refusait de te faire l'amour. Non, mais elle refusait rien du tout. Je ne voulais plus la baiser. Je dormais dans le salon, donc, où je découchais. Oui, dormais avec d'autres, ouais. Ça dépend. Mais, non, mais moi je voulais plus discuter. Moi, j'en pouvais plus de sa gueule. À bout, quoi. J'espère que c'est pas ça, Kevin. Non, mais t'en es pas là. C'est la meuf. Moi, je te dis, nous, si t'arrivais à un stade, on s'adressait la parole, on se traitait. Donc, on pouvait plus se sentir, quoi. Oh, excusez-moi, c'était le stade Vélodrome, le stade américain. Américain. C'est pas celui-là. Non, c'était pas celui-là. Désolé, Samy. Ah merde. Tiens, tu vois, c'est pas ma priorité. On nous dit de baiser, mais j'aime baiser. C'est la moto cassée de Cédric qui nous envoie un message. Non, mais après, il y a des gens qui sont pas super sexuels, mais c'est dès le début, tu vois. Oui. Tandis que toi, ouais, mais je pense que tu n'y es pas pour rien, Kevin. Ouais, elle est certainement. L'histoire un peu avec vexée, la là, musique, ouais. Avec les potes, ça a dû la saouler. Ouais, qu'elle passe en. Ouais. T'adores être saoulée. Et elle se venge comme ça en te refusant le sexe. Saoulez-moi. Oui. Bah, elle se venge, elle le fait pas exprès. T'as pas besoin de mon mari, je crois. Hey. Tu arrives très bien toute seule. Mais non, mais elle le fait pas forcément exprès de se venger. C'est pas ce que je veux dire. Ouais, c'est une meuf, quoi. Elle est mal barrée, parce que non, mais après, à partir du moment où tu lui dis, elle sait très bien. Non, mais vous pouvez en discuter, tu peux lui dire. Arrête d'être conne, quoi. S'il te plaît, ma chérie. Non, commence peut-être pas comme ça. Arrête d'être conne et baisons. Allez, quelques petites idées que vous nous laissez. Il y a Kamel là, qui nous envoie un message du 54. Salut Kamel, salut le 54, salut la Lorraine. Payez-vous un petit week-end, ça va lui changer les idées et ça va raviver la flamme. Ça, c'est pas mal. C'est pas con, ça, Kamel. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée. Ouais. Ça, ouais. T'es pas le premier à nous laisser des messages. Paye ta soirée YouPorn. Voilà, une autre petite idée pour te détendre un petit peu. Super. De bijoux. Salut bijoux. Et puis sinon, ce qui revient souvent, le dialogue, discute avec elle, explique-lui que ça te pose un problème. Bah oui, vous pouvez parler, ça fait 3 ans que vous êtes ensemble. Donc on reprend l'idée d'Edouard. Ouais, puis tu lui dis que c'est pas que pour le cul, c'est simplement tu te sens rejeté, tu comprends pas, donc qu'elle te parle, quoi. Et on oublie l'idée de la Marie. Moi, ma meuf me faisait la gueule parce que j'allais trop au foot, je passais pas assez de temps avec elle, elle avait l'impression que je la délaissais. Ah, c'est pour ça qu'elle te refusait le sexe. Eh, pourquoi pas, c'est vrai, pourquoi pas. T'as peut-être non, Lionel qui envoie un message. Non, mais je pense que ça joue, ça. En plus, tu nous as dit que c'était à ce moment-là que ça avait commencé à merder un peu. À merdouiller. Bon, bah, demande-lui, discutez, voilà, ça vous fera du bien. Tiens-nous au courant, Kevin, hein. Ouais, bien sûr, il y a pas de problème. Ok, de eh problème. Ben, merci pour les réactions, merci à vous tous. Merci Edouard. Bisous. Salut Stéphanois. Il y a rien, dit full. On t'envoie le t-shirt Skyrock à Auchambon-Feugerolles, même. Et puis, ouais, Steph. Exactement. T-shirt Skyrock à Marseille. Ah, j'ai pas merci. La tête. Comment? Les chaussettes? C'est pas l'iPhone 7. Ah, je croyais que tu voulais les chaussettes, moi, de l'OM. Ah, mais l'iPhone 7 non plus. Non, l'iPhone 7. Non, l'iPhone 7. Ah non, y a pas ça. Demain matin, l'iPhone 7 dans le morning. Bisous, Stéphanie. Moyen de gratter un album, bisous, salut les. Oui, tu bouges pas. Bah, moi, gratter un album, j'en sais rien, c'est Cédric qui a les clés. Ah ouais, alors les cadeaux qu'on va faire, c'est Cédric qui a les clés. Parce qu'en fait, Cédric a pas confiance en Romano, ça, j'ai jamais compris. Bon, franchement, ça va, je suis pas un voleur. Hein. Non, mais il a pas confiance, c'est quand même, c'est bizarre. Bah ouais, mais. Donc, c'est lui qui a les clés des cadeaux. Mais les t-shirts, tout ça, on vous envoie ça. Oui, oui, problème. On va s'en occuper. Dans un instant, on va reparler des problèmes de sexe que vous avez eu pendant l'amour. Qu'est-ce que vous avez eu comme galère, en fait, des galères pendant que vous baisez? Un truc qui marche pas, tout devrait bien se passer, Et en fait, non. Tout se passe pas très bien. Qu'est-ce qui a pu se passer? Vous nous dites, je vous redonnerai le sondage de ce matin si vous l'avez loupé. On l'a fait à 7h-10, 7h-5 ce matin. C'était le sondage du jour. C'était en effet, Romano, tu as bien retenu. Le sondage du jour. Donc, les galères de sexe, on en reparle. Des galères de sexe, on en aura dans les problèmes du mois de ce soir. Et on va tenter le double appel et on retrouve Léo, tout ça sur Sky après SCH. Et allô maman. La radio qui t'offre le plus de places de concert, c'est Skyrock. This is Rihanna. C'est Nekfeu sur Skyrock. Black M. C'est MHD sur Skyrock. C'est Jules sur Skyrock. Maître Gims sur Skyrock. Après les 200 premières places pour la toute nouvelle tournée de Maître Gims, Skyrock double la mise. Soprano Baba. Et t'offre 200 places pour voir Soprano en concert dans toute la France. Soprano. Écoute Skyrock à tout moment et choisis ta ville. 200 places de concert Soprano en exclu sur Skyrock. Ouais. Soprano, un concert avec Skyrock. Skyrock. Est-ce que ça va ou pas? Promets sur Soprano. Ça c'est quoi? Bah des tomates. Oh, génial. Et ça c'est quoi? Ça c'est du persil. Du persil, mais je voyais pas du tout ça comme ça. Et là tu vas planter quoi? J'hésite, mais tu me fais penser à un truc. Ah bon, à quoi? Une courge. Tu veux créer ton potager sans prendre la tête et même sans rien y connaître? Télécharge Je Jardine, l'appli du potager 100% gratuite, 100% pratique. Avec Je Jardine, tu fais pousser ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux. Je Jardine est une initiative du Crédit Agricole.

Skyrock. Ça vient pas d'humour raciste. Et on salue notre nouvel ami, monsieur Braltard, Gilles Braltard. Gilles Braltard, big up à toi, Gilou. Salut, Gilou. Salut. Gère bien les avions, vas-y, fais tourner ça bien. Bon, on est en direct sur Sky. Il n'y a pas Cédric ce soir. Cédric est à l'hôpital, il y a un petit accident de moto. On le salue, Cédric. Ouais. Merci pour tous les messages que vous nous avez laissés. Bon, vous inquiétez pas, il est conscient, tout va. Vous inquiétez pas, la moto va bien. Oui, surtout. Mais la problème à l'épaule. Il y a Kigi, le Kogo, le Corset qui nous dit courage le Belge, pro établissement et courage à Cédric pour Perrine. Vous allez bien à part Cédric? Oui, ça va bien à part Cédric. Il y a des messages, beaucoup de messages. On voulait en parler en plus. Romano, tu m'en avais parlé tout à l'heure en début d'émission. Ouais, j'avais même dit à l'antenne que j'avais vu un truc bizarre. T'as vu un truc bizarre et t'es pas le seul. Selma nous pose des questions sur Lil Wayne. Il y en a plein qui nous ont posé des questions sur Lil Wayne. Il y a Ouf aussi qui nous a posé des questions sur Lil Wayne. Kenzo, pareil, qui veut savoir, c'est vrai que Lil Wayne va mourir. Ah ouais, c'est à ce point quand même. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, j'étais pas au courant. Tu vas nous dire, Romano, Lil Wayne, en plus, on en parlait dans le morning et dans la radio libre cette semaine. Ouais. Oui, qui avait annoncé qu'il arrêtait sa carrière. Ouais. Il arrête la carrière cette semaine ou vendredi, je sais plus quand est-ce qu'on en a parlé. Ouais, lundi, ouais. C'était lundi. Ouais, je crois que c'est lundi. Donc on savait pas pourquoi il arrêtait sa carrière. Alors là, il y a des rumeurs qui tournent, mais c'est pas des rumeurs à la con du net. Bah justement, ouais, parce qu'il y a des trucs pas trop. Bon, dites-nous si vous en savez un petit peu plus pour ça. Et on va parler galère de sexe également avec vos témoignages et les sondages de ce matin. Et puis on n'oublie pas bien sûr le double appel. Les familles sont prêtes, Samy. Ouais, c'est bon. Eh ben elles sont prêtes. Merci d'envoyer les numéros d'ailleurs. J'ai même pas demandé, on en a reçu déjà plein. Donc ouais, c'est clair. Les numéros, et puis on a tous ceux de la semaine là que vous nous envoyez pour qu'on passe un petit coup de fil. Je sais pas, à quelqu'un que vous connaissez, tonton, tata, quelqu'un de la famille, votre frère, sœur, cousin, cousine. On prend tout le monde, on peut le mettre en contact avec, mais papi, mamie, s'ils sont pas trop vieux. Oui, on prend aussi. Non, mais bon, oui, bah, quoi, ils sont en forme, hein. Ouais, ceux-ci, ils ont 90 piges, oui. S'ils sont rigolos et qu'ils sont en forme, hein. Ouais, bah ouais. Voilà. On les met en contact, mais avec n'importe qui. Ah ouais, c'est ça, c'est le hasard. C'est ça, et c'est Skyrock. Explique-nous alors, Romano, Lil Wayne. Bon, alors, ouais, il y a un truc qui tourne sur le net, c'est comme quoi Lil Wayne, il lui resterait, en gros, quelques mois à vivre. Parce qu'il aurait un cancer de la peau, stade 4, ce qui serait le plus il y a même écrit un mois, il lui resterait un mois. Alors moi ce qui me rassure dans ce genre de truc, c'est que le nombre de mecs morts et de meufs morts dans les stars, hein, sur le net réseau, ça fait beaucoup, hein. Il y en a qui sont même morts plusieurs fois. Oui, alors Eminem est mort plusieurs fois, par exemple. Il y a un docteur qui a témoigné, qui expliquait qu'en fait a priori lui ça avait pas pu être détecté parce que étant donné qu'il est recouvert de tatouages, c'était plus difficilement détectable. Et après lui il y a des tweets, bon c'est pareil, les gens interprète. Ah, c'est lui qui a envoyé des tweets. Ouais, mais bon, il annonce pas officiellement. Il dit « Je suis maintenant sans défense et mentalement abattu. Je m'en vais avec dignité et beaucoup de reconnaissance. J'adore mes fans, mais c'est terminé pour moi. Je ne cherche pas la pitié, mais la sérénité. Je vais bien, ne vous inquiétez pas. » Bon, tu vois. Peut-être plus par rapport à la musique qu'il a. Il y a Missy Elliott, la rappeuse, qui lui a envoyé un truc. « Je t'envoie mes prières, quelles que soient les épreuves que tu endures, celles que tu vas endurer. » Puisses-tu trouver la paix, je serai toujours une grande admiratrice de ton travail. C'est quand même bizarre. Ah ouais, c'est chaud. On se passera un son de Lil Wayne. Après, on sait pas trop. Ouais, on sait pas. Parce que le problème qu'il y a, c'est que c'est sorti que sur des sites ou sur Twitter, mais il n'y a pas de gros sites. Ouais, il n'y a pas de vrais. De trucs fiables qui l'annoncent, quoi. Peut-être parce que c'est tout frais, ça. Ah, écoutez, j'espère que c'est encore une connerie du net, parce que bon, les conneries sur le net, c'est vrai, il y en a eu un paquet. Ouais, c'est clair. Ça, c'est le son avec Wiz Khalifa quand vous passe sur Skyrock. Alors il y a Joris qui nous dit non, il s'est arrêté pour se consacrer à ses enfants. Mais ça serait mieux, hein. Mais en tout cas dans les tweets qu'il a écrits, on sent qu'il est pas bien. Si c'est lui qui les a vraiment écrits, hein. On sent qu'il est pas bien. Il a juste des problèmes d'épilepsie. J'ai vu ça sur TMZ, le site américain. Non mais ça, oui, il est sujet à beaucoup de crises d'épilepsie. A priori ces derniers temps il en a fait plus que qu'à l'accoutumée, comme on dit. On nous dit aussi qu'il a changé physiquement là ces derniers temps. Mais il a maigri, ouais. Et il y a Khadija qui dit pour Lil Wayne, c'est vrai, allez voir sur son Twitter. Bon, c'est un américain, donc allez traduire. Si nous on a les tweets, Romano. Ouais. Tu peux les traduire comme je sais que c'est ce que t'as dit tout à l'heure. Tu es très américain. Non, mais c'est ce que j'ai lu tout à l'heure. Il y a que ça, c'est juste le petit tweet. Et ça, c'est qui a écrit ça là? C'est qui a écrit ça? C'est des gens qui commentent. Ah ouais, donc ça c'est pas sérieux. En tout cas, le tweet que tu nous as lu tout à l'heure, c'était le tweet des Lil Wayne. Ouais. Bon, on se fera le son de Et le deuxième, c'était celui de Missy Elliott, qui est une rappeuse qui lui apporte son soutien. Bon, eh bien écoutez, on vous tient au courant, on en reparlera si on en sait plus, puis surtout, j'espère, pour vous donner des bonnes nouvelles de Lil Wayne. Bah ouais, bien sûr. Bon, on est prêt pour les galères sexes, oui, puisque je vois les messages qui arrivent. Ah bah c'est parti. J'avais une petite dernière solution là. Et même les témoignages, une solution pour qui? Ah, pour Kevin. C'est Fabou, un copain que j'embrasse, qui m'a envoyé un petit message, mais je pense qu'il a pas tort. En fait, il faut qu'il arrête de lui demander pendant 2 semaines de niquer et elle viendra d'elle-même. Donc en fait, ouais, il... c'est un peu ce qu'on a dit. Ouais. Bah ouais, de toute façon, ouais. On peut autant aimer. Il est toujours là, Kevin, ou il est parti là? Parce qu'au point où il en est, Kevin, il est parti. Ah oui, c'est vrai. Il est en voiture. Il en est, il peut tenter. Il est parti se branler là. Apparemment, c'est testé, approuvé. Donc bon. Testé, approuvé. Merci Fabou. Bon bah écoute, merci Fabou, on te fait un bisou, merci pour le. Oui, pourquoi pas. Elle est toujours moins pourrie que la méthode qui était donnée tout à l'heure. C'est pas faux. Tu vois, tu t'améliores. Tu t'améliores quand c'est pas les tiennes. Comme quoi. Petit à petit dans l'émission. Bon, alors double appel, on est prêt? Allez, bon, on peut y aller. Allez, on est prêt, on y va. J'ai jamais appelé, j'ai jamais rien fait, hein. Ah bah moi non plus, je connaissais même pas votre numéro. Aucun des deux n'a appelé l'autre. Votre ligne est piratée. J'entends qui a été piraté, c'est quoi ça? Ouais, bah moi non, moi aussi j'ai entendu. Le double appel de Default sur Skyrock. J'ai une bonne bite là. Ah Patrick. Oh, oh bah attends, comme elle était heureuse. Eh oui, comme elle était plaisir. Ça fait plaisir d'avoir quelqu'un d'aussi sensuel que Patrick au téléphone pour une femme, j'imagine. Ah ouais, grave. Ah, je mets à votre place les filles, je me dis que j'adorerais avoir. Bah je mouille. Oh putain, tu m'étais. Ah Marie, tu mouilles, tu m'étais. Oh, bah. Super excitant. Hein. Ouais, moi je suis décaloté complètement. Eh bah écoute, C'est de mieux en mieux. Une quoi. Bien belle soirée de mieux en mieux. Bon, Patrick, vous l'entendez, lui dans notre machine, hein, c'est pour nous aider quand les familles on a du mal à les retenir. Okay. C'est bon, il est prêt. Samy, t'es prêt aussi? Ouais. Je vois que les numéros sont prêts. On appelle qui ce soir? Bernard et Michel pour commencer. Ah, Bernard et Michel. Ah, dommage, c'est pas Jackie. Pour commencer, c'est vrai. Bien, là. On aurait pu faire de très bonnes blagues, mais c'est vrai en effet, dommage, c'est pas Jackie. Bernard et Michel. Allez. Allô. Allô. Allô. Oui, allô. Allô. Allô. Allô. Oui, comment vas-tu? Moi, je suis Patrick. Hein. Cette erreur. Hein. Bah, moi, je suis à Volpé, là, comme d'habitude. Comment? Ouais, j'ai une bonne bite, surtout. Hein. Allô. Non. Patrick, je t'ai déjà dit de ne pas y aller si fort. Il faut y aller un peu plus soft, Patrick. Oui, un petit peu plus soft. Je sais pas, tu pourrais dire un truc un peu plus sexy. J'ai trois doigts dans le cul. Non. Ah là, ça c'est nickel. Non, ça c'est encore c'est un peu trop. Ça. Non, ah, plus. Bah, je pense que c'est demi-là, moi, j'adore ça. Non plus. Ah, ouais. Tu vois, Patrick, non plus. Ça non plus. Non, ça va pas le faire. Bon, alors, qui c'est qu'on a? Ah, on va chez Jean-Pierre. Jean-Pierre. Et on va aller, tiens, chez... Putain, dans la liste, j'ai perdu celui que j'ai appelé. Ah, mais t'as ça, la liste, c'est tous ces numéros? Bah ouais, il y en a une dizaine. Ah ouais, il y en a beaucoup, oui. Donc, je vais te dire son nom. Jean-Pierre. Allô, et... allô, allô. Allô. Allô. Le loup. Allô, oui. Allô. Oui. Oui. Oui, comment vas-tu? Ça va. Bah, très bien, là, bon. Moi, je suis Patrick, hein. Hein? Moi je suis Patrick, hein. Patrick. Bon, j'attends. Décalote complètement. Voilà, attaque, vas-y, voilà. T'as déjà sucé sous la douche? Et je peux te dire que je vais te baiser. Là, je suis à poil, là. Oui, et alors? Oh, bah, je sais pas, sodomiser, moi, j'adore ça. Bon. Tu veux te faire sodomiser, là? Bah, pas précisément, non. T'as mis un petit peu de doigts dans la chatte, là? Oui, ben voilà. Deux, trois doigts dans le cul. Ouais. Surtout si elle commence à bien te frotter et puis à bien te sucer et tout. Ouais. Tu mets un petit peu de savon, là, tu la sodomises, ça fait du bien. Eh ben oui, ça, y a pas de problème. Allô, allô? Ouais, allô? Allô? Oui. J'ai des godes. Saucisson de cheval. Ça, c'est bon. Ouais, c'est saucisson de cheval, t'en fais quoi? Je te prends le saucisson de cheval et je te l'enfile. Là. Bande-toi un peu. Là. Vas-y. Vas-y. T'es avec ton copain, là? Vas-y. Bah, je vais te brûler. Là, j'ai eu ma copine qui m'a fait une bonne petite pipe dans la voiture, là. Ouais. Ouais. Ouais. Allez, Jean-Pierre. Et je peux te dire que je vais te baiser. Bien comme il faut. Bon, c'est bien. Ah, bah, écoute, c'est bien, Jean-Pierre. C'est bien. Je vais faire partouzer. Il est sympa, notre copain? Oui, oui, pas de problème. Bah, écoute, il est comme ça tout le temps, hein. Je sais pas pourquoi. J'espère qu'il t'a pas dérangé quand même, hein. Non, ça ne me dérange jamais. Ah, bon, bah écoute, très très bien. Tu mets une capote derrière. Oui, il veut que tu mettes une capote derrière. Oui, bah tu vois, mon copain est un peu bizarre, mais quand même, il met toujours la capote, il est quand même prudent. Hein. On sort couvert. Ah, bah ouais, toujours aussi couvert. J'ai un petit sac de 21 cm. Oui, alors il décrit son sexe, bon, on va laisser tomber. Ah, hein, oula, le sexe de 21 cm, je suis pas sûr que ça te mette en appétit ce soir, Jean-Pierre. pas sûr. Ah, Patrick est tellement vulgaire que ça paraît presque naturel en sortant de sa bouche. C'est le message de Diablo, merci Diablo. Merci Jean-Pierre, on te souhaite une bonne nuit. Hein. Allez, bisous. Bisous Jean-Pierre. Ah, bisous Jean-Pierre. Ouais. Okay. Salut Jean-Pierre. Ah, c'est bon là. Lui, il était sympa Jean-Pierre. Ah ouais, il smile, excellent. Il est content. Excellent, oui. Il s'est fait un double appel tout seul avec Patrick. Ça, hein, ouais, donc, c'est ça. Ouais. Ah, il était content. Il écoutait. Hein. ouais, Patrick réussit à serrer, on nous dit là, sur les messages. Là. Bon, allez, dernier. Parce qu'après, allez, on s'occupe des problèmes sexe. On aura le problème du mois. Le sondage sur les galères de sexe. Ah, l'interview de Romano par Evelyne Thomas. Ouais. Ah, ah, faut nous la faire sortir, l'interview là. On va la passer. Et donc maintenant, qui c'est? Janine et Sandrine. Ouais. Sandrine, ça ne répond pas si Janine et Sandrine. Allô? Ah. Oui? Voilà. Oh, yeah. Oui? Là. J'écoute. Oui, vous voulez quoi? Eh, vous avez fini de faire le con, oui? Excusez-moi, c'est vous qui m'appelez, hein? Allô? Oui, allô? Oui? Eh ben, qui c'est? Bah, qui c'est? C'est vous, qui c'est? Vous arrêtez, vous, ça fait déjà deux fois que ça appelle sur notre téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, appelez ailleurs. Hein? Téléphonez à quelqu'un d'autre. Merde! Et qu'est-ce que c'est? Qui est-ce? Patrick. Patrick. Patrick, quel Patrick? Cédric. Salut les filles! Oh, ça suffit, hein? Et pour finir en beauté, cette magnifique voix qui nous manque beaucoup ce soir, et la voix de Cédric. Voilà, ouais. Et encore une fois, un rejet de la part de la famille. Ah ouais, non, mais vous avez vu quand même, Patrick, tout à l'heure, il a tenu le mec, je sais pas, 5 minutes, en lui envoyant des trucs de ce style. J'ai des godes. Ouais, le saucisson de cheval. Aussi. Saucisson de cheval. Bon, ouais, dans la chatte, là. Dans la chatte, où tu veux. Pendant 3-4-5 minutes, il est resté au téléphone avec. J'envoie la voix de Cédric, le magnifique. Salut les filles. Salut les filles. Fatal. Et là, blam. C'est au revoir, dingue. Raccrochage direct, c'est quand même fou. Hein. Bon, merci à Le Panda qui est plié, mort de rire la voix de Cédric, Lucas le gentleman qui nous envoie un message, super Jean-Pierre pour Jules. Voilà, même le Belge quand il est pas là, il fait chier les gens. Ah, ça doit le faire rigoler ça. Skyrock vraiment débarre pour Valentin, merci pour tous les messages, allez-y, hein, sur le 41-759, l'appli Skyrock. Vous nous faites péter tout ça toute la soirée, tous les réseaux aussi. D'ailleurs, on doit rejoindre, c'est qui? C'est Hugo qui nous a joint sur Snap. Vous pouvez nous suivre sur Snap. Ouais. Et on parle de galère de sexe aussi. Alors, galère de sexe, Hugo, 18 ans. Bah, toi, il t'a déjà dû faire du sexe. Et là, Hugo? Ouais, je suis là. Très bien. Salut, Hugo. Alors, avant que tu nous expliques un petit peu pourquoi tu nous appelles, salut à toi. Tu nous as suivi sur Snap, tu as vu comment on est beau gosse et belle gosse ce soir. Ouais, j'ai vu ça. Le niveau est monté très fort, je sais pas pourquoi d'ailleurs, Romano. Grâce à toi, Diffoul. Non. Alors, je crois que tu avais une autre idée. Bah oui. De quoi? Que le niveau était monté? Bah, le niveau de sensualité de l'émission est monté très fort, comme ça en une soirée. Bah parce que Cédric est pas là. Ah, voilà. Je suis désolé, je ne veux pas être mauvaise langue. Le salaud. Hein. On ne tire pas sur l'ambulance. Non. Oh. Non. Oui, donc on va parler de galères de sexe, parce qu'on a un sondage sur les galères de sexe qu'on a fait ce matin. Et puis je me suis dit, on va reparler ce soir, parce que c'est toujours intéressant. Et puis, comme presque tout le monde a déjà eu des galères en baisant. Toujours. On se sent moins seul. Moi, personnellement, pas encore. Mais on sait jamais. Ça peut arriver. Bah, on sait jamais, ouais. Le problème, c'est que je vais donner trop de... Tu allumes ton micro. T'es comme Cédric. Hein. Ah, tu t'es assis à la place de Cédric. Ouais, et hop là. J'ai dit, de toute façon, depuis la rentrée, t'es plus con que lui. Hein. Non, mais elle va te faire encore. On a fait le test. On a fait de nombreux tests. Ah, j'aurais pas aimé. Durant de nombreuses soirées. Et pour le moment, le bilan n'est pas bon. Non, mais si tu veux, quand il revient, on fait un bête de test. On nous pose des questions. Les mêmes questions chacun. Celui qui répond le plus vite. Et on va voir qui est le plus con. D'accord. Préparez-nous des questions. Ok. Vas-y. Genre culture générale. Ouais. Tous les domaines. On vous lance l'appel, vous nous écoutez, envoyez culture des questions. Culture générale. Agriculture. Culture générale, c'est la culture dans l'armée, Karim. Ouais. Dans l'armée. Oui, dans l'armée. Pourquoi dans l'armée? Parce que c'est général, il y a des généraux dans l'armée. Des généraux, oui. Des généraux ou des généraux? Non, mais culture générale, c'est ce que c'est du coup. Genre les questions surtout, quoi. Voilà, c'est ça. Tous les domaines. Ouais, pas de problème. Général. Pas de problème, les gars. Trop fort. Tu sais, genre maths, musique, histoire, géo. Vas-y, y'a pas de problème, je vais te battre pour le sport. Sport, tout. Oui, donc galère sexuelle, t'as déjà eu une petite galère en faisant l'amour, toi, Hugo? Ouais, une petite galère, enfin, c'est pas hard, mais ça casse les couilles quand même. Non, mais c'est pas, y a pas que des trucs hard, vous verrez, le sondage, c'est pas des trucs hard, c'est des trucs assez communs, en fait, au final. J'explique. Ah oui? Bah, vas-y. Ah, bah, alors, on va tous raconter une petite galère. c'est parti. Alors en gros, j'ai fait un match de hand samedi soir et du coup le soir en rentrant, ma copine a été là. Bref, bah voilà, il se passe ce qui se passe. Mmh. Et dans, en plein axe, bah acte, je sens une grosse crampe à la cuisse. C'est déjà arrivé, ça. Ah ouais, une crampe à ne plus en pouvoir. Enfin, je pouvais plus rien faire. Genre, en limite, je pleurais. Et du coup, ça m'a coupé dans l'élan. Non, mais ça, pareil, horrible. Le truc, ouais, c'est ça arrive, ça. C'est, machin, tu débandes en 30 secondes parce que t'as tellement mal à la jambe que la bite, ah ouais, la bite ne répond plus. Du coup, tu stoppes tout. Voilà, la bite, elle tombe. Ah, mais c'est très, très hard. Ouais. Tu sais que moi, j'ai un ami personnel qui, lorsqu'il a rencontré sa copine, n'a pas bandé. Et ben, je vois qu'il est pas tout seul sur les messages. Ah, mais va te faire mettre. Pardon. Non, mais j'ai bandé, mais mou. Pardon. Qu'est-ce qui est pour ça? J'ai bandé. T'es agressif comme ça. Bah, parce que tu sais, de la diffamation. Cédric, il te manque? Non. Pourquoi t'es agressif comme ça? Non, mais je suis pas agressif, mais c'est de la diffamation, c'est pas exactement la diffamation, ça. Quoi. Donc je vous parlais d'un ami à moi, que je n'ai pas cité d'ailleurs, mais qui est chauve. Ouais, ouais, ben on a plein le cul. Il a plein de cul de quoi? Bah, de chauve, bah, des conneries. Ouais, donc ouais, qui a pas bandé. Mais en tout cas, t'es pas tout seul. DJ également n'a pas bandé. Non, mais ça, moi, là, mais si, j'ai bandé, mou. Ah, bandé, mou, oui. Demi-molle, quoi. Bah, tiens, ouais, regardez, à Charlemagne, lui, il n'arrivait pas à rentrer la bite dans la chatte de sa copine, c'est ce qu'il nous dit. Il a fallu du lubrifiant pour la piner. Et, pour la piner. Non, mais j'ai lu le message, regarde. Je n'arrive pas à rentrer dans ma bite dans la chatte à ma meuf. Il a fallu du lubrifiant pour la piner. Plus éviter le gel effet chauffant. Ah ouais, ça brûle au bout d'un moment, c'est ça? Ah, parce qu'on appelle ça, ce qu'on appelle ah ouais, avoir le feu au cul. Ouais, c'est pas génial, ah ce ouais, truc. Ah, mais bah on avait essayé, pas, ça, ouais. Ouais. Oui, oui. Les trucs du Rex, là, ouais. Ouais. T'aimes pas trop, Marie. Ou ça chauffe un peu, ouais. Ouais, c'est pas le plus. À la limite, celui qui rafraîchit, peut-être mieux. Ouais, peut-être plus, ouais. Alors, tout le monde raconte une galère de sexe comme Hugo. Romano, une petite galère de sexe. Moi, j'ai raconté, c'est ma crampe. Bah, moi, j'en ai plusieurs, hein. Je l'ai enculé par erreur. Ah ouais. Voilà, ça, elle est dure, celle-là. Ça t'a stoppé direct. Enfin, ça l'a stoppé surtout, quoi. Non, mais ça fait un mal. Moi, ça m'est bah, en fait, ouais, elle était extrêmement mouillée. Bon, on peut comprendre, hein, en baisant avec moi. Bah, ça, c'est normal. Très excité. Oui. Et, du coup, on était en levrette et, je suis sorti et quand je suis rentré, la bite a glissé dans le trou du cul, mais elle est rentrée, mais, heureusement, je n'ai pas une trop grosse. Mais elle a quand même, non, mais elle avait les larmes aux yeux et tout. Elle a souffert. Ah non, mais j'étais obligé, on a pas fini en fait. Ouais. Tu t'es fini la main après à côté d'elle. Hein? Tu t'es fini la main? Bah non, mais non, parce que franchement, ça m'a le fait. Truc, tu lui as mis de la pommade sur le fion. Excuse-moi, chérie. Non, mais elle a hurlé, tu sais. Il faut attendre que ça passe. Elle a hurlé, elle avait les larmes aux yeux. Est-ce qu'elle t'a fait la gueule? Non, elle m'a pas fait la gueule, mais elle a eu très mal au cul, quoi. D'autres galères. Tiens, bouge pas, Hugo, on te garde. Héloïse est avec nous en direct de Nantes. Salut, Héloïse. Boup, boup, ah. On a l'attente. Héloïse, ah, 18 ans à Nantes. Ah, c'est pour ça, gros. Ah, on va la reprendre. Héloïse, t'es là? Héloïse? Bon, on prend Stéphanie. Allô, c'est ouais, bon, ah, c'est elle bon. Est là. Héloïse. Héloïse, tu t'es déjà fait enculer par erreur? Ah, bonjour. Bienvenue sur Skyrock. Salut. Ah, il n'y a plus d'électricité à Versailles. Ça, on peut, ça va bien. Merci à lui, à Diffoul, mon idole, qui vient de laisser un message. Très beau pseudo, d'ailleurs. Je ne sais pas s'il n'y a plus d'électricité à Versailles, dites-nous, ou c'était tout seul. Ou alors, t'as pas payé. Ouais, c'est possible aussi. Alors, on parle de galère de sexe, Héloïse. Tu t'as connu quoi comme galère de cul, toi? En fait, avec mon copain, on était en pleine action. Mmh. Et du coup, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, il a dit oh lolo. Oh lolo. Genre, ouais, quand il était en train de ken. Oh lolo. Ah, je m'attends ouais. Genre, il était en train de ken, il a fait ah ouais, oh là là. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est ce truc de cul dégueu? C'était tout. Mais c'était quoi le ton? Le oh là là, c'était oh là là? Ou alors oh là là? Oh là là? Ouais, plutôt comme ça. Ah, le oh là là. Oh là là, ouais. Ah ouais. Oh là là. Et pourquoi il y avait le là? J'ai pas de but non plus tout dévoiler. Ah bah si, il faut tout dire. Ah bah si, là t'es obligé, quoi, t'es là, t'es obligé. Pourquoi il a fait oh là là? Bah parce qu'il était excité. Ah ouais, ah, ouais, c'est ça, c'est oh là là, ah ouais, oh là là. Bon bah ça c'est pas une galère de sexe, ça. Ah, mais c'est pas fini. Mais non, c'est pas ça. C'est qu'après, du coup, dans le salon, on a entendu son père dire la même chose. Et on s'est tapé. Oh là là, oh là là, oh là là. Il te la met bien, oh là là. Ah ouais, ça coupe un peu quand même. Mais vous avez fini, oui. Vous avez fait quoi? Ça vous a bloqué? Bah non, on s'est arrêté, on a rigolé, mais on a pu savoir comment faire, quoi. Ah bah oui, oui. Bon, bah, et c'est mieux que Cariol et Romano qui se mettent à pleurer quand ils l'enculent par erreur, quoi. Ah bah ouais, ouais. Au moins, oui, vous rigolez. Normal. Ouais, ouais, bon, le bilan, c'est le même, t'as pas fini, quoi. Ouais, c'est quand même plus sympa. Ouais. Les galères d'amour. Moi aussi, j'ai déjà enculé une meuf par erreur. Tu vois, Romano, tu diras à Cariol, ça va la rassurer. C'est Carmelo qui nous a envoyé. Marie aussi, message. Elle s'est déjà fait enculer par erreur. Ça m'est arrivé aussi. Et ça m'a pas déplu. Ah, bah ça. Et le nombre de messages de ceux qui ont pas bandé ou de filles qui ont pas réussi à se faire pénétrer, c'est hallucinant. Tiens, il y a Stéphanie, la Marseillaise qu'on a eu tout à l'heure, qui avait une petite galère de sexe aussi. Steph, t'es toujours là? Oui, je suis là. Oui, tu es là. Qu'est-ce que tu as eu comme petite galère, toi, Steph? Ben, j'en ai eu deux. La première, c'était que Bah, elle avait rien à faire, je mouillais pas, donc ça voulait pas rentrer. Ah, sous tout sec, c'est revenu aussi chez les filles, là. Il y a eu plein de messages depuis tout à l'heure. Ouais, bah, effectivement, il a essayé de la rentrer, je sais pas comment, par tous les moyens, et c'est pas rentré, donc il s'est énervé. On aurait dit du crépi. Ça ne rentrait pas, c'était tout sec, comme du crépi. Mais l'autre, il a forcé, putain. Il s'est assis, il s'est énervé, la loi Pokémon. Bien joué à Pokémon, bah voilà. Il est parti chasser des Pokémon. Ouais, je vais baiser Pikachu, voilà. Ah, super. Au moins lui ça rentre. Non, mais... génial. Et une deuxième, tu disais? Et ouais, et la deuxième chose, c'est que j'avais rencontré un type qui était plutôt beau garçon. Et bah, du coup, on a commencé et tout. Et puis, je voyais qu'il bandait pas. Et je lui ai dit, mais j'ai beau la plier, la tordre, tout ce que tu veux, elle rentre pas. Et il m'a dit quoi? Il m'a dit, mais je suis au max. Ah ouais. Ah, il avait une petite bite. Mais t'as eu aussi ce problème, Romano? Non, mais non, tiens, carriole. Mais si, t'as une demi-molle. Non, mais non, carriole, elle a trouvé que t'avais un sexe tout petit. Ou en fait, carriole, elle m'a sucé, tu sais. Et en fait, je ne bandais absolument pas. Du tout. Et à un moment donné. Comme ton mec, Steph. Elle me dit, mais tu bandes là? Et je lui dis, bah non. Ah, c'est vexant, ça. Bah. J'avais tu vois, Stéphanie, t'es pas toute seule. J'avais dit, j'avais dit ouais, j'y arrive pas. Non, mais t'étais foncedé, non? T'avais bu, t'étais bourré. Ouais, ouais, mais ça fout la honte quand même, parce que je m'en rappelle, tu vois. Ah bah, ah ouais. Et sinon, le truc qui revient très très souvent pour les mecs. Et oui. Casser la carotte, en fait. Et oui, Cédric, tu fais bien de le dire. Je suis précoce, en fait. Mais oui, c'est Cédric. Mais oui, on le sait. Représente les précoces. Oui, oui, oui, représente les précoces. Mais t'es pas tout seul sur les précoces. Peut-être lui réparer le sgeg. Ah oui, parce que c'est vrai qu'il est à la clinique ou à l'hôpital. À l'hôpital, il a eu un problème en moto, mais rien de grave. Il est arrivé, il s'est fait rentrer dedans par une voiture. La voiture est dans un piteux état. La voiture est complètement défoncée, à la carrosserie. Pire que si il avait tapé un sanglier. Un éléphant. Voilà, le mec il lui rentrait dedans, c'est barré. Non, par contre, ouais, lui c'est un bel enculé. Et donc, tu disais, il faudrait qu'il en profite pour se faire réparer le sgeg, ouais. À cause de son problème de... Je suis précoce, en fait. Bah ouais, ouais. Bon, en tout cas, c'est pas le seul à être précoce. Hein. Voici les résultats du sondage des galères de sexe. Vous allez voir Stéphanie, Héloïse, Hugo, si vous avez déjà eu ces galères-là. Côté mec, alors, en 5, le stress. Le stress qui te paralyse. Ouais, les deux. Donc ça, c'est carrément, tu bandes pas du tout tellement t'es stressé. Hein. Y a rien qui vient. En 4, le manque de plaisir. C'est-à-dire que le mec, il baise, et au final, il a pas le plaisir qu'il veut. Dommage. En 3, tu bandotes un peu, ça c'est toi, Romano. Ouais. Tu bandotes un peu, mais tu as une demi-molle, et donc c'est toujours relou quand tu rentres à l'intérieur, le truc se plie. Ah ouais, c'est une galère, faut mettre les doigts pour guider. Ah ouais, tu mets les doigts. C'est toujours un peu galère. En 2... Ça, je suis dedans, là. Oui, bah je sais, tu vois. En 2, non, si. Le peine à jouir. Ouais, ça m'est déjà arrivé aussi. Bah ouais. Oui, Quoi, le peine à jouir? Ouais, genre en gros, tu limes, mais tu craches pas. Tu l'as déjà dit dans le 4, ça. Rien à voir avec Jean-Marie. Ah, mais ouais, parce que l'autre. Je comprenais pas. Karim a eu peur, j'ai dit Le Pen. Yavol, bonjour, je suis. Bonjour Marine, comment vas-tu? Peine à jouir. Le peine à jouir, donc en 2, et le principal problème, représenté précoce. Bien joué, Cédric. L'éjaculation trop rapide. Ah ouais, ça. Ça, c'est le premier problème chez les mecs. Moi, je suis surpris, il n'y a pas. Casser la capote. Ah oui, mettre la capote. Tu sais, un foirage de. Parce que moi, c'est ce qui m'est. Ouais, moi aussi, ça m'arrivait ça, je parlais ça. Ah, t'arrivais pas à la mettre? Non, en fait, moi, tu sais, j'avais jamais entraîné à la mettre. Non, tu sais, la première fois que j'ai fait l'amour, j'avais jamais mis de capote, tu vois. J'ai mis une capote et je savais pas qu'il fallait tenir le bout, tu vois. Ah en oui. fait, j'ai limé et je m'en suis pas rendu compte. Tu le sens pas. Et quand je suis sorti, mais j'avais un morceau de plastique sur la bise. Sur la bise. Il y a tout qui avait exploté. La meuf, elle m'a pourri la gueule. On a dû aller à la pharmacie acheter la pilule du lendemain. C'est pas malin, c'est marseillais. Hein. Ces deux pilules, machin. Voilà, connasse. Première relation, je m'en souviens, tu vois. Ah bah tiens, c'est arrivé à Tinoval, pas comme Samy, mais lui, il allait baiser et il a pété la dernière capote qui lui restait. Ah merde, bah voilà. Ah bah là, tu restes en galère, là. Voilà. Plus qu'à te sucer. C'est une belle galère d'amour, celle-ci, ouais. Et sinon, pour les filles, alors voici pour vous, les filles. En 6. Ah, vous avez un truc de plus que nous, on est avec les 5 premiers, vous avez 6. Ils ont beaucoup de problèmes. En 6, l'absence d'excitation. C'est-à-dire qu'en fait, vous baisez avec un mec, vous n'êtes pas du tout excité. Ça t'est arrivé, ça déjà, Héloïse? Absence d'excitation totale? Non, ça m'est pas arrivé, ça. Non, bah tant mieux. En 5, bah, un peu comme les gars, le stress. Ah, là, la fois où t'as pas mouillé du tout, c'est que tu devais pas des masses excité au final. Ouais, quoique, c'est vrai. En 5, l'anxiété pendant l'acte. Ouais, le stress, comme les gars. Oui. En 4, la sécheresse. Tu vois, Stéphanie, comme toi. Sécheresse vaginale. Ouais. Ah, ça fait mal. Ça va souvent avec c'est le quatrième problème le plus connu lors des relations sexuelles. En 3, la douleur physique. Ouais. Comme toi, Romano, que t'as raconté tout à l'heure. En 2, la difficulté à éprouver du plaisir. Eh, ça vient pas. Merci. Et le numéro 1, merci pour le jingle pour signaler le numéro 1. Le numéro 1, l'incapacité à parvenir à la jouissance. Mais c'est la deuxième, c'est pareil que le deuxième. Ouais, hein. Bah ouais. Voilà, donc en gros, vous avez du mal à jouir, c'est le principal problème. Peine à jouir, quoi. Et c'est marrant qu'il n'y ait pas « ça rentre pas ». Parce que nous, on a eu plein de messages. Ouais, hein, mais moi aussi, je pensais à ça. Ouais. Il est bizarre leur sondage, parce que nous, c'était. Bah, ça rentre pas, c'est peut-être dans la sécheresse. Parce que comment que c'est. Ouais, peut-être aussi, ouais. Ah, c'est peut-être dans la sécheresse. En effet, Romano. Pas facile à dire, cette merde. Bon, voilà, c'était notre petit point sur les galères sexuelles qu'on peut avoir. Merci pour les témoignages, merci pour les messages que vous avez laissés. Hein. Ah, y a pas eu péter le lit, parce que moi, ça m'est arrivé, ça. Ouais, alors c'était Marie, non. J'ai pas mon sondage. On s'est cassé la gueule. J'ai pas mon sondage péter le lit, là. L'Égyptien du 5-7, il dit moi, je mets 2 heures à jouir. Mais je bande fort, putain, 2 heures. Nous, on a une copine. On a une copine qui elle met un mec qui met 1h30. 1h30, ouais. Oh, elle nous racontait ça cet été, elle en peut plus. Elle est au bout. Elle est au bout. C'est hyper long. Bah, elle commence, je sais pas, elle commence maintenant, elle finit à la fin de l'émission. Ah, 1h30. Mais ça vous est jamais arrivé, vous, de rester 1h30, 2h? Non, mais à chaque fois, tout le temps. Non, ouais, si tu es arrivé, mais. Ah ouais. Après, ouais, à chaque fois, j'imagine. Moi, j'aime bien. Et le mec peut pas jouir avant. Hein. Ah ouais, ouais. Bah écoute, bon, vaut mieux ça que d'être précoce, hein. C'est vrai, ouais. En effet, tu fais bien de le dire. Je suis précoce, en fait. Oui, oui, Cédric, oui. C'est pour parler un peu de toi. C'est bien triste. Bon, merci Stéphanie, merci Héloïse, on vous embrasse les filles. Et Hugo, alors, explique-nous pourquoi tu nous appelles, Hugo, parce que tu nous as laissé un message sur Snap tout à l'heure. Et t'appelais. Ah, c'est pas toi qui avais une galère, c'est pas Hugo qu'on voulait prendre. Ah, c'est Léo sur Snap. Moi, ouais, Hugo, on l'a déjà eu. Ouais, Hugo, c'est bon. Bah, moi, je suis déjà passé. Merci pour la galère, Hugo. Ouais, c'est Léo, excuse-moi, je mélange tous les Léo, là. Donc, Léo, on va le retrouver, j'espère, parce que ça fait un petit moment qu'il nous attend. Lui aussi, il était sur Snap. On le rappelle. Des nouvelles de Léo et votre problème du mois du jeudi soir. On va attaquer le sommaire, ouais. Je pense qu'il va falloir attaquer, mais fort, le sommaire du problème du mois. Très fort. Qu'est-ce que t'as trouvé cette semaine pour nous? Mais on découvre tout ça après. Drake. Ah oui, j'avais promis Drake. Drake et One Dance sur Skyrock. Depuis la rentrée, Difool a déjà distribué plus de 20 000 euros en cash. Il faut me dire quelle est ta radio préférée. Bah, Skyrock. Skyrock. Non, c'est Skyrock. Mais oui, c'est Skyrock. Ouais, Skyrock. C'est gagné. C'est pas vrai. Une vingtaine d'iPhones. Ton iPhone 7. Le tout dernier. Putain, ça c'est bon ça. Romano a déjà arnaqué des commerçants. Bah, que des familles. C'est encore une arnaque ça. Hein. Des campings. Une semaine de vacances gratuites, ok madame? Gratuite, bien sûr, tout à fait. Et ce n'est que le début. Que le début. 6h-9h. The Morning Show. Le Morning de Difool sur Skyrock. Ghetto Phénomène. Découvrez leur tube Maria Maria avec Jules. Maria Maria, le single de Ghetto Phénomène, déjà disponible. The Morning Show. Envoie 1500 au 720 et multiplie tes chances de gagner 1500 euros toutes les demi-heures dans le Morning de Difool. Breakdown. Jolie course, t'as progressé. Ouais, si ça pouvait être pareil avec une nana. Pourquoi t'essayes pas de discuter par SMS? Envoie chat CHAT au 62333. Le chat avec photo. Chat CHAT au 62333. Concert Skyrock. Nouvelle tournée événement Skyrock. Skyrock. Maître Gims choisit encore Skyrock pour ses concerts en France. Maître Gims dans toute la France avec Skyrock. Lille, Lyon, Clermont-Ferrand, Dijon, Amnéville, Nantes, Marseille, Paris. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Toutes les infos sur les réseaux sociaux de Skyrock. Skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Skyrock. Premier sur Maître Gims. Comment la séduire? Plutôt jean ou survêt? Comment choper des Pokémon rares? Ce soir, on regarderait quoi comme série? T'as des questions? Va sur Yax. Le peuple Yax te répond instantanément. Yax, l'appli sans prise de tête pour balancer tout ce qui te passe par la tête. Y'a plus qu'à télécharger. Yax, Y-A-X. Freegun fait sa rentrée avec des centaines de fringues à prix canon. Sweat, t-shirt, casquette, parka, doudoune. Avec la nouvelle collection déjà en rayon et toujours tous les maillots et boxers pour un été trop stylé. Freegun, le choix sans se ruiner pour toutes les nanas et les mecs d'aujourd'hui. Freegun, dès maintenant sur le site officiel freegun.com et sur la page Facebook Freegun pour suivre tous les délires de la team Freegun Never Stop. Retrouve la ligne en exclu chez freegun.com et les points de vente habituels. Le 36 92 est le numéro pour discuter avec des hommes et des femmes, échanger vos numéros et pourquoi pas vous rencontrer. Le 36 92, le numéro pour réaliser tous vos projets, même les plus fous. Alors n'attendez plus, appelez dès maintenant le 36 92. C'est très simple et surtout rapide. Télone, 80 centimes d'euros la minute, plus prix d'un appel. C'est reparti sur Skyrock, la première radio urbaine mondiale, la première radio libre de France et Drake. Ouais. What the fuck? C'était la plus grande radio libre de France. Radio libre, 21h minuit sur Skyrock. Et on peut le dire également, la radio du problème du mois, il arrive. Oui. Baby, I like on your ways, front way, back way, you know that I don't play, streets not safe, but I never run away, even when I'm away, OT, OT, there's never much love when we go OT, I pray to make it back in one piece, I pray, that's why I need a one dance, got a Hennessy in my hand, one more time before I go, higher powers taking a hold on me, I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time, and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Down, I'll take it slow, make you lose control. I need a one dance, got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. One Dance sur Skyrock, c'était Drake. Et restez bien sur Skyrock. On a des grosses surprises avec Drake à vous annoncer très bientôt. Drake One Dance sur Sky. Difool, Radio Libre. What the fuck? 21h minuit sur Skyrock. What the fuck? Et toute l'équipe. Et sauf Cédric, hein. On pense à lui, Cédric. Qui est toujours à l'hôpital. Voilà. Non, on peut pas le joindre parce qu'il y a plein qui nous disent appeler l'hôpital, tout ça. On mais a essayé de l'appeler. Batterie. Non, mais même l'hôpital, ouais, c'est un bordel pour le joindre. Bah ouais, ça répond pas à l'hôpital, là. Donc, merci pour mon petit café, c'est gentil, Karim. Ouais, avec le montre parce que avec tes mains pourries, ça pourrait partir par terre. Oui, c'est vrai, merci. C'est... Oui. Ouais, merci quand on m'en va. Ouais, c'est pour ça. Voilà. Par contre, j'avais oublié moi ici, monsieur. Ah ouais, alors, le barman. Karim est barman de l'émission, hein. Je sais quand même vous le signaler. Je vais pisser dans une canette et je te régale. Mais non, je préfère à la pêche. Citron, j'aime pas trop. Bon, en tout cas, on a eu plein de messages pour Cédric, ça fait super plaisir. Merci pour tous les messages que vous avez envoyés. Ouais, il y a Julien cool. Encore qui envoie un message. C'est gentil, Julien. On t'embrasse et tu embrasses Cédric, même si tu es pour la team Romano et que tu voteras Romano à la vie, à la mort, tu nous dis. Non, mais moi aussi, quoi, je l'embrasse pas, Cédric, mais le cœur y est. Le cœur y est. Je vais aller lui rendre visite, nous dit Blue, là. Il est à quel hôpital? Clinique vétérinaire. Oui, ouais, bah, c'est ça. Voilà, clinique vétérinaire à Rungis. C'est à Rungis. Bah ouais. Bon, en tout cas, c'est gentil, merci. On lui montrera tous les messages, ça lui fera plaisir. Et puis on vous tient au courant. Il sera sans doute pas avec nous demain matin. Enfin bon, soyez à l'écoute, on sait jamais. Avec Cédric, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Ah, ouais, ça m'étonnerait qu'il le fasse sortir comme ça en pleine nuit. Hein. Non, je pense pas. Hashtag non, c'est pas. Ouais. Mais non, pas reste in non. Peace. Ah bah, oh, ça faites, va. Faites le hashtag bon courage, par exemple. C'est juste un problème à l'épaule. Hashtag force. Hein. Hashtag. Mais la clavicule, ça. Ouais, tu t'assures. Oh là, je suis en train de forcer dans mon lit d'hôpital. Mais je force. Merci pour vos messages. Ah, mais je suis sûr qu'il doit perler. Oh là, merci pour vos messages. Oh ouais, je suis malade. Dame l'infirmière, le drap, il y a un problème. Non, en plus, quand je l'ai vu tout à l'heure, il avait de ce lèvres chips, gros. Ah ouais? Ah, mais séché, t'es allé fou. C'est parce qu'il avait pas mis son rouge à lèvres. Non, mais en plus, c'est pas peut-être. Il est con, ce que je disais hier, là, quand on le voyait sur la moto, il a, tu sais, un casque intégral, mais qui se rabat, là. Tu sais, il garde le truc en haut, donc forcément, ça lèvre à manger s'il avait eu son truc en entier. Ah ouais, peut-être. Ouais, c'est bah, vrai. Ouais, mais. Oui, mais il fait ça, mais quand il va plus vite, c'est près de le mettre. Ah non, non. J'ai déjà vu faire. C'est moi, le lendemain de, où il avait acheté sa moto, ce con était venu chez moi. Ah, encore? Comme un beauf, il a klaxonné en bas chez toi. Romano. Non, mais il était passé, mais déjà, avec le carriole, on s'était foutu de sa gueule. Parce qu'il avait un casque, il a une dégaine. Et en fait, une vraie gueule de hamster, quoi. T'as vu? Il a le visage plus gros. Tout en fatu, cochon, lui joue vers l'avant. Et donc, sa grosse bouche, les deux dents qui sortent, Salut carriole. Et le mec, en fait, je l'avais fait mettre dans le garage de mon immeuble. Et ce con, en remontant, tu sais, il y avait une pente. Et dans la montée, ce con a failli se vautrer, tu vois. Mais non. En fait, je sais pas comment, il a pas assez accéléré. Donc la moto, elle a commencé à partir en arrière. Le Benji, il a voilà. Je lui fais, ouais, t'as un ouf. Et après, en partant aussi, il a fait un virage. Je sais pas, il arrivait pas trop. Non, mais début, quoi. Ouais, il arrive pas, gros. Les virages, il arrive pas, gros. C'est un truc de ouf. Ouais, je lui ai dit, tu sais, il essayait de faire un virage à l'arrêt, mais il a failli tomber, quoi. Je lui ai dit, la moto, attention, faut faire gaffe. Oh, et malheureusement, j'avais raison. Ah bah voilà. Bon, en tout cas, merci pour les messages pour lui. Il a eu quoi, Cédric? Je viens d'arriver, nous dit Alice du 85. Je crois qu'il a un truc à l'épaule en fait. Bah, ouais, c'est ça. Priori, il s'est fait tamponner par une bagnole et il a un truc à l'épaule et le mec dans la bagnole, un sacré enculé qui s'est barré. Il y a des gros enculés. Ouais, c'est pas bien. Ça, tu vois, aurait pu être pire. Tu vois, il aurait renversé quelqu'un, tu vas l'aider. Non, mais autant, tu vois, moi je cabosse une bagnole. Là, tu te casses sans rien dire, bien sûr. Non, je mets un mot, mais avec un faux numéro. Avec le numéro de qui, par exemple? Non, tu mets un mot sans numéro, sans rien. Tu mets un mot s'il y a des témoins. Non, je mets un mot, je mets toujours un mot parce que je sais très bien des gens qui regardent. Le mot, j'en ai un d'ailleurs. Le Belge de Skyrock a éraflé votre voiture avec le numéro du Belge juste en dessous. PS, il payera tout, ne vous inquiétez pas. C'est le petit mot que tu laisses sur les voitures quand tu les. Non, mais je mets un nom bidon et je mets je mets un numéro. Mm-hmm. Mais parce que comme ça, s'il y a des gens, tu sais, il y a des gens, ils ont que ça. Ouais. Ils vont aller voir. Est-ce qu'il a bien laissé un numéro? Ouais, c'est vrai. Ouais. Voilà, t'as laissé le numéro. Le mec, mais si c'est un numéro bidon, il va pas. Tu sais qu'une fois, ça m'est arrivé ça. J'ai touché une voiture qui était garée et je me suis sauvé et je suis revenu 10 minutes après parce que j'avais vu qu'il y avait un mec à côté. Je suis revenu 10 minutes après et en fait le mec il avait laissé sur le pare-brise, j'ai tout vu, le numéro de la plaque du monsieur, et tu sais il a mis le numéro de ma plaque, j'ai pris le papier, je me suis cassé. C'est une balance, mais quelque part quand ça t'arrive à toi, t'es quand même bien content qu'un mec il ait fait ça. C'est vrai, c'est vrai. Bah moi si, non, il y a une fois où j'avais pas laissé de mots, c'était quand j'étais en Italie et là j'ai fait un délit de fuite. Ouais. Bah oui. Toi t'es un ouf toi dans ta tête. T'es un ouf. Il avait défoncé une voiture à l'arrêt, c'est ça. Non mais là je l'avais. Ah ouais, la bagnole, le mec, j'aurais été à sa place, j'aurais eu mal au cul. Le mec était garé le long de la route, tu sais, les places normales. Et en fait, il y avait une place derrière ce type-là. Et en fait, moi, j'avais mis mon clignotant pour montrer que j'allais reculer. Ouais. Et en fait, il y a deux mecs derrière en scooter qui ont collé. Et moi, j'ai speedé pour reculer. Et en reculant, j'ai mal reculé. Ah, et j'ai reculé dans la bagnole qui était garée. Voilà. Mais le mec, c'était Cédric à l'intérieur. Mais je lui ai défoncé, mais les deux. Ah, mais les deux. Parce qu'en fait, tu sais, ça défonce pile au milieu, en fait. Ah ouais, putain, merde. Et ça a enfoncé les deux, mais méchamment enfoncé. Et là, j'ai regardé, je suis descendu. Ah, t'es un enculé. Et je me suis barré. Et on est allé dans une autre ville. Mais tu sais que ça, quand ça tape au milieu, sa voiture, elle peut être RSV, c'est-à-dire qu'après, elle ne peut plus marcher, gros. Ah bah écoute, le mec il marche à pied maintenant. Ah, t'es un enculé. C'est bien, ça lui fait vendre. Non mais franchement, je me suis dit, vas-y, ça va être une galère. Je parle mal italien, le mec il va me casser les couilles, il va me casser la gueule aussi. Peut-être qu'il est de la mafia. Donc prenons pas de risque, je me suis barré. C'est peut-être Don Pietro, faut faire attention. Bah, t'as eu de la chance que personne ne note la plaque. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. En plus, c'était une rue où il y avait plein de magasins et tout. Tu sais, il y a des gens qui avaient. Tiens, d'ailleurs, il y avait du bruit, tu vois. Oh, Mano, j'ai Don Pietro et Salvatore à la porte. Je pense qu'ils veulent. Bah écoute, je vais les rentrer. Comment on dit connard en italien? Stronzo. Stronzo. Stronzo de Romano. Romano Stronzo. Bon, alors, t'es prêt pour le problème du mois? Bah, je suis prêt. On va attaquer le problème du mois. Le problème du mois, c'est en deux parties. Première partie, Romano, tu nous dis ce qui t'a intéressé cette semaine sur le net. Ouais. Et après, vous votez pour ce qui. On choisit. Voilà, il y a cinq propositions. Hein. Choisissez parmi les cinq, celles que vous préférez. Et puis, bon, tu t'es moqué de Cédric avec sa tête dans son casque. C'est vrai que c'est assez marrant. Mais, dans un instant, Romano, tu as droit à ton interview vérité, je l'avais promis tout à l'heure. Elle arrive, l'interview vérité. Oh, c'est pas vrai. D'Evelyne Thomas, on l'a fait juste après le problème du mois. Et la petite galère de cul de Mélanie qui voulait nous parler, c'est ça? Aussi, ouais. Allez, Mélanie. Mélanie en direct de Rouen, on parlait des galères de cul, là, tout à l'heure, des galères de cul qu'on a eues. Galères de cul avec Capote, c'était pas dans le classement du sondage. Non, c'est vrai, mais on a eu beaucoup. Mais on a eu énormément de. Je me demande si c'est pas le truc qui arrivait premier chez nous. Ouais, les galères de capote, les capotes qui pètent, les capotes qu'on n'arrive pas à mettre, etc. Les capotes qui irritent aussi. Alors, Mélanie. De Rouen, t'as 26 ans toi Mélanie. Coucou ma chérie. Oui, c'est ça. Salut. Salut Mélanie. Salut Mélanie. C'était comme si de rien n'était, comme s'il était normal. Mais je suis normal, hein. Il est normal, regardez qu'il est normal, à part qu'il est chaud. Ça, ça va être beau le problème du mois, là. Ah ouais, putain. Ah oui, c'est vrai, Marie. Ouais. Alors, Mélanie, petite galère de cul, t'as eu quoi comme galère de cul? Ah bah, comme carriole, en fait. Oui. Ah, moi, mais laquelle galère? Parce que moi, je me suis pas. Non, j'ai pas pleuré, mais j'ai pas. J'ai bien eu mal, quoi. Mais de quelle galère tu parles? Parce que Cariole avec Romano a eu une première galère de cul où ça bandait pas, le machin. Une deuxième galère de cul où... qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ah ouais, donc dans le trou du cul, comme tu as dit. Ouais. C'est celle-là. C'est celle-là. C'est celle-là, la mauvaise direction. L'horreur. Ouais. Mauvais chemin. Ouais. Mais c'est vrai que ça glisse, tu peux déraper. Hein. Moi, ça m'est jamais arrivé de déraper comme ça. Ouais, mais c'est horrible, hein, la douleur. Mais il te l'a emmanché, mais entière d'un coup. Ah non, juste le gland qui est passé. Ah ouais, t'as réussi à serrer du cul. Ah, t'as hurlé. Non, mais c'est lui qui s'est arrêté avant, parce qu'il aurait pu y aller. Il a vu que j'avais mal, il s'est arrêté direct. Ouais, c'est vrai que toi. Ah non, parce que moi, c'est rentré, moi, alors peut-être que Cariole avait le cul. L'anus béant. Prêt, mais. L'anus béant. En levrette, c'est un peu. Ah ben, ouais, mais en levrette, putain, mais c'est rentré, mais. Mais comme dans du beurre. Ah ben, c'est le cas de le dire. Direct, vous. Non, mais en fait, il y a plein de terminaisons nerveuses à l'entrée de la. Elle a pas eu le temps de dire quoi que ce soit, quoi. Ah, elle a juste chialé, Sarah. Elle a juste chialé au moment où j'étais à fond, quoi. Ah, et les galères, ouais, il y a plein de galères. Une galère qu'on a, je sais pas si je l'ai lu, celui-ci, parce que, non, je crois pas. Little Toad qui dit galère de sexe. Moi, je me suis fait éclater le frein en me faisant sucer. L'éclatage de frein. Ah ouais, ouais. Ah ouais, merde. Toi, tu peux pas avoir, Karim. T'as pas de non, frein. Non, ça non. Non, t'as pas de frein, toi. Bah, il paraît que c'est hallucinant, problème, moi, ça saigne beaucoup. Mais putain, en plus, en suçant, mais t'as dû avoir du sang plein la bouche, quoi. Ouais, ouais, t'as mangé. Ça fait une boucherie de la bouche. Ah ouais. Ouais, ou alors elle t'a, ouais. Tu flippes. Non mais ouais, elle t'a sucé chelou. Elle t'a mordu. Ou alors t'avais arraché avec ses dents. Hein. Ou alors t'avais déjà le frein fragilisé. Ouais, parce qu'en général c'est parce que c'est sec que ça pète le frein. Peut-être. Il y a Nardo qui envoie un message. On l'a pas rappelé hier pour son t-shirt. Ah mais c'est bon, j'ai rappelé. J'ai pris son adresse. Bon. Ouais. Nardo, il a remercié. Cool Nardo. Putain, mais je suis où sur les messages, moi? 22h32. Ah, ah ouais, oui, t'es en retard. Ah oui, il est 22h42. Ok. Faut se mettre à la page. Bon. Et vous avez fait comme Romano et Cariole, vous avez arrêté votre relation? Non, du coup, non, on a quand même continué. Oh, du coup, il m'a bien enculé après. Très bien. Du coup, bon. Il est rentré à fond. Allez hop. Non, mais il devait non. Tu sais qu'il devait être aussi emmerdé que toi, en fait. Ouais, bien sûr, t'es emmerdé. Oui, il était gêné un peu aussi. Non, mais c'est clair, ouais, ça met mal. Le but de l'opération, c'est pas de faire du mal, quoi. Bah oui. Ouais. Bah non, du tout. Bon. Non, donc, faites gaffe. Tu te sens moins seul? Bah ouais, non mais... Comme dire, tu étais accompagné par la Marie, donc... Oui, j'avais déjà une compagne de route. Exactement, bah maintenant vous êtes trois, Mélanie, la Marie, Romano... Ouais, je pense qu'on est même plus. Hein. Voilà, même plus. Et moi, il y a Romain des réseaux sociaux qui est venu me voir, qui m'a dit, putain, moi j'ai eu une galère aussi pendant l'acte. C'est dégueulasse, hein, je préviens. Ouais, Romain est spécial. Je dis, qu'est-ce que t'as eu? Il me dit, bah en fait, je doigtais le cul d'une meuf. Ouais. Et quand il a retiré son doigt, il y avait de la merde. Il est content. Il est spécial et très sexy. Il est. Non, mais surtout que la meuf, elle devait avoir envie de chier, quoi. C'est une suédoise. T'as senti la crocrotte? Non, je crois que c'était une suédoise, je sais plus. Oui, la suédoise, elle chie comme tout le monde. Hein. Ouais, c'est. Non, mais c'est que la meuf, elle avait la crotte au cul. Bah, c'est vrai, voilà. Elle avait sans doute. Non, mais ouais, mais en général, si t'es une meuf normale. Ouais, tu quoi, sais pas, Marie, est-ce que c'était une meuf déjà? En général, quand t'as la crotte au cul, t'évites de te faire doigter à ce moment-là. Ouais. Bon, tu peux t'éloigner un peu de moi, parce que maintenant que t'as raconté ça, je vais plus te regarder pareil. Tu as le doigt qui pue la merde. J'ai jamais lui serrer les mains. Non, mais c'était l'année dernière, c'était les vacances dernières. Très bien. Et t'as continué à niquer après? Ouais. Ah, ils sont arrivés. Rien ne l'arrête. Hein. Là, j'ai été me laver les mains, quoi. Ouais, c'est vrai, je me suis léché le doigt. C'est le même qui aime. J'ai chié le doigt dans ses cheveux. C'est l'amoureux de Steve Jobs. Non, mais attends, et la meuf, elle voit qu'elle te met de la merde sur le doigt et ça, elle était pas complexée. Non, mais elle a pas vu, j'ai caché mon doigt. Mais ça allait te laver la main. J'ai caché mon doigt. Dans son cul. Il a un doigt dans le cul. Je le cache. Ouais, sacrée crasseuse, elle. Bon, merci Mélanie, on te fait un gros bisou en tout cas, Mélanie. Gros bisou et bon courage à Cédric. Moi, j'ai eu la clavicule cassée, 8 semaines de plâtre. Ah, il y a un plâtre? Il va avoir un plâtre. Mais tu peux pas avoir de plâtre à l'épaule. Tout qui est pris, ouais. Tout qui est pris. Ah ouais? Mais non, mais c'est pas possible. Pourquoi ils m'ont pas mis un plâtre, moi, quand j'ai eu ma tendinite? Parce que tu n'avais pas la clavicule. Une tendinite, c'est rien, gros. Non, mais la clavicule. C'est rien. Une tendinite, c'est la base. C'est vous rappelez ce que j'ai souffert avec la tendinite? Non, moi, je me suis rappelé surtout que tu nous as cassé les couilles. On n'a pas le droit d'être malade dans cette équipe, c'est quand même fou. Si, on a le droit, mais on n'a pas le droit de casser les couilles quand on est malade. Ouais, tu sais, quand on est malade, on se soigne, on ferme sa gueule. Ah, Cédric, il nous casse pas les couilles, il est là dans son hôpital, pépère. Oui, oui, tout seul. Père Louis. Parce qu'il a pas de téléphone. Il est dans son lit. Oh là, tranquille. Tranquille, pépère. Sa chambre. On t'envoie le t-shirt Skyrock, Mélanie, on t'embrasse. Gros bisous. D'accord, merci, bisous, équipe. Salut à toi, ah ouais, Cédric, demain matin, pour un peu l'infirmière, elle va arriver, ça va aurait pu la merde. Ah bah ouais, ah, la porte. Oh là, excusez-moi. Oh, excusez-moi, j'ai eu des gaz. J'ai fait caca dans le lit. Bon, alors, tiens, j'ai l'interview. Là, je vais la passer, parce que ça fait une heure que je vous dis que je vous la passe. Et en plus, ça fait tellement plaisir à Robano, il l'attend avec impatience. Ah, mais ça va, c'est pas. C'est une gueule. C'est ton interview interviewé par une star ce matin. Tu sais que peut-être qu'un jour, je sais pas moi, mais là, t'as Evelyne Thomas qui t'interview. Peut-être qu'un jour, ce sera Valérie Damido. Wow. Je m'en bats les couilles. Tu ferais une interview de toi. Tu ferais une interview d'écho. Ouais. Non, mais je m'en bats les couilles. J'ai pas envie d'être interviewé. T'es fan de bricolage. Un jour, elle va venir. Salut les amis. Non, mais elle fait plus de bricolage. Elle fait plus rien, là. Bah, ouais. Ah ouais. Bon, bah, elle va peut-être bricoler. Elle fait quoi, d'ailleurs? Elle fait rien. Elle va faire danser avec les stars. Ah. Ah ouais. Danser avec les stars, en fait, c'est pas mal. C'est quand même quand t'es au bout, là. C'est la voiture balai, vous savez. Ça récupère toutes les stars de la télé. C'est qui la star? C'est Valérie Damido. Ah, c'est quelqu'un qui danse avec elle. Bah ouais. Ah, je croyais que moi, elle dansait avec une star. Ah non. C'est elle la star, ouais. Bah oui. Ah oui, d'accord. Non, mais oui, c'est. Ah bah. Ouais, oui. Voiture balai, t'es gentil. Quand même. Donc ce matin, Romano est interviewé par Evelyne Thomas de C'est mon choix. Alors ça, vraiment. La classe. Là, je crois que je suis arrivé au summum de ma carrière. Tu m'étonnes. Je pense qu'on peut le dire. L'apothéose. La classe, et je dirais même la folie folle. Ah ouais, complètement. La folie folle. Tu as appelé tes parents pour leur dire. Non, mais qu'est-ce que j'appelle mes parents? Bah, j'ai été interviewé Thomas, par Evelyne Thomas, la classe. Non, mais c'est même pas que c'est sur Evelyne Thomas, mais moi, je m'en bats les couilles d'être interviewé, moi. Bah, j'ai rien à dire. Alors, le sujet. J'ai rien à dire aux non, mais c'est vrai, aux intervieweurs, j'ai rien à dire. Les intervieweurs. Le sujet est un sujet qui te concernait, c'est pour ça qu'elle a voulu t'interviewer, toi. Ouais. La chauvitude. Ouais, la calvitie, quoi. Vous êtes chauve, et donc c'est comme dans C'est mon choix, il y a les gens qui viennent témoigner, et donc elle a décidé de t'interviewer, elle t'a comparé à Vin Kessel, comme elle le dit si bien. Ouais. Vous connaissez Vin Kessel? Vin Kessel, c'est qui celui-là? C'est Vin Diesel. Vin Diesel, oui, ouais. Bah, c'est ça, mais pour Vin Thomas, c'est Vin Kessel. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Et voici donc l'interview de Romano par Evelyne Thomas. C'est ça, les stars. Hein. Wow. Interviewé par les plus grands. Bah ouais, classe. Écoutez. Ah, c'est un pec, j'ai la place. Ah, je crois que Cédric voilà. Hante l'ordinateur. Parce que là, j'ai appuyé sur un bouton. Là, je suis dedans. Logiquement, vous aviez l'interview de Romano et en fait, non. Tu t'es fait péter la gueule. Si j'appuie sur le bouton en dessous, ça fait quoi? Ah oui. Ah, là, voilà, là, c'est moi. Je suis dedans. Cédric, t'es dans le. Sors de l'ordinateur, Cédric. J'arrive pas. Mais tu pousses. Pas. Non. Oh là, voilà, j'ai bien poussé là. Pas comme ça. Bon, alors, l'interview, Romano. Arrive. Bah oui, je pense qu'elle va arriver. Est-ce qu'elle ouais, est là? Ah, attention. Ah. Bonjour. Ah, ils ont regardé exactement le générique à l'époque. Ah, bah c'est low cost. Ah, ils sont pas fait chier. Bah, c'est chérie 25, c'est pas cher. Ouais. Hein. Alors, elle veut t'interviewer ce matin, Romano, sur un sujet, le sujet de C'est mon choix du jour. Écoutez bien. Nos invités d'aujourd'hui vont faire le look boule à zéro et c'est leur choix. Oui, c'est leur choix. C'est, en fait, c'est sur les choix. Non, non, mais laisse tomber, je ne répondrai pas à son interview. Bah, attends, elle est venue. Je suis désolé, Skyrock s'est annulé. Elle est venue pour t'interviewer spécialement. Non, ce mais matin. Qu'est-ce qu'elle est venue me casser les bonbons? Réponds à ces questions, ça va lui faire plaisir. Hein? Bon, allez, vas-y, Evelyne, alors. Qu'est-ce qu'ils ont de plus, les chauves, que les autres n'ont pas? Bah non, c'est plutôt ce qu'ils ont de moins, c'est les cheveux. Bah oui, ça c'est vrai, oui. C'est con. Bah oui. On est viril sans cheveux? Ah, très. Ah, très, t'es très viril. Ah, très. Il y a des poils partout, sauf sur la tête. Ah, c'est con, hein. Donc, oui, c'est viril. C'est fou. Ça pousse de tous les côtés, bah, sauf ouais, sur la tête. Sur le crâne. Et c'est d'où? C'est d'où le crâne, ouais. Ah, bah tu vois, ça a un avantage. Ah, c'est magnifique. Et ouais. C'est vrai que vous attirez les filles parce que vous êtes chauve? Waouh. Ouais, bah grave. Elle sait que t'es un lover. Bah, hein. C'est ça. Elle sait que j'ai gagné le clash de la drague hier soir, par exemple. Allez. Et vous l'avez bien vécu, le fait que vos cheveux tombent? Non, j'ai pas aimé. Mais t'es vraiment une connasse. Non, je l'ai mal vécu, non. Evelyne, ça l'énerve. Fais-lui un petit compliment. Parce que c'est un signe d'intelligence d'être chauve. Ah bah, Cédric a beaucoup de cheveux et de sacrément con. Hein. Pourquoi ça vous plaît pas d'être chaud? Bah parce que je préfère avoir des cheveux pour être plus beau. Oui. Ça vieillit aussi. Ah oui, c'est ça. C'est vrai. Oui, Romano a 21 ans. Bah ouais. T'as vu, il en fait 50. Il en fait le double. Au moins, oui. Quand vous aviez des cheveux, vous étiez un séducteur? Ah grave. Ah genre maintenant, tu sais plus rien. Ah, terminé. Bah avant, j'avais la mèche. Maintenant, c'est Bieber et tout. Hein. Et ouais. C'est ballot quand même, parce que vous êtes le même. C'est ballot. Mais, c'est ballot. Bah, t'as franchement une sacrée réflexion. Elle est bien l'interview. Ah bah grave. Chauve à lunettes. Chauve avec maquette. Bah là, je peux répondre. Merci, Evelyne. Evelyne Thomas. Eh ouais, ce matin, dans le morning, la classe. Les questions à la con. Ah, ouais, c'est clair. Ouais. Eh, c'est ballot. C'est ballot, ça. Qui c'est qui a déjà regardé ça sur Chérie 25? Moi, je suis tombé dessus l'autre jour, je suis resté un quart d'heure. Ouais, écoutez, les gens, ils font rigoler parce qu'ils sont cons. C'est vrai, c'est marrant. C'est des... bah, l'ancienne, là, quand, parce qu'elle l'avait déjà fait à l'époque, là, sur, ouais, sur France 3. Ouais. Bah, c'était bien, j'ai regardé souvent aussi. Ouais, ouais, j'aimais bien. Alors, oui, parfois, ça se regarde. Non, mais c'est vrai qu'il faut avoir le réflexe d'aller sur Chéri 25. Ouais, déjà, je savais même pas que ça existait. Si, si. Bon, Romano, t'es prêt pour le problème du mois? Ah, bah là, je suis prêt. Allez, on y va. J'ai raté le problème du mois, nous dit Lyon Fan. Non, t'inquiète. 21 ans, t'inquiète, il est là, le problème du mois. C'est parti, mon cri. Alors, qu'est-ce que tu nous as prévu ce soir pour le problème du mois? Alors, si vous avez des trucs envoyés à Romano, genre vous tombez sur un problème sur le net, quelqu'un qui écrit parce qu'il a un souci, ouais, vous lui envoyez, d'ailleurs tiens, on en a reçu ce soir, sur l'appli Skyrock, vous envoyez les photos, si c'est pas trop long. Ouais, si c'est lisible. Et si c'est pas lisible, bah, vous envoyez... romano@skyrock.com. Exactement. Ou sinon en privé sur mon Instagram, Romano de Skyrock, ou sur Twitter, pareil. Également sur maris.com, si vous voulez. Oui, voilà. Ouais. Bon là, il n'arrivera jamais. Ouais, vous, envoyer, c'est clair. Vous pouvez l'envoyer pour le délire. Vous envoyez votre fax. Ouais, voilà, un fax. Ça n'a aucun problème. Ça existe encore, les fax? Bien sûr, j'en ai un à côté de mon Minitel. Non, mais c'est vrai. Ouais. Hey, mais t'es grave équipé, Marie. Et oui. Ah bah, mort. T'es vachement high-tech, toi. Ah, tu sais que ce matin, j'ai regardé Antenne 2, c'était super. Ah ouais. Ouais. J'adore. J'ai continué avec FR3. Ah ouais, t'as fait bien, toi. Il y a une nouvelle chaîne, c'est Direct 8. Non, Marie, ça a changé. C'est 8. C'est 8. Alors, Romano, qu'est-ce qu'on a ce soir? Alors, le premier, c'est Didier. Didier. 57 ans de Paris. Il a écrit au forum de Le Palais de la Soumission. Oui. Bon, il a, avec sa femme, une vie sexuelle encore très épanouie. Tant mieux. Mais là, son nouveau truc, c'est de s'exhiber. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple... Il craque. 57 ans, ça y est, le mec craque. Il aimerait bien, par exemple... bon, ils ont déjà fait quelques petits trucs. Hein. Il raconte un peu dans le mail, je vais pas tout vous révéler maintenant. Ah, il fait l'amour avec sa femme d'or ou il monte sa bite? Non, ils font des attouchements sexuels, par exemple, dans les magasins. Vous imaginez, vous croisez Didier, je sais pas comment s'appelle sa femme. Appelons-la Josiane. Didier et Josiane... Au Monoprix, quoi. Voilà, vous la croisez au Monoprix ou à Auchan. Ou à Carrefour, Leclerc. Ou au Casino, où, voilà. Et donc, à ce moment-là, Didier a une envie subite de doigter sa femme devant tout le monde. Non, mais pas, moi, je bloque. Moi, je prends une photo des, ouais, où je filme. Tiens, t'imagines. Il y a là Josiane. Josiane, elle est en train de pousser le caddie. L'autre, il est à côté. Il lui doigte le cul. Allez, vas-y. Ah, non, mais... Et Josiane lui dit, oh, on a oublié les yaourts. Ah, oh, ouais, on fait demi-tour, Josiane. Attends, je cuisine avec mon doigt. Je vais prendre des yop. Ouais. Hein? Ah bah il y a plein de caméras dans les supermarchés. Ouais, mais tu sais, ça excite. Si ils sont exhibes, ça les excite. Hein. Et ouais. Ça donne envie. Bah quoi, il faut quand même qu'ils fassent gaffe, parce que là, il y a un homme politique qui s'est fait choper dans le Castorama quand même. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah oui, on en parlait la semaine dernière. Ouais. Non, lundi, on en a parlé. C'était notre loser du jour dans le morning. Ah bah c'est la loose. Oui, le mec, en fait, il a expliqué qu'il était trop stressé par son travail d'homme politique. Ouais. Et donc là, il s'est mis à sortir sa queue, puis il s'est branlé. Un Castorama. Dans un Castorama. T'imagines, Romano, toi qui traînes dans des Castorama, les trucs comme ça, t'aurais pu te retrouver avec lui qui se branle en face de toi. Ah mais moi j'appelle quelqu'un, je trouve ça ignoble quoi. J'arrive. Salut. Je suis de retour, je suis sorti de l'hôpital. Alors. Non mais c'est le mec, il a craqué quand même. Bah il a craqué, oui. Bah ouais. Bah, il a craqué son slip surtout. Mais il a craqué. Ah bah clairement. Ouais. Je suis un peu soigné s'il vous plaît. Bah par moment oui. Alors Didier donc s'exhibe dans des magasins avec sa femme. Ça c'est le problème du mois numéro 1. Alors Laure, 30 ans de Périgueux. Pas mal, tu vois déjà celui-ci moi. C'est pas mal. Ah bah attends, c'est pas fini. Il reste encore 4. Il reste 4. Là, c'est Laure. Là maintenant, c'est Laure. C'est Laure, 30 ans de Périgueux. Elle écrit forum des tendances. Faites comme s'il était normal, hein, je vous le rappelle. Tu peux tourner les caméras, les gars, je vais moucher. Vous êtes nouveau, n'ayez pas peur. Il est normal, presque comme nous. Tournez les caméras, je vais moucher, mais filme pas en gros plan, espèce de con. Il se fait filmer de chaque côté, là. Facebook Live, Periscope, vous pouvez me voir angle droit, angle gauche, quoi. C'est le problème du mois en live. Bon, tournez les caméras. Je suis malade, ça fait 3 semaines que je suis malade. Voilà. Dites-vous que c'est la maladie, les cachets qui prend, qui le rendent comme ça. Heureusement que t'as pas mon pif. Hein. Ah ouais, mais putain, j'en peux plus. Hein. Je suis bouché constamment. Je me mets des produits et tout, c'est rien qui marche quoi. Ouais. Très bien. Bon, Laure, t'entends de Périgueux qui essaye de te mettre une bonne grosse queue. Non, ça va aller, ça, j'ai. Ça fait du bien, tu sais. Non, ça va aller. Laure, 30 ans de Périgueux, elle écrit au forum pornodépendance.com. Ouais. Oui. Et elle a un problème, c'est avec son mec. En fait, son mec aimerait bien que, éjaculer sur par exemple des biscottes et qu'elle mange la biscotte devant lui, ça l'excite terriblement. C'est un rugbyman. Ils sont d'où? Ils sont du sud-ouest, t'as dit en plus, non? De Périgueux. Périgueux, bah voilà. C'est, c'est le jeu de la biscotte. Les amis rugbyman, c'est de quoi je parle là? Ah, le jeu de la biscotte, une tradition dans le rugby. Dans. Oh l'Ovalie. Oh le monde de l'Ovalie. Oh l'Ovalie, oh la biscotte. Pleine de jus. Oh, c'est trop bon. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, il y avait, elle se faisait éjaculer dans la bouche, tu vois. Bon, déjà, elle a eu du mal à accepter. Bon, elle a appris à apprécier. Et maintenant, le mec, il veut ça. Il a déjà éjaculé sur la biscotte. Jusqu'à maintenant, elle a pas réussi à manger. Il a été très vexé. Oh, bah, c'est normal. Attends, gaspillage. De gâcher de la bouffe comme ça, c'est honteux. On gaspille pas la nourriture. Et elle se demande si elle doit accepter pour lui faire plaisir. Est-ce que ça va la dégoûter plus que de prendre dans la bouche? Moi, franchement, à choisir, je me demande si je préférais pas bouffer une biscotte de sperme que d'avaler du sperme tout court. Écoute, moi, je sais pas encore pour l'instant. Faut que je réfléchisse un peu, Romano, parce que le dilemme est grand. Mais bon. Non, mais au moins, parce que t'as le goût de la biscotte, tu vois, qui peut masquer. Qui masque le goût du sperme. Ouais, mais enfin, c'est pas pendant que tu fais l'amour. Pendant que tu fais l'amour, dans le feu de l'action, y a pas de souci. Ah oui, c'est vrai, Marie, c'est pas con ce qu'elle dit. Bah ouais. T'as que la biscotte, en fait, t'es là en train de prendre ton petit déjeuner demain matin. Tu prends ton petit déjeuner. Bon, c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre. C'est horreur. Mais non, mais pendant l'acte sexuel, je pense qu'il a la biscotte à côté, et au moment de juter, il crache dessus, quoi. Ça va être bizarre, d'ailleurs, pour la meuf, de voir son mec sortir un paquet de biscottes. Ah, tu m'étonnes. Allez, donne-moi les œufs de beurre, je les mets à côté du lit. Ah ouais, non, mais c'est ça. Bon, problème du mois numéro 2, c'est l'or et le jeu de la biscotte. Le 3. Ouais, ouais, ouais. C'est Sabine de Lille, qui est écrit au forum auféminin.com. Oui. Elle est très écologiste. Ah. Ah. Et, en fait, elle aime beaucoup se frotter l'anus et la chatte avec le robinet de douche ou même le robinet du lavabo. Qu'est-ce que ça a à voir avec écologie. Bah, elle se nettoie. Bon, je sais pas, pour elle, c'est très colo, quoi. Elle se met de l'eau. Elle a l'air d'être amochée. Comment elle s'appelle? Sabine. C'est Sabine. Bon, alors, elle se met, par exemple, tu sais, les robinets crochus, là. Ouais. Des lavabos. Mais comment elle se met? Elle monte sur le lavabo et elle se frotte ou même elle se le rentre un peu. Ah, imaginez, avec dégaine. De l'eau chaude, parce qu'elle a besoin, c'est devenu un peu, elle est un peu toquée de ça. Elle a besoin de se laver le trou du cul et la chatte de cette manière-là, mais ça dure pendant une heure quand même. Son mari gueule parce qu'elle consomme de l'eau, lui il va se laver derrière, il n'y a plus d'eau chaude. Oui. Et puis après, lui il se lave, le pommeau étant rentré là où il est, avec de l'eau qui ressemble à de la boue. C'est bizarre. Bon, alors, son mari se pose des questions parce qu'elle reste du coup très longtemps dans la salle de bain et se demande ce qu'elle fait. Elle n'ose pas lui avouer. Elle se demande si ça peut lui proposer. Ah ben bah, tu m'étonnes. Est-ce que ça peut et si ça peut lui poser des problèmes au niveau médical? Voilà. Ah oui. Donc elle s'inquiète quand même. Est-ce que je m'adresse à l'hôpital de Cédric? Est-ce qu'ils ont une place de plus pour quelqu'un? Ah, pas dans la même piole que Cédric. Pitié. Bah, si, pitié. Non. Le mec, il va péter toute la nuit pour te soigner là. Pour un peu qui sue. Bon. Vous étiez tranquille quoi. On était au 3, le 4 maintenant. Alors, Marie, tu te frottes des. Tu mets de l'eau dans la moule? Ah non, jamais. Et dans l'anus? Mais pas bon pour la flore vaginale. Pour la flore vaginale. Et dans l'anus? Bah non plus, non. T'es malade. Non, bah tiens, encore moins. Encore moins. Il aime bien quand il est bien. Cacaouteux. Cacaouteux, oui. Cacaouteux. Dans mon cul. Le 4, Romano. Le numéro 4, c'est Julien, 25 ans. De Forges-les-Eaux, il a écrit à Doctichignon. C'est ça. Chignon, ouais. Doctichignon. Bon, alors le problème qu'il y a, c'est que sa meuf, bon, jusqu'à maintenant, elle avait un stérilet. Elle l'a enlevé, bon, parce que ça n'allait pas, il y avait des problèmes. Depuis, elle prend la pilule. Depuis qu'elle prend la pilule, elle ne veut absolument plus du tout baiser. Eh, ça rejoint ce que nous disait Kevin tout à l'heure au téléphone. Ah bah ouais, ouais. Bah, alors le Julien, il en peut plus. Il essaye de la chauffer, lui fait des choses sexy. Il fait des striptease. C'est déjà habillé en policier, militaire, infirmier, pour essayer de l'exciter, tu vois. Ah oui, il a essayé des trucs. Ouais. Mais rien n'y fait. Bah ouais. Rien. Bon, il se dit, et puis il veut pas non plus qu'elle arrête la pilule, parce qu'il a pas envie qu'elle tombe enceinte. Oui. Donc, il aimerait bien trouver une solution quand même pour qu'à nouveau il s'abaise. Bah, qu'il mette des capotes, et puis voilà. Géré pour le premier numéro 4. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que c'est pas con. Bah, attends. Bah, évidemment. Et ouais, mais bon, bien, il préfère peut-être 100. Et le problème du mois numéro 5. Lequel? Alors, c'est Antoine de Saint-Brieuc, il a 35 ans. Et il a un travail très stressant. Et son rêve, en fait, c'est de se faire soumettre au plus haut point. Au plus haut, c'est-à-dire? Il veut être considéré comme de la vermine. Antoine, tu n'es que de la vermine. Comme Jérém Star, la vermine. Jérém Star, il se fait appeler la vermine. Ouais, c'est la vermine, ouais. Ah ouais. Eh ben écoute, ça promet pour Antoine. Donc il veut se faire soumettre et se faire considérer comme de la... Ouais, il a déjà été dans des clubs, hein, s'est déjà fait fouetter. Mais là, il aimerait pas passer à la vitesse supérieure. Éventuellement, se faire sodomiser avec God. Fellation à un God. Ah ouais, Et un nouveau coup de fouet encore. Et pourquoi pas se faire mettre, tu sais, se faire attacher sur les croix et tout ça là. C'est vrai, il y a des gens qui sont chelous, hein, ils sont dans le problème du mois. Et pas en couple. Et les problèmes du mois, précise-le Romano, ils sont tous vrais. Hein. Ah ouais, ils sont tous vrais, récupérés sur le net, sans problème. Vous pouvez les choper. Alors Didier de Paris, qui s'exhibe dans les magasins avec sa femme. Avec sa femme, c'est sympa qu'il la touche. Laure, avec son mec qui veut faire le jeu de la biscotte, c'est le 2. Le 3, c'est Sabine, l'écologiste. Alors je sais pas pourquoi elle est écologiste, mais elle s'assoit sur son lavabo. Plus précisément même sur le robinet du lavabo. Elle se leur mange dans le cul et la jette. Le 4, c'est Julien qui lui a une meuf qui ne veut plus faire l'amour depuis qu'elle a enlevé son stérilet. Et le 5, c'est Antoine qui veut se faire soumettre. Vous choisissez 1, 2, 3, 4 ou 5. Moi je prends le 1, moi je prends Didier qui s'exhibe dans les magasins. Ah bah attends, voilà, à vous de choisir. Un truc à voir. Hein. Prenez lequel? Tu prends lequel, Karim? Moi je prends le 1 aussi. Ouais, tiens. Pareil avec sa bonne femme, pareil. Ouais, pareil aussi. Ouais, ouais, le 1 ou le 5, moi. Voilà, celui qui va dans les grandes surfaces. En plus, on peut le croiser, le 1 ou le 5 pour la Marie. La vermine, le 5. Ah, le 5 qui veut se faire soumettre. Non, mais autrement, j'aurais pris le lavabo peut-être. Romano, tu prends qui toi? Bah, moi je vais prendre le lavabo, ouais. Ah, bah voilà. Celle qui est très écolo, elle se remplit, ouais. Le robinet. Vous votez pour celui que vous voulez, Clem. 1, 2, 3, 4 ou 5, c'est à vous de choisir. Hein, bah, Clem, il vote pour le 2. Piccolo FC qui vote pour le 2 aussi. Le 1 et un Toto pour Rémi. Qui vote. Et un Toto aussi, il est pour le 1. La jumelle du 45. Joachim pour le 1 aussi. Je vote le 5 pour Tino Max. Salut Tino Max. Olivier du 70 vote le 5, Quentin OM le 4. MeToo le 5, le 1 pour. Ça va être serré, hein. Le 1 pour Comedy Fool. Tiens, pour voilà, moi je prends la tartine de sperme. Ça ne m'étonne pas, Cédric. Je note ton vote et les résultats. Et bon appétit, bien sûr. Et bon appétit. C'est vrai qu'il est pas mal le 2 aussi avec la biscotte. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Bon, c'est pas facile, à vous de choisir de toute façon. Vous nous dites le problème du mois, les résultats arrivent dans un instant. Il est 11h, j'avais promis le Ghetto Phénomène et Jules. On les écoute tout de suite sur Skyrock, j'adore ce morceau. Ils sont les invités de Planète Rap, à pas louper, demain soir, 20h-21h. Ouais. Juste avant nous, juste avant la radio libre, le Ghetto Phénomène et puis votre problème du mois. Et on se fera un son de Lil Wayne que j'avais promis tout à l'heure, avant minuit, c'est sur Skyrock. Et Alonso aussi. La radio qui t'offre le plus de places de concert, c'est Skyrock. This is Rihanna. C'est Nekfeu sur Skyrock. Black M. C'est MHD sur Skyrock. Ouais, c'est Serge. C'est Jules sur Skyrock. Maître Gims sur Skyrock. Après les 200 premières places pour la toute nouvelle tournée de Maître Gims, Skyrock double la mise. Soprano Baba. Il t'offre 200 places pour voir Soprano en concert dans toute la France. C'est Soprano. Écoute Skyrock à tout moment et choisis ta ville. 200 places de concert Soprano en exclu sur Skyrock. Ouais, ouais. Soprano, en concert avec Skyrock. Skyrock. Est-ce que ça va ou pas? Promets sur Soprano. Je Jardine, c'est la toute nouvelle appli gratuite pour créer ton potager sans prendre la tête. Je Jardine, c'est des vidéos pour t'aider à planter des légumes chez toi. Sur Je Jardine, tu visualises ton plan de potager, tu reçois des alertes quand il faut arroser ou récolter et tu partages tes plus belles photos avec tes nouveaux amis jardiniers. Je Jardine est disponible gratuitement sur iPhone et Android. Télécharge maintenant pour profiter de ton cadeau de bienvenue. Je Jardine est une initiative du Crédit Agricole. Concert. Il va mettre le feu. En 2017, Soprano choisit encore Skyrock pour sa nouvelle tournée dans toute la France. En concert partout en France pour terminer sur la scène de l'Accor Hôtel Arena de Paris le 30 septembre et au nouveau stade Vélodrome Orange de Marseille le 7 octobre 2017. Ouais. Yeah, c'est Soprano. En tournée dans toute la France avec Skyrock. Plus d'infos sur skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Le 36 92 est le numéro pour discuter avec des hommes et des femmes, échanger vos numéros et pourquoi pas vous rencontrer. Le 36 92, le numéro pour réaliser tous vos projets, même les plus fous. Alors n'attendez plus, appelez dès maintenant le 36 92. C'est très simple et surtout rapide. Télon, 80 centimes d'euros la minute plus prix d'un appel. D-Fool, radio libre. 21h minuit sur Skyrock. Et le Ghetto Phénomène, comme promis, Ghetto Phénomène et Jules. C'est sur Skyrock, on écoute Maria, Maria. Et demain soir dans Planète Rap, pas le louper. Fais pas les données. La maman Maïwa, il m'en faut, tu le sais qu'on connaît. Ils ont mis l'œil sur ma gario. Ils ont mis l'œil sur ma gario. J't'ai rien fait, tu me sers. mentir. Je sortais de la zone, je cabrais dans la zone toute la journée. Je voyais les clients taper sur la vitre, le visage mouné. Je connais la galère, frapper des templates tout le temps pour ti. Espèce d'abruti, parle pas mal d'abrousse, on va sortir l'outil. J'ai mon survêt du Dortmund, j'ai fait le pain, j'ai pas mis du Gucci. J'ai mon survêt du Dortmund, j'ai fait le pain, j'ai pas mis du Gucci. J'ai pas les données. Ghetto Phénomène dans Planète Rap, je vous l'ai dit, hein, c'est demain 20h-21h, loupez pas, c'est la dernière de la semaine. On écoutait le son qui s'appelle Maria Maria. Skyrock, Romano. Moi je crois que je vais directement lever mon slip et faire tourner mon sexe. Tifoul. Tu veux pas qu'on se fasse un petit truc dans ta maison mais sans caméra? Non, même pas. Cédric. Salut les filles. Cédric, hein. Marie. Des râteaux, t'en as pris Marie, des râteaux toi? Non, mais en général j'arrive à mes fins. Hein. Samy. Non, pour jouer au billard, des grosses boules. Et Karim. Pourquoi Cédric, il a un A? La lettre A brodée sur son oreiller. Mmh. Eh ben c'est pour pas oublier son texte quand Romano l'encule. Très bonne blague. Ah, elle t'a plu. Spéciale dédicace à toi, Cédric. Voilà, Cédric est pas avec nous ce soir, mais le reste de l'équipe est là. Ouais. Hey, la Marie, Samy, Karim, ouais. Romano et son problème du mois. Ouais. Et big up à Cédric dans son bon rétablissement. Je sais pas s'il nous écoute d'ailleurs. Mon chéri. J'espère que ça, si tu nous écoutes, t'as vu comme l'équipe est là derrière toi. Petit accident de moto pour Cédric. On te soutient, man. Mais rien de grave. Heureusement, rien de grave. Enfin, ça aurait pu être grave si ça. Ouais. Ah, ben oui, bah, il s'en tire bien, ouais. Oui. Donc, Cédric, t'as eu plein de messages en plus. Il va aller lire vos messages et je pense qu'il va narguer Romano avec. God, ouais. J'ai eu plus de messages que toi. Ouais, évidemment. Ouais, non, mais bon, je vais pas faire un accident pour avoir des messages. Voilà, demain, je vais me faire écraser par un camion. Voilà, pour avoir plein de messages. Le mec normal. Quoi. Plein de messages. Bon, il y a Romain qui veut nous parler, qui veut voter pour le problème du mois. Tiens, on vous donnera les résultats du problème du mois dans un instant. Ouais, vous c'est avez en voté comptage. Hein. Comme des fous. Ça arrive. Donc les résultats arrivent tout de suite. Le temps de faire les petits calculs et de vous donner les bons calculs. On va voir quel est le problème du mois qui va gagner. On écoutera du Lil Wayne aussi. Lil Wayne et Wiz Khalifa, Soccer for Pain. J'espère que c'est pas vrai, hein, la nouvelle qu'on a vue traîner sur les réseaux. Ouais, espérons, hein. J'espère aussi. Ouais. Lil Wayne qui serait malade, qui aurait un cancer de la peau et c'est pour ça qu'il aurait arrêté sa carrière. On en parlait lundi dans le morning. Ouais. Et dans la radio libre aussi. Ouais, ça traîne sur les nets. Bon, faut se méfier. Hein, bon, pour le moment, il y a aucun gros site fiable qui a sorti l'info. Hein, exactement. Donc, bon, à prendre sous réserve. Sous réserve. Vous en parlez tout à l'heure dans l'émission. Et Alonso aussi à écouter, direction Marseille. Kamikaze. Minuit. Super morceau d'Alonso. Et puis le poteau d'Alonso Soprano a gagné dans la roulette. Dans moins d'une heure, ça tourne. Hein. Ouais. Trois quarts d'heure à peu près, je lancerai le top pour vous inscrire. Et vous irez voir Soprano dans toute la France. Binta, Binta, Binta, Binta, Binta, Binta, Binta. Waouh. Bon, on l'écoutera sans vous tout à l'heure. Hein, je dis ça pour ceux qui aiment la musique. Binla, Binla. Voilà, tout ça pour nous d'ici minuit, Radio Libre, ensemble. Et donc Romain, ouais, au téléphone avec nous de Lille. Salut Romain. Ouais Romain. Oui, salut l'équipe. Coucou. Salut à toi Romain. Ouais Romain. Ça va. Alors toi, tu voulais voter pour le problème du mois déjà. Tu votes pour quel problème du mois? Nous avons de l'exhibition dans les grandes surfaces. Nous avons le jeu de la biscotte. Nous avons l'écologiste qui se fout des tuyaux, des robinets dans le cul. Nous avons Julien qui ne fait plus l'amour depuis qu'elle a enlevé son stérilet. Et nous avons Antoine qui, lui, veut se faire soumettre et verminiser. Ouais, c'est ça. C'est une vermine. Ouais. Lequel tu prends, toi, Romain? Moi, je prends le troisième. Le troisième. L'écologiste. Ah, avec les robinets dans le cul. C'est ta passion, ouais. Toi-même. T'es plombier. Toi-même, tu es écolo et tu te mets des robinets dans le fion. Non, du tout. Non, j'ai une question par rapport à ce problème du mois. Vas-y. Parce qu'en fait, avec ma copine, on voudrait faire, tu vois, la double, aller devant derrière. Et double pénétration. Ça, et comment, ouais, t'as qu'une bite, comment tu vas faire? Avec moi-même, tu vois, mais passer devant derrière. Le cul, la chatte, chatte. Alors, la bouche après, peut-être. Et par rapport à ça, elle voulait faire quoi? Elle voulait prendre une poire pour faire un lavement d'intérieur, tu vois, pour que ce soit plus hygiénique et pas choper des bactéries. Alors justement, il paraît que c'est pas bon. Non, mais ça, c'est pas vrai. Pour que ce soit bon, il faudrait se laver la bite dès que tu sors d'un trou avant de rentrer dans l'autre. Ah non, parce que je croyais que tu parlais des lavements. Ah non, je parlais de rentrer de bite. Ah non, ouais, ça, c'est pas bon du tout. Bite dans la chatte, bite dans le cul, bite dans la chatte. De toute façon, regarde, c'est une question logique, Romain. C'est-à-dire que quand tu vas lui mettre du caca dans la chatte. Parce qu'elle a du caca dans son cucu, Romain. C'est la triste réalité. Le cucu, c'était pour faire caca. Et oui. Sans parler qu'il est. Que par rapport aux poires, c'était fait pour. Ah, tu voudrais genre qu'elle se lave l'anus avant que tu l'encules. Voilà. Ah. Mais en même temps, tu sais, je salue ceux qui se branchent en ce moment sur Skyrock. Celui qui allume ou celle qui allume sa radio à ce moment-là, elle tombe sur toi. Ah, qu'elle se lave avant que tu l'enques. Mais c'est vrai. C'est la vie. Quoi, moi je trouve ça. Ouais, mais putain, c'est antisexuel au possible, quoi. Aussi, ouais. Ta meuf, elle se vide le cul devant toi. Surtout que si tu veux faire des allers-retours comme ça, tu vas être obligé de le faire à chaque fois parce que ça détruit la flore vaginale, par exemple. Parce que sans parler que. Marie, elle a un blocage ce soir sur la flore vaginale. Non, mais c'est vrai. Ça fait 4 fois qu'elle nous en parle depuis 21h. J'ai entendu la pub du jardinage sur Skybrock. J'ai cultivé de la flore vaginale. J'en ai planté. Non, on en a parlé. Savais que j'ai des bambous qui sortent. On en a parlé pour ce problème. C'est pour ça. Non mais le truc qu'il y a, sans parler que quand tu vas la sodomiser, tu sortes avec une pêche qu'elle t'est posée sur la bite. Mais forcément, il y aura des germes de caca que tu vas lui mettre dans le vagin et pas bon. Et là, j'imagine aussi ceux qui rangent la radio à ce moment-là, il y aura des germes de caca que tu vas lui mettre dans le vagin et c'est pas bon. Tiens, je viens de brancher. C'est pas bon d'abord de. Pour tous les snacks qui sont branchés sur Skyrock, franchement. On les salue. Tiens, je vais regarder Dev se vient de se brancher là. C'est trop fort, dit Foul. C'est exactement ce que je viens de faire. Message de Hector du 44. Salut Hector du 44. Il y a Dev aussi, je viens de me brancher. C'est quoi cette discussion? On parle de la vie. La vie, l'amour, le trou de balle. Je vous ai parlé de la flore vaginale. Tiens, je viens d'arriver et vous me faites peur, l'équipe. Salut. Non mais en fait, techniquement, le truc que tu veux faire, il n'y a aucun moyen avec ta bite. Pourquoi donc? Parce que sinon, il faudrait changer de capote à chaque fois que tu changes de trou. Ah, c'est ça, oui, c'est vrai. Ou se laver, parce que c'est-à-dire que même si elle se lave la nuit, il y aura forcément des germes qui seront là, quoi. Exactement. Il y a un message, les cheveux de Romano, moi je suis gay et quand on se fait enculer, c'est mieux de faire un lavement avant, surtout si le mec a une grosse bite. Petit conseil des cheveux de Romano, merci à toi les cheveux de Romano. Tu vois qu'ils existent, ils ne sont pas tous décédés. Ouais, mais bon, le lavement, putain, c'est quand même crado, quoi. Moi ça me dégoûte, moi aussi, oui. Ah ouais. Tu veux pas qu'on ramène une poire, Romain? Non, en direct. Non, mais mon père, on a déjà fait des lavements. Mais pas dans le cadre sexuel. Mais dans le cadre médical. Comment tu sais? Parce qu'il me l'a dit. C'est lui qui lui a fait des lavements. Ouais, c'est moi qui lui ai fait. Ouais, allez-toi, on va voir le fion. Et puis quand tu fais un lavement, tu mets quoi dedans? Pas de l'eau? Je sais pas, moi. Si, c'est de l'eau. Mais du pec citron. De l'eau et du pec citron. Et du desktop. Mais qui est con? Pour vraiment tout enlever. Ah bon? Mais t'es con. Merci. Non, c'est de l'eau un peu tiède, je crois. Ah ouais? Non, parce que ce que tu fais, c'est que par exemple, quand tu vas faire une coloscopie, là, quand c'est un examen de l'anus avec un tuyau, là, il faut que ton anus soit parfaitement propre parce qu'avec la caméra, s'il y a du caca, tu vois mal. Voilà. Déjà, tu te vides la veille. Oui, et la caméra, après, elle est toute sale. C'est pour ça. C'est pour bien voir, en fait, qu'il faut te. Par exemple, ce que tu fais, c'est que déjà, tu bois un truc qui s'appelle de l'huile de paraffine. C'est dégueulasse. Ah, c'est ignoble. Et puis, tu dois en boire un sacré litron. Ah ouais, c'est ignoble. Et tu te vides, mais laisse tomber. Mon père m'a dit, c'est l'enfer. Ouais, mon père, pareil. Ouais. C'est à dire que c'est quasi instantané. Hein. 10 minutes, c'est une demi-heure après, tu vas sur le trône, mais tu chies ta race. En fait, tu restes chiotte. En fait, comme Cédric, quand il mange, instantané. Bah, il bouffe peut-être de l'huile de paraffine. Cédric, si tu nous écoutes. Puis ça pue ce truc. Vérifie ça, demande au médecin. Et après, ce qui se passe, c'est que. Et après, tu te fais un lavement à la poire. Ou c'est le médecin qui te le font. Il préfère les pommes. Bah ouais, mais c'est une poire, pareil, je suis désolé. Ça passe moins bien, je pense. Oui, il faut mettre de l'eau, très bien. Bon, mais écoute, Romain, à la limite, fais-le à l'ancienne, tu vas pas te laver, tu vas pas. Ouais, ou alors tu. Ouais. Non, mais sinon, il faut acheter un sextoy. Bon, après, s'il a vraiment. Ouais, sinon, je lui donne un bar de l'huile de paraffine. Ah non, arrête la pauvre, dégueulasse. L'autre, elle va t'en mettre plein le lit, tu vas voir, ça va être super. Ah. Mais non, mais ou alors tu fous une capote quand t'es dans ses fesses et puis. Et ils sont, ouais, mais c'est pas pratique à chaque fois. Non, mais toi, en fait, c'était quoi? Genre, tu voulais faire un petit coup dans le cul, un petit coup dans la chatte. Ouais, un petit ça, coup ouais, dans le cul, un petit coup dans la chatte. Ouais, c'est ça, quoi. Ouais, mais techniquement, c'est impossible. Encore, continue, Romano. Non, mais ça va, Marie, on va pas. Non, mais c'est impossible. Techniquement, c'est impossible. Bah, tu peux le faire, mais il y a des soucis derrière. Moi, je l'ai déjà fait, moi, gros. Ouais, mais bon, elle avait du caca dans la chatte. Ouais, c'est son problème. Oh, ouais. T'avais une capote, tu t'en fous? Ah, ouais, je m'en ouf, ouais. Est-ce que tu as peut-être une autre question? Non, mais je suis désolé. Non, mais c'est la meuf, ça peut, elle peut avoir des problèmes à la choule après. Ah, c'est vrai. Il y en a qui comprennent pas la poire dans le cul. Là, il y a plein qui nous laissent des messages. Non, mais une poire, c'est un espèce de truc en plastique. En plastoc, ouais. En forme de poire, tu le remplis d'eau et ça fait. Et tu pompes. Tu sais, genre, comme les trucs, les pistolets à eau. Quoi. Voilà. T'appuies dessus et l'eau elle gicle. Non, bah, c'est ça. Ça doit faire bizarre mais, dans le fion ça. Mais très sinon bien. Vous avez déjà fait sodomie sans faire l'un et l'autre là. Sans l'aller-retour. Ouais. Il veut pas de réponse, je crois, Marie. On va qu'il s'en bat les couilles de ta question. Je pense qu'il m'a pas entendu. Non, j'ai pas entendu, pardon. Vous avez déjà fait la sodomie avec ta copine? Ouais, si, ouais, ça, y a pas de soucis. Y a pas eu d'accident, donc c'est bon, mais après, c'était savoir si c'était possible d'aller devant, derrière. Bah, après, c'est possible. Oui, c'est possible, mais avec des risques. Mais c'est pas bon. Pas conseillé, oui. Bon, après, ça, bon. Et c'est quoi le truc le plus fou? Essayez, vous et comme ça vous nous direz. Dans un mois, tu vas nous rappeler. Putain, chie par la chatte. C'est complètement déréglé. Ah non, c'est vrai, il y a une solution. C'est quoi? C'est qu'elle mette une capote féminine. Ah ouais, c'est dans vrai, un ouais, des deux trous. Ah ouais. Et toi, t'as une capote. Très dans très un des deux trous, dans le cul. Ouais, ouais, si, ouais. Ou sans capote d'ailleurs, si vous connaissez. Ouais, parce que si c'est pas bon en plus, quand il y en a deux, ça fait du frottement et ça craque, non? Non, mais ouais. Ouais, en général, c'est pas conseillé. Mais très très bonne idée, Perrier 31. Bravo, Perrier 31, tu as. Tu es le type de meilleur auditeur de Romano de cette soirée. Non, mais, là, sur le coup, tu vois, si, il y a une solution. Wells, mais par exemple, il y a un moment, il dit pareil, il peut utiliser capote féminine. La capote féminine, elle se la met dans le vagin. Mais et toi, tu peux changer de trou sans problème. Moi, par exemple, ouais. Tu retrousses les deux trous après. Ok. Ouais, sinon, nickel. Eh ben, merci pour le conseil. Non, je voulais juste te demander, Romain, c'est quoi le truc le plus fou que t'es fait avec ta copine sexuellement? Oula, Marie, là, tu lances un débat. Le plus fou, c'était avec moi et un gars d'en plus. Bah moi on m'a fait caca dessus. Oh ouais. Non. Merci Romain. Le caca c'est bon. On n'a pas fait des trucs en public comme problème du mois numéro 1 ou quoi que ce soit. J'ai les résultats qui viennent d'arriver, je vais vous les donner là. Ouais. Romano, comment tu sais? Parce qu'il me montre avec ses petits doigts. Mais non, je te dis super. Il m'a montré, c'est lui qui gagne. Ouais, c'est lui qui gagne, ouais. Alors Romano, il sait, vous savez pas encore. Résultat du problème du mois. Tu bouges pas, Romano, t'envoies le t-shirt Skyrock. Et Marie, ça va te faire plaisir. Un dernier message des cheveux de Romano. Cheveux de Romano, il est déchaîné ce soir. Hein. Il faut pas faire trop de lavement, même au niveau de l'anus, parce que tu te dérègles la flore, oui, mais anale, Marie. Flore anale. Elle adore ça aussi. Parce que t'as l'air des problèmes de transit. Ah, bah, c'est sympa. Mais écoute, c'est cool. Bah, ça donne envie en tout cas. Ouais. Et tiens, il y a beaucoup beaucoup de messages sur Lil Wayne aussi. On en parlait tout à l'heure pour passer à autre chose. Et juste après, je donne les résultats du problème du mois. On va l'écouter. Alors il y a plusieurs qui ont demandé ça d'ailleurs, qui comprennent pas ce que c'est un gros site fiable. Ah ouais, c'est vrai. C'est quoi qu'on peut considérer comme un gros site fiable? Parce qu'il y a l'info sur Lil Wayne qui est sortie, une interprétation des messages qu'il a laissé depuis quelques jours parce qu'il arrête le rap. Ouais. Ce qu'il a dit. Et bon, donc, ça c'est vrai. Oui, ça il l'a dit lui-même. Donc l'info qui est sortie. En interprétant ces messages, c'est qu'il serait malade, qu'il aura un cancer de la peau et qu'il en aurait pour pas longtemps. Ça, ouais. On parle d'un mois, on parle de 5 semaines. Et mais lui, il a pas dit vraiment dans ses messages. Non, il a pas dit. Non, il a pas dit clairement. Ouais, je suis malade. Il a dit qu'il passait un dur moment. Oui, oui, oui. Donc on sait pas trop. Hein. C'est plus le message que lui a écrit Missy Elliott, la rappeuse. Tu l'as toujours, ouais. Mano, là. Ah bah, bien c'est plus ce message qui est un peu chelou. Ouais, je suis d'accord. Qui fait un peu flipper tout le monde là. Donc les gros sites fiables, c'est quoi les gros sites fiables? TMZ, c'est assez. Ouais, mais a priori, aux États-Unis, l'info, elle circule moyen. Ouais, c'est ce que j'ai vu aussi, ouais. Ouais, on nous disait qu'aux États-Unis, ils en parlaient pas trop, quoi. J'espère que c'est encore une grosse connerie du net. Bah, ça. Espérons. Et donc, Missy Elliott, ouais, lui a envoyé un message, là, je crois que c'est sur Twitter. Ouais. Je t'envoie mes prières, quelles que soient les épreuves que tu endures ou celles que tu vas endurer. Puisses-tu trouver la paix. Je serai toujours une grande admiratrice de ton travail. Ah ouais. Ouais, ouais, bah bon, ça, après. C'est pas rassurant du tout. Et il y a Young Thug aussi, un autre rappeur qui a laissé un truc, mais je l'ai pas là. Mais sur quoi sur Twitter là, mais il n'arrive pas à traduire. Non, mais je l'ai pas. Il faut aller voir sur, sur Twitter, c'est ça? Ouais, je crois que c'est sur Twitter. Ouais, il a laissé voir un truc aussi pour Lil Wayne. Ouais. Bon, écoutez, on va mater ça. On écoute Lil Wayne avec Wiz Khalifa là, dans un instant. Et puis j'ai les résultats du problème du mois. Alors pour qui vous avez voté ce soir? On reste sur le net. Alors vous avez voté à 5%. Ouais. Pour le problème de Sabine l'écologiste. Oui, avec son robinet. Ah non, excusez-moi. Ah. 5% pour Julien avec le stérilet, j'étais sûr là. Ah, à ouais. 7% pour Sabine l'écologiste. Je suis un petit peu déçu pour l'écologiste, parce que c'est vrai que c'était pas mal. Avec son robinet, là. Après, vous avez voté à 17%, là, ça monte, pour l'or et le jeu de la biscotte. Ouais. Beaucoup de messages du sud-ouest de la France, d'ailleurs. Ah, le rugby, l'ovalie. Rapport au rugby. Vous avez voté à 30% pour Antoine, qui veut se faire soumettre et verminiser. Ouais. Comme il dit. Et le problème du mois qui gagne, tu l'avais deviné, Romano, t'avais vu les messages. Hein. Non, ouais. C'est le problème de l'exhibition dans les grandes surfaces. Ça, c'est pas mal, ça. C'est Didier, 57 ans, à Paris, qui a écrit, car il a très envie, en plus, il le fait, le con. Ah, il touche sa femme dans les magasins. Très envie de s'exhiber avec sa femme, donc il va faire les courses avec sa femme, et pfff. Ah, mais Karine, tu montes le message de Young Thug, mais tu m'as pris pour un Américain. Cousin, t'es pas un Américain. Ah, donne-moi le message, attends, je vais te faire la traduction américaine. Eh ouais, je suis américain. Ah, ouais, bah déjà. Maintenant qu'on est les Américains. Ah, moi je parle américain, t'inquiète. Vas-y alors, dis le message et Romano, tu nous fais le problème du mois, je derrière. Je te dis le message là? Ouais. Ah, effectivement, c'est chelou. Donc je te souhaite juste beaucoup d'amour. Donc ça, c'est Young Thug. Hein. Et trouver le chemin de l'amour, mon frère. Hein? Tu es mon idole pour la vie et j'espère que tu ne me bâcheras pas, quoi, que tu te plaindras pas de ce que je dis. Tu sais à quel point je t'aime. Bon, voilà, avec des points de suspension. Ça peut dire plein de choses. Ça veut dire en tout cas qu'il a une galère. Il a une galère. Ouais, à mon avis, il doit vivre un sale truc parce que quand même. Ouais, il doit vivre un moment qui doit pas être super. Bon, bah écoute, on vous tient au courant et puis on espère que ce sera pas des trop mauvaises nouvelles à vous annoncer. On espère. Le problème du mois, allez, on y va. C'est parti. Et on l'écoute juste après, d'ailleurs, Lil Wayne avec Wiz Khalifa. Problème du mois. Sucker for Pain, ouais. Ouais. Alors, là, c'est bon, là, on est moins dans le rap, hein, c'est Didier. Ouais. Didier, 57 ans. Didier, 57 ans. Peut-être qu'il met, je sais pas, une casquette, il fait yo-yo. Il n'a pas l'air d'un con, tiens. Oh, bah putain, 57 ans. Didier, 57 ans, de Paris. Il écrit au forum Palais de la Soumission. Bonjour, le forum. Moi, c'est Didier, 57 ans de Paris. Je viens régulièrement sur le forum et aujourd'hui, c'est à moi de vous poser une question et de vous demander peut-être quelques conseils et de l'aide. Je vous explique, ma femme et moi avons une vie sexuelle encore très épanouie. Régulièrement, elle accepte de se faire sodomiser, elle suce, elle avale sans problème. Oh, bravo, ma femme. On l'a appelée Josiane, sa femme. Mais depuis quelques temps, avec ma femme, nous avons un nouveau plaisir sexuel qui nous excite terriblement tous les deux. Mais nous avons également très très peur. Oh, qu'il a peur. Nous avons des tendances exhibitionnistes. Déjà, lorsque nous faisons l'amour à la maison, nous gardons volontairement les fenêtres ouvertes. Afin que... Ça c'est cool, si t'habites en face de chez eux, t'as YouPorn, mais live. Ouais, ça dépend. Afin que des gens puissent nous apercevoir par la fenêtre et entendre les gémissements très excitants de ma femme. Bah, Dieu. Oh, vas-y, mon Didier. Oh, va Dieu, Didier. Vas-y, défonce-moi la cramouille. Oh, va Dieu, mais t'as que Didier. C'est clair que ça doit être super excitant. Ouais. Nous avons déjà eu quelques remarques et des sifflets provenant de la rue. Des sifflets? Waouh! Ça nous a encore plus excités et nous voulons aller encore plus loin. La dernière fois, nous sommes partis chez IKEA. Ah! Amis d'IKEA, si vous bossez là-bas ou si vous allez régulièrement y faire des tours, c'est un de tes magasins préférés. J'adore IKEA. T'as déjà rencontré Didier Josiane? Non, jamais, non. Nous avons rigolé et je l'ai poussé sur le lit. Dans un des décors de chambre et je suis monté sur elle. T'imagines, tu vas acheter une chambre. En plus, il y a des gosses. T'as dit, en plus, il y a plein de gosses. Non, mais t'es le week-end, c'est la sortie pour les familles. Quoi. Ouais. Papa, monsieur, il essaye le lit là-bas. J'ai fait 2-3 mouvements sur elle, mais nous étions toujours en train de rire. Des gens nous ont regardé bizarrement. Nous avons arrêté de peur de nous faire attraper par la sécurité, car nous avions quand même quelques courses à faire. Ah. Fallait qu'ils achètent une tringarie de... un sommier. Ensuite, nous sommes allés faire nos courses dans un supermarché. Nous tairons le nom pour la discrétion. L'après-midi n'est pas fini. Et là, ma femme poussait le caddie. J'ai commencé par lui mettre une main aux fesses. Elle avait une petite jupe. J'ai glissé ma main en dessous. Et j'ai mis un doigt dans sa fente déjà toute humide. Oh, oh. Imagine les deux là. Ah ouais. Didier Josiane, 57 ans. Nous avons fait le tour d'un ou deux rayons comme ça avec mon doigt dans sa chatte que j'astiquais frénétiquement. Et Didier il se lâche. Ah ouais, tu m'étonnes. Ma femme s'agrippait à la poignée du caddie. Tiens, la barre, ouais. Ça nous a terriblement excités. Des gens nous ont croisés. J'ai enlevé ma main. Imaginez la scène quand même. Vous êtes en train de faire vos courses tranquille, pépère, en famille. Et puis là, vous avez une femme qui est accrochée à son caddie. Son mec, la main sous la jupe. L'autre crispé sur son caddie. J'ai ressorti mon doigt qui était trempé. Je me suis essuyé au rayon vêtements. Normal, quoi. Ah ouais, non mais. Et t'imagines si après tu prends le caddie? Non mais puis surtout si tu prends le vêtement. Ou les deux. Ouais, voilà. Tu mets le vêtement dans le caddie. Tiens, bah j'ai un petit t-shirt, moi. Ouais, il sort la chatte un peu. Ouais, je sais pas. Ah ouais, t'imagines, t'as l'auréole, le mec s'essuie le doigt dedans. Dégueulasse. Nous avons été terriblement excités. Ah ouais. Nous savons que nous avions été regardés par des agents de sécurité via les caméras de surveillance. Mais que risque-t-on ? Nous avons entendu parler de l'affaire de l'homme politique. Nous n'aimerions pas nous retrouver dans sa situation. Ah bah oui, ça. Allez faire un tour à Castorama. Oui, c'est pas le bon plan là-bas. On n'a pas visité encore. Nous avons très peur d'avoir des représailles du point de vue justice si nous vous faisons attraper, car nous aimerions encore aller plus loin. Ah. Mon fantasme ultime serait de faire l'amour à ma femme sur un délit chez Ikea. Et Ikea, si vous nous écoutez, faites attention. Faites attention. Renforcez la sécurité au rayon des plus bas. Ouais, c'est vrai. Je suis sûr que ça a déjà arrivé. T'sais. Ah, moi, bah, la preuve, regarde. Non, mais en plus, parce que tu sais, t'as le rayon lit où là, ils sont tous les uns à côté des autres, mais après, t'as les décors avec des chambres. Les faux appartements, là, ouais. Tu sais, les faux appartements où là, t'as vraiment l'impression que c'est une pioule. Et genre, des fois, il y a des renfoncements et il faut prendre un petit couloir pour aller. Genre dans la chambre, je suis sûr que là, donc on déjà ken. Attention à Didier et Josiane dans le petit renfoncement. Mais nous avons très peur. Bah. À votre avis, devons-nous le faire? Les gens qui bossent chez Ikea doivent avoir peur aussi maintenant. Y a-t-il une tolérance acceptée par les magasins pour ce genre de pratique? Bien sûr, évidemment. Je ne veux pas passer pour un vieux pervers. Ma femme non plus. Vous avez quand même une réputation à tenir. Ah oui, bah là, elle va prendre un coup d'œil si ça c'est. Faites peut-être dans un Ikea, mais loin de chez vous. Ouais, je pense. En Suède. Merci de nous dire si vous avez déjà eu ce type d'expérience et surtout si vous avez eu des problèmes. Merci de votre aide et à bientôt. Putain, bah à ce moment-là, tu peux chier aussi dans les WC, tu sais, d'expo ou prendre une douche. Ouais, mais là, c'est pas sexuel, oui. Marie. T'essayes le WC. Ouais. Mais c'est bon. Mickey Youn à l'époque, il l'avait fait ça. Ah oui, c'est vrai, exact. Il avait chié dans un magasin de bricolage, dans les chiottes qui sont alignées mais qui sont branchées à rien, quoi. Avec son journal et tout. Il avait fait ça aussi, il l'avait fait dans une baignoire qui était. Oui, c'est vrai, ouais. Bon, alors, qu'est-ce que tu veux comme réaction pour le problème du mois? Par exemple, si vous avez déjà fait si vous êtes carrément exhibitionniste, on va commencer par là. Oui, vous avez eu des petits Des petits délires exhib, vous avez déjà fait l'amour dans des lieux où vous pouviez vous faire surprendre ou alors carrément vous vous êtes fait surprendre ou dans un magasin comme Didier. Ah bah carrément dans un magasin, c'est encore mieux. Vous pouvez témoigner à 41759 par l'appli au 01 53 40 30 20 sur Snap, envoyer des snaps, aucun souci, on récupère tout ça et on vous prend l'antenne avec vos témoignages. Dylan, 22 ans, j'ai couché dans une salle de cours d'un collègue. Que risque-t-on si on se fait chaud? D'un collège. Que risque-t-on si on s'était fait choper? Collège ou lycée, tu t'es exclu momentanément, définitivement. Mais tu t'es fait virer, Romano, toi, non? Pour Un doigtage de la gothique. Ah ouais, Non, c'était pas la gothique, c'était pas qui pue. Ah, excuse-moi, Romano. Bah, tu vois, tu te fous de la gueule de comment il s'appelle Didier et Josiane, là. Mais t'as fait la même chose? Ouais, mais j'ai pas fait ça dans un magasin. T'as fait ça au bahut. Ouais, mais bon, moi, c'était différent. Non, mais c'était pas de l'exhibition, je suis désolé. En fait, nous, ce qui se passait, c'est que, vu que c'était un internat, le soir, tu vois, il y avait du temps libre après manger. Et les salles de cours, ils les laissaient ouvertes. Et en fait, tous les couples, pour être tranquilles. En fait, c'était des baisodromes. Ouais, en fait, tous les couples, chacun prenait une pièce. Moi, en fait, pour qu'il pue, elle m'était montée dessus et j'étais en train de la doigter. Comme Didier. Et on se galochait. Tu vas voir, quand t'auras 57 ans un jour, tu seras comme Didier. pied, t'iras faire ton petit tour à Ikea. Un petit doigt sous la jupe, tout ça. Et moi, en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'il y a un surveillant qui est arrivé, mais moi, j'avais retiré ma main, donc je suis pas sûr qu'il m'avait vu en train de la doigter. T'inquiète, il te regardait avant, j'ai branlé avant, gros, et après, après trois jours de renvoi. Non, par contre, moi, j'ai un couple qui s'est fait choper. Elle se faisait ken, mais à poil, hein, sur le bureau, dans la salle de cours. Le mec, il l'a kené comme ça, ils se sont fait choper par le surveillant. Le mec, a priori, il a bien attendu qu'il soit complètement à poil et qu'il la kène. Parce que je regardais attentivement ce qui se passait. Et eux, ils ont mangé 7 jours de renvoi. Ah, il y en a plein qui nous disent que Michael Youn a copié Jacques. C'est vrai que c'est Jacques. Je crois que c'est que Jacques, hein. Youn, je suis pas sûr. Si, il l'avait fait. Ah ouais, si. Ok, d'accord. À l'époque où il faisait son truc sur la 6, là, le Morning Live. Ok. Tiens, Perrier qui nous dit c'est Jacques, pas Michael Youn qui est chié dans les WC. Ah, mais de toute façon, Black Goku aussi. Tous les trucs de Michael Youn, c'était des trucs qu'il avait fait Jacques avant. Ouais, les idées venaient de Jacques. Ah, et Mohamed du 5-9, il y a 18 ans, lui, il a baisé dans des champs et on s'est fait prendre par des enfants. Ah oui, il faut faire attention s'il n'y a pas des gosses à côté parce que là, t'es mal. Tiens, je me prends la poêle dans les champs Ryan B juste en dessous. Ah ben moi je m'étais fait choper sur un chemin d'un bois. Un chemin d'un bois. Ah, par le garde forestier. Ah ouais, j'étais en train de niquer carriole contre un arbre. Et y a un mec qui est arrivé, tu sais, en vélo là, garde forestier. Et il fait qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Tu sais, moi je me suis jeté, il y avait un espèce de fossé, je me suis jeté dans le fossé pour remonter mon ben. Carriole, elle est restée cul nue, elle. Ouais, elle comprenait pas. Oui, monsieur. Oui, alors, quel est le problème? Il est beau, cet arbre. Allez, vos témoignages, allez-y. Il y a le portugais qui veut témoigner. Merci pour les messages. Hein. 41759, appelez Skyrock. Ah, tiens, Colonel Charlie s'est fait déjà sucer dans un photomaton. C'est bon, ça? C'est petit. Ouais, mais t'as la ça place. Fait des photos. Mais par contre, il y a le rideau. T'as une photo souvenir à la fin. C'est ouais, c'est bien, ouais. C'est pas mal. Ouais, mais il y a le rideau, mais le rideau, il est que au niveau du corps, tu vois. Ouais, ouais. Souvent, tu vois les jambes des gens. Oui. Ah, oui. Bah, si, tu vois les jambes à chaque fois. Ouais, là, bah, ça, ouais. Ça craint, c'est un gosse, il passe par contre. Parce qu'il a le nez sous le rideau. Dans la bite. Ouais, il y a qui là-dedans? On écoute. Il est en train de se faire sucer. On se fait le. Lil Wayne. Le son de Lil Wayne. Allez. Sucker for Pain, le son de Lil Wayne avec Wiz Khalifa. On écoute ça tout de suite dans une demi-heure. On vous offre vos places pour aller voir Soprano. Et on écoutera aussi Alonso, comme promis. Binta, Binta, c'est sur Sky Radio Libre. Depuis la rentrée, Difool a déjà distribué plus de 20 000 euros en cash. Il faut me dire, quelle est ta radio préférée? Skyrock. Mais oui, c'est Skyrock. Ouais, c'est gagné. C'est pas vrai. Une vingtaine d'iPhone. Ton iPhone 7. Le tout dernier. Putain, ça c'est bon ça. Romano a déjà arnaqué des commerçants. Des familles. C'est encore une arnaque ça, hein. Des campings. Une semaine de vacances gratuite, ok madame? Gratuite, bien sûr, tout à fait. Et ce n'est que le début. Que le début. 6h-9h. The Morning Show. Le Morning de Difool sur Skyrock. Jolie course, t'as progressé. Ouais, si ça pouvait être pareil avec une nana. Pourquoi t'essayes pas de discuter? Écoutez par SMS. Envoie chat CHAT au 62333. Le chat avec photo. Chat CHAT au 62333. The Morning Show. Envoie 1500 au 7-20-20 et multiplie tes chances de gagner 1500 € toutes les demi-heures dans le Morning de Difool. Tu veux réussir ta rentrée? Il n'y a pas 50 solutions. YAX, YAX. YAX, c'est l'application pour délirer, choper des conseils et se taper des barres. Profite des astuces du peuple YAX et partage tes délires. YAX, partenaire officiel de ta rentrée. Le 36-92 est le numéro pour discuter avec des hommes et des femmes, échanger vos numéros et pourquoi pas vous rencontrer. Le 36-92, le numéro pour réaliser tous vos projets, même les plus fous. Alors n'attendez plus, appelez dès maintenant le 36-92. C'est très simple et surtout rapide. Télone, 80 centimes d'euros la minute, plus prix d'un appel. Concert. Nouvelle tournée événement Skyrock. Maître Gims choisit encore Skyrock pour ses concerts en France. Maître Gims dans toute la France avec Skyrock. Lille, Lyon, Clermont-Ferrand, Dijon, Amnéville, Nantes, Marseille, Paris. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Toutes les infos sur les réseaux sociaux de Skyrock. Skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Skyrock. Premier sur Maître Gims. Allez, c'est reparti. Lil Wayne, Wiz Khalifa sur Sky. What the fuck? C'était la plus grande radio libre de France. Radio libre. 21h minuit sur Skyrock. I talk to you. Take my hand through the flames. I talk to you. I'm a slave to your game. I'm just a sucker for pain. I wanna chain you up. I wanna tie you down. I'm just a sucker for pain.

rouge. Oui, c'est ça. Ah, mais tu vois ce que je veux dire, en fait. Mais des accélérations, on conduit comme un ouf, mais tu le vois toujours au feu rouge d'après. Mais ça, il y a plein de mecs comme ça. J'ai remarqué cet été, j'ai fait beaucoup de routes sur l'autoroute. Ouais, mais ça, c'est, ouais, des couillons. Et t'as des mecs, tu vois, ils bombardent, ils passent à côté de toi, les mecs sont à 150. Et je sais pas, 10 km plus loin, le mec, tu le redoubles. Voilà, ouais, tu le redoubles. Il roule à droite comme un con lentement. Et attention. Ouais, ouais. Et bam. Donc, et on voilà. se posait une question, on voulait vous demander, parce que vous savez peut-être, vous, quand on. Ici, a priori, il y a un truc à la clavicule ou à l'épaule. Alors, si c'est cassé priori, la clavicule. Ouais. Il va avoir un plâtre, mais un plâtre à l'épaule. Ouais, vrai. Je suis en train de regarder, il y a deux possibilités. Qui... Ouais. Tiens, dites-nous si vous avez déjà eu un truc comme ça. Ouais. Vous nous, et non, Laura, Lil Wayne, il n'est pas mort. Voilà. Non. Laura qui nous laisse un message quand je dis que les trucs sur le net. Bon, en tout cas, dites-nous pour l'histoire de la clavicule. Ouais, comment ça se soigne? Il y a vraiment un plâtre et tout, ouais, ça doit être bizarre. Bah, en fait, si t'as la version plâtre, ça va être horrible s'il a un plâtre. Ouais, t'es vraiment tout le. Bah, déjà. Tout le tronc, bah putain, ils vont. Un équipement de hockey, avec football américain. Ah bah et puis nous on va douiller. Non, ça te met au-dessus. Ça veut dire qu'il va plus se laver. Bah il pourra plus. Ah ouais, c'est vrai. Ah bah ça il pourra plus se laver. Putain, on va mort. Enfin, il va faire une toilette quoi. Ouais, la toilette du bas quoi. Ouais, mais tu laves autour. Et puis le bras où t'as la clavicule pétée, t'as l'aisselle qui est prise dedans. Cédric, si tu nous écoutes, d'abord il y a eu plein de messages pour toi ce soir, ça fait plaisir. Même Romano est jaloux. Je pense que d'ailleurs demain Romano va essayer de faire du vélo. Non, mais bon. Sur l'autoroute. Du vélo, ouais. Pour avoir plein de bons messages comme ça. L'avantage, regarde, écoute. Cédric va perdre du poids. Parce que la bouffe à l'hôpital, eh ben, c'est dégueulasse. Non, mais je vais lui ramener à manger demain. Je lui ramène quoi? Je sais pas, je vais lui demander s'il veut un grec, quoi, je lui ramène, gros. Il a le droit de ramener un grec et flinguer. Ça va puer dans tout l'hôpital. Bah, ouais, déjà, s'il est dans sa chambre, t'as le droit de lui ramener à bouffer. Ah ouais, le cadeau qu'il aimerait tellement, ce serait peut-être que tu lui payes ta bite. Ouais, tu ramènes ta bite, alors là. Alors là, tu me fais plaisir. Et pauvre Cédric, on nous dit là. Bon courage, Cédric. C'est bien pour les messages. Oui, il va être. Non, mais a priori, la clavicule, on sait pas encore. Hein. Ouais, on sait pas. C'est clair, non, on sait pas. Ouais, encore. On nous dit il avait mal. Ouais. Bras en écharpe. Tiens, je me suis cassé la clavicule. Polska qui dit j'ai pas eu de plâtre, mais une sorte de plastron. Ah ouais, c'est ça. Ah, on a parlé en antenne. Ouais, c'est un espèce de truc en plastique rigide. En fait, c'est comme si t'avais un truc, je te dis, de foutu. Un boléro là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est genre et pour éviter de faire du mouvement, pour que ça bouge pas en fait. Ouais, en fait, ton bras il doit être soulevé. Parce que si t'as le bras en écharpe, c'est le contraire. Ah ben là, il va falloir qu'il le baisse là, parce que le bras soulevé, ça peut être possible. Ah ouais, avec l'aisselle découverte, c'est pas bon. Parce qu'en fait, tu dois avoir la clavicule qui doit rester dans l'axe. Et si tu mets ton bras comme ça, replié sur le corps, elle est tendue. Franchement, c'est un bâtard le mec qui s'est barré. Ah ouais, parce que le mec qui s'est barré en voiture en laissant Cédric comme ça, c'est ouais. Cédric est tombé tout seul. Il est trop gros. Nous dit Joachim. Il a roulé quoi. Résumé de l'histoire pour la beauté d'Ifoul. Bah, c'est un mec qui est rentré dans Cédric et bam. Bah après, on n'a pas trop les détails parce qu'il était un peu dans le coltard. Ouais. Il y a Dave, fracture de la clavicule l'an passé. Tu peux avoir des anneaux qui te maintiennent les épaules en arrière, soit une écharpe où c'est cassé. Oh là, une écharpe Louis Vuitton. Oh, bah, tu pourras, c'est oh là, génial. Tino, il dit pareil. J'ai une en plus. Hein. Tino 21-500, j'ai eu la clavicule de cassé. J'ai eu des anneaux claviculaires pendant un mois. Et après, rééducation pendant un mois et demi. Et à Marc Marquez, a priori, ça ressemble à des grosses bretelles. Il va pas avoir l'air d'un con. Et il y a la table de mixage. La table de mixage de Skyrock qui nous écoute, qui a 17 ans. Elle est bien vieille, notre table de mixage. Ouais. Qui nous dit, il va falloir acheter une bétonnière pour le plâtre de Cédric. Bien vu. Tu m'étonnes. Pas con, ouais. Le camion, carrément. Ah oui, on va louer ça à Kiloutou. Et chaud bouillant, il a eu un carton moto. Tu l'as pas lu, celui-ci, hein, Mano. J'ai eu la clavicule décalée. Non. Maintenant, c'est qu'elle. Ils m'ont dit, il vaut mieux qu'elle soit cassée. Bah, je sais pas dans quel état elle est, la clavicule. Il n'y a pas de plate pour la clavicule, c'est des espèces de bretelles avec des straps. Ah ouais. C'est jobinus. Ouais, en fait, il t'immobilise le truc, quoi. Ah, faut pas que ça bouge, ouais. Eh ben, écoute, bon courage. Bah, bon courage, mon gros cochon. Apparemment, c'est côté gauche. C'est mignon, mon gros cochon. Mon gros cochon. Voilà, trop gentil. Oh, ouais. C'est gentil. Bon, on reparle de ton problème du mois. Il y a plein de réactions. Hein. C'est sur les prises en flag, ouais. Ou alors ceux qui, enfin les exhibent. Ouais, ceux qui le font volontairement, qui aiment être vus en train de baiser ou de faire des trucs sexuels. Ah. Très bien. Regarde, juste un truc, on nous envoie une photo avec. Mais c'est exactement ce que j'ai eu quand j'ai eu mon. Quand j'ai eu ma tendinite à l'épaule gauche. Ouais, sauf que le bras il est plus emballé. C'était là. Plus fin, ouais. Et ça prend plus toute l'épaule. Bon, très bien. Merci pour la photo, Dark Walls. Ouais. Bah putain, s'il a ça, c'est quand même galère. Hein. Il va pouvoir reposer son bras sur son ventre, en fait. Ouais, c'est bien. Ouais, ça c'est pratique. Il a un porte-bras, lui. Ouais, c'est ça. Alors, on a qui au téléphone avec nous? Il y a Emmanuel avec nous en direct. 18 ans, Emmanuel. Salut, Manu. Salut Emmanuel. Salut. On a Leïla de Toulouse. Bonsoir Leïla. Bonsoir. Salut. Bonsoir Leïla. Eh, vous êtes un paquet à aimer faire l'amour dehors, hein, d'après ce que je vois là. On a Dylan de Cannes. Bonsoir de Dylan. Salut. Coucou. Mais c'est la folie ce problème du mois quoi. On a c'est Kenny. Il est où Kenny? Dans le 32. Salut à toi Kenny. Salut Kenny. Salut. Alors Emmanuel, Leïla, Dylan, Kenny. T'as vu tous ces hommes Leïla comme c'est beau. Oh, ouais, Leïla, ouais, Leïla, on est voisins. Écoute-le, Leïla, on est voisins. Ah, voisin, vas-y, quand on peut, on pile. Hein. Ah, par contre, il y en a un qui n'a pas supporté. Ah, ouais, il y en a qui est jaloux. Il y en a qui est jaloux, c'est Emmanuel qu'on va retrouver. Lui, il a baisé, il a baisé au bahut, je crois, Emmanuel. Ouais. Bon. Oh, Leïla. Ah là là, il commence à chauffer les deux, là. Ah, ouais, Leïla. Ah. C'est chaud, hein. Alors donc toi Leïla, ben on va commencer honneur aux filles. Hein. Allez oui. Ouais. T'as déjà fait l'amour. Ouais, et c'est bien les gars, vous êtes bien. Ouais. Dylan, alors moi c'était la catastrophe. Alors c'était en voiture, on s'était garé à côté d'une bibliothèque. Oui. Sur Toulouse. Et donc au début c'est parti qu'avec des bisous puis la chaleur est montée, on a fini à l'arrière de la voiture. Il y avait de la buée partout sur les vitres. Alors il y en avait un peu trop. Non mais la buée sur les vitres, ça peut être pratique parce que ça fait comme une espèce c'est... de voile, une espèce de voile. Ouais. Comment ça fait genre vite teinté quoi. Un rideau vite teinté, c'est ça. Parce que le problème, moi je suis une fille qui, le problème c'est que je suis une fille qui jouit trop fort en fait. Ah ouais. Dans ce cas-là, faut mettre la radio à fond. Tu branches Sky, tu mets la radio à fond. Et là, il y a la police qui est arrivée. Alors j'étais en position levrette à l'arrière. Ça, c'est pas bon ça. Ils ont frappé au carreau. Les keufs, ils doivent avoir des trucs marrants par contre. Alors, mademoiselle, on est en train de se faire du keuf. Oh. Ils t'ont fait des blagues. Ils ont rigolé. Gérard, t'as vu ça? Ils ont rigolé. Bon, après, ils ont fait contrôle papier et tout. Ils nous ont fait la morale. Après, ils nous ont laissé partir. Bon allez, ça va. Mais là, on teste. Ils auraient pu vous verbaliser, pas verbaliser. Oh, les jeunes, on va y aller parce qu'on a le ricard à prendre. Oui. Allez, plus vite, plus vite. Pas ça à foutre. Maintenant qu'on s'est bien rincé l'œil, on va se rincer le gosier. Ouais. Hein. Ah ouais, ça donne soif. Allez. Donc toi. Ah ouais, mais c'est la honte. Non, mais se faire choper, c'est. Ah non, mais ouais, surtout par les keufs. Ouais, ça doit être. Ouais. Par les keufs, c'est vrai, c'est pas super. Mais t'étais en train d'hurler, mais fort, fort. Ah, mais moi, quand je hurle, c'est. Tu vois, c'est. Ah ouais, quand même, ouais. Vas-y, continue un peu. J'ai pas bien entendu. Vas-y. Vas-y, allez, vas-y, vas-y. Allez, vas-y. C'est une sirène, quoi. Ah ouais, d'accord, ouais. Et là, tu dirais que tu te fais tabasser, ah ouais, là. Ouais. Ah non, tu te tabasses. Tu t'étonnes que les keufs soient venus. J'aime le sexe hard, bien violent, tu sais, avec les fessées et tout, là. Tu veux bien les fessées. Ah, j'aime bien quand c'est fessé. On connaît, t'inquiète. C'est Karim adore aussi se faire fesser. Ouais. Non, moi, je me fais griffer, moi, man. Ouais. Griffer, toi, c'est vrai. Ouais, griffer. Bon, oui, c'est vrai, donc ça, comme prise en flag, elle est pas mal. Ouais, c'est vrai, pas mal, ouais. Alors, Kenny, c'est Kenny, hein? Ouais, ouais, c'est ça. C'est toi. C'est une mouette. Kenny. Ouais, mais. Tu cries comme une mouette. Ouais, moi, j'en ai plusieurs, si vous voulez, quoi. Vas-y, dis-nous. Ah, moi aussi, j'hurle très fort, hein. Ouais, non, pas franchement, non. Vas-y, Kenny, montre-nous. Vas-y, montre-nous. Ouais, ben moi, je sais pas, quand j'étais dans le début de ma vie sexuelle, que je découvrais la femme, j'avais quoi, 14-15 ans. Il y avait les parents de ma copine qui me ramenaient chez moi, on était derrière avec mon ex, quoi. Et moi, j'avais un doigt. Un doigt dans ton ex. Passé, quoi, tranquillou, là, sur le chemin, sur les 15 bornes qui nous séparaient de la maison. Pourquoi donc après. Pourquoi Romano, tu le dis. Attends, juste une petite. Ça a été dans une église. Oui. Alors, juste une petite question quand même, Romano. Ça te rappelle pas un souvenir, ça? Tu te caches, là, parce qu'il veut pas que je lui en parle. Ouais, il se cache. Mais il est déjà caché, il est tout petit, gros. Ça te rappelle rien, la petite histoire de Kenny? Bah si, j'avais doigté la gothique. La gothique, vous avez la gothique, nous en parle. Voilà. Je l'avais doigté, bah pareil que toi, sauf que moi, il y avait son petit frère à côté de moi. Ouais, ah, moi, c'était des potes, donc ça passait. Et bah voilà, il y en a un qui s'est barré encore, Romano, t'as vu. Il a pas supporté l'image de la gothique en train de se faire doigter. Avec le frère à côté. Avec le petit frère à côté, oui. Ouais, sinon, moi, c'est dans une église aussi. Enfin, c'est pas une église, c'est un peu plus grand qu'une église, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Le Vatican. Comment c'est le Vatican? Non, la cathédrale, quand même pas. Ouais, le Vatican, ouais. Je suis au Vatican, j'ai niqué au Vatican, ouais. Non, mais en fait, il y avait on a commencé au niveau de l'hôtel. On a une petite pipe à l'hôtel. Mm-hmm. Et après, on s'est dirigé à l'hôtel de la prière, tout ça. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est horrible, ça. C'est quoi l'hôtel? Après, l'hôtel, ouais, c'est où il a le curé. Ouais, c'est la grande table où il boit le vin, là. Ah, ok. C'est le bar du curé. Ouais. Après, au confessionnal, on a terminé au confessionnal. Moi, je trouve ça sale. Ah ouais, moi, ça me. Au moment où on est sorti d'église, le problème, c'est que là, il y a eu un quart de touriste qui est arrivé. On s'est dit, heureusement qu'on a fini avant qu'il rentre dans l'église. Ah, surtout, heureusement qu'il n'y a pas le curé qui est arrivé, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, peut-être qu'il vous regardait. Et sœur Thérèse. Quelque chose, quoi. Imaginez que sœur Thérèse arrive. Elle arrive comme ça. Ouais, sinon, après, nous, notre petit débat, en fait, c'est pas l'exhibitionniste. C'est juste, on le fait quand on a envie, quoi. Oui, bon, bah, ouais, écoute... mais ça t'excite aussi de le faire dans des endroits genre insolites. Un peu secret, ouais. Bah, ce qu'à vous dire, je m'en branle, quoi. Pour être très franc, je m'en fous, je le fais comme quand t'as envie de baiser, tu baises. J'ai envie de niquer, bah, je vais un peu plus loin, je vais niquer, quoi. Non, mais t'as raison. Je me suis fait choper dans un lac, dans la voiture. Très bien, merci. Ouais, sur une aire d'autoroute aussi, une fois la nuit, on s'était arrêté. On commence à faire nos petites affaires, les portières ouvertes, et là, on sait pas pourquoi, mais derrière la grille sur laquelle on s'était calé, il y a une voiture qui est arrivée, phare plein sur nous, là. Bon, ok, on va se rhabiller. Ah oui, t'as arrêté, c'était pas les keufs, toi. Ouais, non, je sais pas. Non, c'était des mecs qui venaient mater. Oui, ils venaient mater, il y avait les routiers aussi. Vas-y, continuez, ouais, vas-y, on va se branler, vas-y, nous. Vas-y. Et alors, attends, on va prendre Emmanuel, lui, c'est au bahut. T'es là, Emmanuel. Ouais, c'est ça. Vous m'entendez bien, là? Ça est nickel. Ouais, ah, Martin, c'est bon. Alors, toi, t'as fait ça où, au bahut? Dans la cantine. Oh non. Bon appétit, bien sûr. Il lui a dit chapeau. T'as entendu, ouais. Ah, t'es fort, chapeau. Ah, tu vois, les félicitations. Les gars, au lieu de boire de l'eau, ils ont bu du foutre. Ah, le bâtard. Oh. Oh. Et t'as fait ça avec qui à la cantine, toi, Emmanuel? Bah, avec ma meuf, on est parti. On a séché les cours. On est parti dans la cantine. La cantine, elle avait déjà fermé. Ouais, tu t'es dit, ça va être un endroit tranquille. C'est mieux, oui, dans ce cas-là. La cantine avait déjà fermé, en fait on a failli se faire cramer parce que le chef il est rentré à ce moment-là. Ah, on s'est caché, en fait ils ont une grande armoire géante en fait qui fait genre froide, plus de 2 mètres, fait 2 mètres de haut, quoi. Ouais ouais, un truc tu peux rentrer entier dedans, quoi. Voilà, c'est ça. Et ben nous on s'est mis là-dedans, on s'est caché là-dedans jusqu'à ce que le chef y parte. Bon, le problème c'était la chambre froide, on a oui, fini. C'est ça, c'est... Oui, le lendemain ils nous ont retrouvé mais on était en glaçon. Gelé, quoi. C'est comme dans les films, en fait, tu sais, quand t'as l'amant qui arrive et que ouais, il se cache, il se cache dans un placard, il passe la nuit dedans. Ouais. Et ouais. Non, moi, pour qu'il pue, elle m'avait aussi sucé dans le. Dans une salle de cours pareil un soir, et puis elle avait craché le sperme. Elle avait craché le sperme dans un casier. Mais il les a jamais oubliés, tu sais. Jamais il les a oubliés, les deux beautés. Bah non, mais je lui avais éjaculé dans la bouche, et elle savait pas où le mettre. Elle a craché dans un casier. Mais comment elle a fait pour cracher dans un casier? Bah si en fait, c'est il y avait le mec, le casier demain. C'est les vieilles tables là qui sont. Non, en fait, non, c'était les tables et au mur il y avait des casiers vu que c'était un internat, ouais. Tu vois, il y avait des casiers, ouais, qui étaient aussi, libres. Il y avait des affaires dedans. Non, il y avait rien, non. Elle a craché dedans, mais souvent le lendemain, tu sais, il y avait des gens qui posaient leurs affaires juste pour l'heure de cours. Bah, ça colle. Ou le sac. Ça colle. Ah, ouais, putain. Un truc, je crois. Donc voilà, t'as eu les félicitations de Kenny pour le coup. Faites gaffe quand même. Franchement, chapeau, écoute. Et donc, et il manque Dylan aussi, témoignage de Dylan. Et on aura la réponse au problème du mois. Dylan de Cannes, voilà. 22 ans, t'as Dylan, toi. Hein. C'est ça. Alors, dis-nous, t'as fait ça au BAU, toi, ou non, pas du tout? Alors, non, moi, c'était le mois dernier, mais j'ai 22 ans, et on a fait ça dans un collège. Le collège dans... Je cherchais ma meuf. Avant. Ah, t'es retourné dans ton collège? Ouais, je suis retourné dans mon c'était collège. C'était un fantasme. Ça te manquait. Et du coup, voilà, on avait une fenêtre ouverte, et on est rentré. Ouais, mais à moi c'était le mois d'août, donc au mois d'août au collège. Ouais, enfin. Ouais, ça va, t'es tranquille. Ouais, il y avait personne. Ouais, faut faire gaffe parce qu'il y a des collèges, il y a des mecs qui habitent dedans. Hein. Ouais, souvent. Ouais. Mais c'est pour ça, il y avait un gardien. Ou... On pensait qu'on allait se faire choper, et finalement, on s'est pas fait choper. Et ça t'a excité, ça t'a plu. Ah ouais, grave. Ah ouais, t'en avais envie, quoi. Je me prenais pour le prof. Ah ouais, donc t'étais bien parti, là, Dylan. Ah ouais. J'étais dans un délire. Ah oui, punissez-moi, madame la prof. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est lui le prof. C'est lui le prof. Oui, je vais te punir, jeune fille. Je vais te fesser. T'étais un prof de quoi? Parce que si t'es prof de maths, je te passe la Marie après. Ouais, bien sûr. On n'a pas posé. Ah, tu n'as pas fait de contrôle, oui, et tout, merde. Et non. Non. Mais c'est ta copine, j'entends derrière. Ouais, c'est ça, elle est là. Tu l'as entendu, ouais. A priori, ça lui a laissé de bons souvenirs. Elle était dans le même collège que toi ou pas? Oui. Ah ouais, donc. Ouais, ça, Marie, c'est le genre de truc, je le vois sur tes yeux vicieux, c'est quoi? Le genre de truc qui t'excite. Ça. Ouais, parce que t'as fait un regard un peu chienne. Oui, mais non, ouais. Regard coquin, comme on dit. Coquin cochon, même. Non, ouais. Après, j'ai déjà fait dans une cabine d'essayage aussi de chez Zara. Ah ouais. Si vous bossez chez Zara, après nous a mis d'IKEA tout à l'heure. Ah ouais, en plus, il y a des mecs aux cabines qui surveillent. Donc. Faites attention. On aura la réponse dans un instant, d'ailleurs, du problème du mois. Ah, ben oui. Didier qui a fait l'amour chez IKEA et dans une. Ça sera la réponse de Tony Soumi. Enfin, pas fait l'amour. Si, il a commencé chez IKEA. Ouais. Bah, il lui est monté dessus, tout ça. Ils sont restés habillés. Hein, mais sinon, bon, c'est ouais. Des petits doigts dans le caddie. Ouais, enfin, dans la chatte. Non, pendant que caddie, sa femme tient le caddie. Donc, on aura la réponse de qui, d'ailleurs? C'est Tony Soumi. Tony Soumi. Je note. Tony Soumi répond. Tony Soumi, oui, parce que là, c'est un forum, donc c'est les autres internautes qui répondent. Bon, en tout cas, merci pour les témoignages, hein, les gars, les filles. Merci Dylan. Merci Kenny. Merci Kenny, spécialiste quand même, hein, pas mal. Ah, hein. Ouais, professionnel. Ouais. C'est avec plaisir. plaisir, hein, ça fait super longtemps que je vous écoute. C'est gentil, Kenny. Difool, je me rappelle de toi, il y avait encore la sonnerie des pyjamas. Je sais pas, c'était quelle année ça, mais. Ah ouais. Ah putain, la sonnerie des pyjamas, c'est vrai qu'il y a. Moment, c'est... Hein. C'est vrai que c'est pas tout jeune. Ouais. Je me rappelle, j'étais encore adolescent à l'époque. Et, en pyjama, toi aussi, ouais. Pas encore de poils. Et en pyjama. C'est, bah, c'est gentil, en tout cas. Gentil, en tout cas, Kenny. Manu aussi, merci. Manu, t'habites où? Vas-y, dis le nom de ta ville, parce que je l'ai pas annoncé. Tu habites à. À Beson. Et voilà, Beson. Et voilà. Beson, voilà, Beson. Ouais. À Beson, ouais. On est dedans. Et la Toulousaine bah, aussi, bah. Qui est partie, mais qu'on rappellera. Là. Leïla, ouais. Difool, je peux passer une dédicace? Allez, vas-y, fais péter. Bah, c'est pour le négro du cartel, il se reconnaîtra. Comment ça? Le négro du cartel. Ah, le nez, j'ai cru que tu disais le négro, je me suis senti visé. Le big nose. Ouais, le big nose, j'avais compris. Non, ça, c'est le négro. Eh ben, merci. Salut les gars et les filles, vous quittez pas, on vous envoie le t-shirt Skyrock à la maison. Et la réponse du problème du mois. Eh ben, on va y aller. Juste avant, il y a Noémie qui nous appelle pour Cédric. Salut Noémie, c'est gentil Noémie de nous appeler pour Cédric. Salut Noémie, tu es vétérinaire? Oui, elle est vétérinaire. Vétérinaire. Non, en fait, je suis manipulatrice radio. Ah, donc, c'est-à-dire que je fais des radios, donc je vois plein de trucs cassés. Comme nous, tu fais. C'est ça. C'est ça. D'ailleurs, chaque fois, on me demande, Manip Radio, je fais, quoi, tu travailles à la radio Skyrock, c'est ça. Donc, alors, Cédric, clavicule, après, on sait pas, hein, mais il a un truc à l'épaule. Ouais. Okay. Mais, il avait mal quand t'appuyais dessus, Karim. Bah, j'ai pas appuyé, t'es fou. Ouais, j'ai mal. Mais non, il a pas touché. Ça se fait rab, gros. Moi, je vais aller le voir, je vais appuyer pour il avait un bandage, il avait un truc. Non, il avait rien, justement, parce qu'il avait pas encore vu quand je suis allé le voir. Il avait quelle tête? Il avait une tête de con comme d'hab. Non mais Kenny. Non mais je veux dire, il était comment Et les médecins dans le couloir, ils étaient là, bon t'y vas, moi je le prends pas. Hein. Non, non, non, non. Ah non, non, non, non. Il est médecin. Oh non, putain, non, pas, non, pas lui. Oh, non, c'est lui. Oh non. Non mais il était. Non, il était pas bien, ouais. Ah bah on imagine. Ouais, mais bon, alhamdoulilah, ça va. Mais tu sais, moi, dès que je l'ai vu, tu sais, ses jambes, il arrivait à les bouger, tu vois, c'est que je me suis dit, alhamdoulilah, ouais, moi. Ça va, ouais, ça va. Pas tombé fou. Ouais, ouais. Voilà, là, j'écarte les jambes, je vais péter. À Skyrock, on en est, rien que l'équipe qui bosse sur la radio, on en est à la troisième, au troisième accident en 3-4 mois, là. Ouais, c'est clair. Ouais. Il y a 3, là. On porte la poisse, deux mecs qui font les jingles, plus Cédric. C'est Cédric. Eh oui, Cédric. Bon, alors, tu t'en sais plus, donc, s'il a la clanicule, clavicule cassée. Romano sort de mon corps. Bon, non, mais je ne suis pas dedans. Ben, en fait, la base, c'est, ce serait du faire des radios. Déjà, un truc tout simple. C'est la crème fraîche. Elle a qu'à venir ce soir, déjà, elle en a fait avec nous. Ouais, bah oui. Donc, du faire des radios toutes simples. Après, tout dépend. Hein. Ouais. Le système de contention, c'est en fonction du déplacement, pas des deux, si la clavicule est cassée ou pas. Et mais du déplacement, tu veux dire qu'il va être tout tordu? Non, en fait, de quel côté elle s'est cassée? T'as déjà qu'il avait la gueule en pied, maintenant c'est le corps. Savoir à quelle partie c'est cassé, au bout de quelle partie. Ouais, localiser exactement. Savoir si tu veux avoir le bras en l'air. Le problème technique, quoi. Ouais, j'imaginais s'il a le bras en l'air tout le temps. Ah, ça, c'est horrible. Vous le voyez arriver. Ah oui, il passera pas. Ah ouais. Faudra qu'il passe de travers. Non, mais il peut aussi avoir mal à l'épaule et ouais, si tant qu'il a pas passé la radio, oui, il peut pas savoir. Ah ouais. Exactement. Ouais, il peut juste être talé, ouais. Oui, juste avoir un petit peu mal. Après, c'est forcément normal après un traumatisme comme ça. On nous dit il a peut-être juste une luxation. La clavicule cassée, ça se voit au niveau de l'épaule. C'est quoi la clavicule? Il y en a plein, tu vois, qui posent des questions. Elle a une belle voix, la manipulatrice, on dit aussi. C'est le petit os qui dépasse là. C'est quoi la clavicule? Exactement, qui dépasse. Le petit os qu'on sent. Du coup, ouais, c'est ça. Mais ça va du coup. Mais c'est où? C'est dans la jambe? Non, c'est ça, Marie. Mais ça va jusqu'où? Ben, ça va de. J'ai une belle clavicule, moi. Oh. De l'épaule au côté de devant, l'épaule. En fait, il y a le sternum, juste au milieu. Voilà, ouais. C'est-à-dire juste en dessous de la glotte pour les garçons. Ouais, ouais, ouais. Et donc, ça va jusqu'à l'épaule, quoi. On est tous en train de se toucher, là, dans l'équipe. Bah, ouais. Ah, ouais, ouais, ça va jusqu'en haut de l'épaule. Mais le fait, c'est que moi aussi, je le fais en même temps, du coup. Bah, vas-y, touche-toi un peu plus bas, les seins, maintenant. J'imagine que tout le monde se touche, là. Ah, bah, touchez-vous, ouais. Allez-y. Oh. Quoi, non, mais l'un des traumas, c'est vraiment souvent, le premier truc qui casse, quoi. Et ça dure combien de temps, ça? C'est lent. Ah, bah, écoute, bon courage, Cédric. C'est moi, j'ai une amie qui est secrétaire là où je travaille et qui, du coup, qui a été mal soignée. Mmh. Et sa clavicule, elle est en Z. Ah, bah, il va être beau, tiens. Ah, dégueulasse. Ça va encore l'arranger, ah, ça. Bah, écoute, ouais. Elle est en Z. Ouais. Ouais. Normalement, c'est un os qui a fait rectiligne. Et là, elle est mal soignée. On n'avait pas vu que c'était. Et ça lui donne une démarche chelou Bah, ouais, elle a l'épaule au niveau. Tu marches pas avec l'épaule. Bon, merci Noémie en tout cas. Mais y a pas de souci. Ouais, et puis merci pour tous les messages que vous avez laissés pour Cédric. Ça fait plaisir. Même Callaghan laisse un message gentil pour Cédric. Regardez, ouais. Callaghan qui dit qu'il profite de il lui donne un conseil d'ailleurs, qu'il profite de l'opération pour se faire liposucer. Bah, ouais, bien sûr. C'est gentil Callaghan. Et raboter la gueule aussi. Il risque d'en chier pendant un mois pour Rulio du 13. Bah, moi ça me paraît court. Hein. J'espère que ça ira plus vite. Hein? Ah bah pour aller, si c'est un mois immobile et après la rééducation derrière. Oh là là. Rééducation. Ah bah oui, obligé. Ah bah oui, un mois immobile, c'est bon quand même. Et puis il y en a qui s'est arrivé, Gab du 34, il me dit ça vient de m'arriver la fracture de la clavicule. Clavicule, c'est quoi ce truc? C'est en bas du cou là, c'est le truc qui va vers l'épaule. C'est l'os qui dépasse. C'est l'os. Au-dessus de ton pec. Dans... Ah, elle est là la clavicule. Ah putain, mais c'est chelou une clavicule, on dirait un truc de vélo. On dirait un guidon de vélo. C'est ça, Noémie? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Tiens, on va vous mettre comment elle est la clavicule, comme ça on aura appris un truc ce soir. Bisous Noémie, merci en tout cas bisous, pour le bisous. Merci, bisous. On t'embrasse Noémie. Soprano a gagné dans la roulette, c'est maintenant. Vous voulez vous inscrire? Eh bien, c'est au 7-20-20. Vous envoyez roulette au 7-20-20 si vous voulez aller voir Soprano, la tournée Skyrock dans toute la France avec Sky. Sopra débarque. Il va partout, partout, partout. Donc forcément près de chez vous. Donc où vous soyez, ouais, vous envoyez un message avec écrit roulette au 7-20-20 et on fait tourner la roulette. Ah ouais, non, c'est là, je regardais là sur la fracture de la clavicule. Oui. C'est 3-6 semaines hein, quand même. C'est long. Ça. Juste le bras immobile. Ouais. Immobile. Il va pas pouvoir se laver pendant 3-6 semaines. Mais si, tu te laves. Ah, tu te laves. Dessous, hein. Il peut pas. Ouais, non, bah quand t'as un plâtre. Ouais. Enfin, non, mais si ce sera pas un plâtre. Hein. Ouais, enfin s'il est immobile et qu'il peut pas bouger, ouais, il lavera pas la bah si, il peut défaire le truc quand même. Tu iras le laver. Oui, t'as raison. Ça, c'est gentil. Je suis pas infirmière. Gentil Romano, merci à toi. La réponse au problème du mois aussi qui arrive tout de suite sur Sky, juste ouais, après Alonso. Ouais. On vous avait promis Alonso et Binta. Cette semaine, Planète Rap te fait découvrir 4 Marseillais, 4 ghetto phénomènes. Ils étaient dans le Planète Rap de Jul et ont même fait un son avec lui. Soir de 20h à 21h, viens découvrir le groupe de rap marseillais Ghetto Phénomène. Freestyle, live et exclu dans l'émission rap de référence. C'est Planet Rap Ghetto Phénomène en direct dans toute la France sur Skyrock. Et en vidéo live sur skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Ça c'est quoi? Bah des tomates. Oh, génial. Et ça c'est quoi? Ça c'est du persil. Du persil? Mais je voyais pas du tout ça comme ça. Et là tu vas planter quoi? J'hésite mais tu me fais penser à un truc. Ah bon, à quoi? Une courge. Tu veux créer ton potager sans prendre la tête et même sans rien y connaître? Télécharge Je Jardine, l'appli du potager 100% gratuite, 100% pratique. Avec Je Jardine, tu fais pousser ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux. Je Jardine est une initiative du Crédit Agricole. Des problèmes pointent toujours le bout de leur nez, hein? Moment au 71-777. Les astres vous guident vers la voie. Moment, M-O-M-E-N-T, au 71-777. Nos astrologues vous apportent les réponses. L'amour, le travail, le succès. Vous voulez savoir? Envoyez Moment au 71-777. 65 centimes plus prix du SMS DGP. Concert. Il va mettre le feu. En 2017, Soprano choisit encore Skyrock pour sa nouvelle tournée dans toute la France. En concert partout en France pour terminer sur la scène de l'Accor Hôtel Arena de Paris le 30 septembre et au nouveau stade Vélodrome Orange de Marseille le 7 octobre 2017. Ouais. Yeah, c'est Soprano. En tournée dans toute la France avec Skyrock. Plus d'infos sur skyrock.fm et l'appli radio Skyrock. Radio Libre, 21h minuit sur Skyrock. Et Alonso sur Skyrock, comme promis, super ce morceau, c'est Binta, Binta. Binta dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galon, traîne de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. Et tellement t'es con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne, t'en voudrais encore. T'es déboule sur la piste de danse, tout le monde voudrait la follow. Elle t'a donné soif, tu vas la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Elle t'a fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, ce bout. On a elle de la nuit, c'est une bombe, c'est une kamikaze. Soleil de minuit, elle fait tomber les ans sous son blabla. Elle provoque des balles, car elle est dans le cœur de tous mes scars. De Marseille à pas. capable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place et tu rêves, t'es fou. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes s'entassent, toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. T'as gaffé, t'es allé où? Là t'as pris un aller sans retour. Ça, c'était Alonso. Tifoul, radio libre. What the fuck? 21h minuit sur Skyrock. Et ouais, notre radio libre tous les soirs en direct dès 21h. Bon, on a passé une belle soirée, même si Cédric est pas là. J'espère qu'il reviendra demain d'ailleurs. On espère. On vous tient au courant dès demain matin d'ailleurs, dans le morning. Hey, déjà minuit 5, il faut faire la réponse du problème du mois. Je vais mettre ça branlé du vendredi soir. Ah bah oui, demain il y a clash. Bah ouais, ouais. Bon. C'est parti pour la réponse de ton problème du mois, Romano. Bah quoi, c'est pas moi qui ai écrit, hein. Ouais, mais t'as déjà fait l'amour dehors, tout ça. Oui, oui, mais c'est pas bon, c'était plus... Vous êtes plein à avoir témoigné, c'est bien, hein. Tu sais, c'était plus parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit que par... pure excitation. C'est ça, le mot, excitation. Bon, t'es prêt? Mais Marie, toi, t'es fait baiser aussi dehors. Il y a partout. Ouais, mais moi, il n'y avait personne et il risquait pas d'y avoir du monde. J'avais fait contre une mairie. Bah si, il peut y avoir du monde qui passe. Non, mais à 4h du matin où j'étais... Non, mais la mairie n'est pas abandonnée. Non, non, je t'assure, à 4h du matin où j'étais, il n'y avait pas de problème. Et non, mais attention, le sait, c'est la mairie de Neuilly, donc... Oui. Il y avait Sarkozy à l'époque. Oui. Bonjour, c'était le maire à l'époque. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai niqué. Oh non. Embarquez-moi. Je suis monté sur un escabeau. Ouais, hop, et je lui... Non, c'était pas lui, non. Je lui ai cassé le cul, et voilà. Bon, problème, dis-moi la réponse. Et je lui ai dit, casse-toi, pauvre con. Après, ouais. Non mais Marie, obligé, mais... Mais oui, non, non, mais c'est derrière, t'inquiète, je te montrerai un jour si tu passes par là. Non mais Marie... C'est bon, on baisera. Ouais, non, non, mais c'était bien planqué. Non mais t'as pas fait gaffe, mais c'est obligé, il y a des caméras. Bien sûr, les agents de sécu qui se sont pognés en te regardant, Marie, ouais. Et tu ne sais même pas. Non mais cela dit, ça m'était arrivé avec une caméra une fois dans un hall d'immeuble. On s'en est rendu compte à la fin, qu'il y avait une caméra. Bah, le mec était content. Le mec, lui, s'en est rendu compte dès le début, par contre. Ouais. Il a regardé tout le long. Là, il y avait le gardien de l'immeuble, le mec, qui s'est pogné dans sa loge. Oh putain, elle est en train de se faire une bonne claque. On j'espère salue pas. Ceux qui bossent en sécu et on leur souhaite au moins la même chose. Ah bah, rassez-vous bien l'œil. Exactement. Romano, vas-y. Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Donc, c'est la réponse de Tony Soumis pour Didier. Didier qui a décidé de passer à l'exhibition dans les lieux publics. Bon, il est monté sur sa femme chez Ikea, sur un plumard, il aimerait bien baiser carrément dans Ikea. Et donc c'est Tony Soumis, déjà le pseudo, qui déchire, qui répond. Ouais, ouais. Et c'est lui qui répond pour Didier. Salut, j'ai bossé pendant mes études dans un magasin. Et nous avons eu une femme qui s'était fait plaisir elle-même avec un objet pris dans le magasin. C'est quoi? Ah. Non, mais bref, je dis pas. Il s'agissait d'un stylo. Ah, un stylo. Là, bah, elle devait t'arranger. C'était peut-être pour la rentrée scolaire. Ouais, bah, elle voulait fêter. Elle testait le matos. Je ne pense pas que tu risques grand chose. Dans notre magasin, elle s'est fait sortir par la sécurité, avec bien sûr une interdiction de revenir pour faire ce genre de choses. Attention toutefois qu'il n'y ait pas des enfants particulièrement mineurs dans le secteur. C'est vrai, c'est mieux. Car la situation à ce moment-là pourrait se gâter fortement pour toi. Mmh. Je te conseille, si tu veux faire l'amour chez Ikea, de trouver un endroit discret dans le magasin. C'est pas facile parce qu'il y a du monde chez Ikea. Ah bah ouais. Il faut y aller en semaine. Ah, le conseil de Romano, allez-y en semaine. Non, le seul endroit en semaine où il y a du monde, c'est au rayon cuisine. Le reste, il y a personne. Pourquoi? Bah, je sais pas. Les gens, ils achètent des ustensiles. Et... Ils se font faire leur cuisine en fait. Ah ouais. Tu sais, avec tous les postes, il y a les mecs sur les ordinateurs, les plans là. Et tous les gens, ils sont là. Moi, j'y allais souvent une époque, une fois par semaine. Pourquoi faire? J'aimais bien pour faire le tour. T'allais dans la piscine à boules là pour les enfants? Non, je suis pas débile, Marie. C'est clair. Vas-y, vas-y, j'adore. Moi, j'y vais tous les week-ends. Ouais. Génial. Parce que je suis complètement débile et ravagé. On joue avec mes copines. C'est cool. Ah, mais cela dit, c'est pratique pour moi. Non, mais t'es une vraie gogole. Bah non, non. Non, mais tu vas pas le week-end, Marie. J'y vais pas, mais j'ai déjà mis des mômes dedans. Ah, je les ai noyés. Je les ai oubliés, merde. Il n'y a pas d'eau. Je lui ai fait avaler des boules. Truc horrible. Mais non mais tu sais que les boules elles sont d'une certaine taille pour éviter que les gosses les avalent. C'est mieux. Norme de sécurité. Alors, donc, essaye de trouver un endroit discret si tu veux faire sur l'amour dans un magasin et en particulièrement sur le lit. Je te conseille tout de même de faire très très attention. Ah. Si un employé te signale et que la sécurité arrive, rien ne les empêche d'appeler la police. Ah bah et là, imagine la suite. Bah, la honte. Plus de réputation, la vie deviendra beaucoup plus difficile. Oui, enfin, faut pas exagérer non plus. Je sais que je vais pas mourir, mais bon. Amusez-vous bien, mais attention tout de même. Merci Tony Soumi. Tu te fais gauler. Je pense que tu tombes sur un con, hein, le mec qui t'emmène au poste, t'as quand même l'air d'un abruti, quoi. Ah bah c'est sûr, oui. Ah bah clairement, ouais. Ah bah ouais. Voilà. La femme était accrochée à un caddie. Vous imaginez la déposition? Oui, Josiane était accrochée à son caddie. Pendant que Didier la doigtait sous sa jupe. Voilà pour le problème du mois. Le prochain, ce sera jeudi prochain. On ira faire un tour sur le net. Enfin, toi, Romano. Et puis tu nous parleras de tout ça jeudi. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait tourner la roulette tout de suite. On prépare un petit Lil Wayne là. J'espère que ça ira pour Lil Wayne. On vous tiendra au courant. Donc, on se met Lollipop. Non, c'est bien Lollipop. Allez, on se met Lollipop. Et là, tout de suite, c'est parti. C'est Damien de Bayonne qui va faire tourner la roulette avec nous. Salut Damien. Coucou. Bonsoir. Salut Damien. Alors, 23 ans, comment ça va Damien? Ben en forme, putain, j'y crois pas. Franchement, j'y crois trop pas. Eh ben c'est Soprano que tu vas gagner dans la roulette, c'est pour ça que t'as... Tout le temps, et je vous écoute matin et soir. Franchement, vous êtes des gros dingues, je kiffe. Franchement, je vous kiffe. Eh ben c'est pour toi ce soir, ta roulette, tu vois, ça arrive un jour ou l'autre. Ah grave. C'est parti, on fait tourner. Skyrock t'offre 200 places de concert Soprano. Soprano en concert avec Skyrock, en tournée même avec Skyrock dans toute la France. Il va passer à Bordeaux, dans le sud-ouest, entre autres. La date de Bordeaux, c'est le 17. Ouais. Mais en tout cas, il passe partout en France. Et là, ta roulette tourne, Damien. Tu fais quoi dans la vie à 23 ans, toi? Ok. Je suis Didier, je travaille dans la restauration. Ah, Didier. Ok. Bonjour, c'est à moi, alors. Vas-y. Ok. Elle a une bonne voix, Damien. C'est DJ. Quoi ton nom de DJ? Alors, DJ Dame. C'est ça. Tu viens de gagner, c'est ça en plus. Ah bah, bien vu. Tu viens de gagner tes deux places pour aller voir Soprano. Oh, putain. Et voilà, deux places pour toi, Damien. Oh là là, comme tu dis. Oh là là. Eh ben, tu vas avec qui tu veux. Bravo, Damien, félicitations. On salue tout le Pays Basque qui nous écoute. Franchement, c'est un beau dingue. Franchement, tout le temps, d'innover, tout le temps, franchement, c'est un truc de ouf. Eh ben, c'est gentil, Damien. Bah, merci à toi, on t'embrasse, et puis bon concert pour Sopra. Oui, bon concert. Merci. Place de Sopra à gagner demain matin dans le morning, et demain avec toute l'équipe de Skyrock tout au long de la journée, ça va tourner. Et là, c'est fini, minuit 12 déjà. Allez, on y va vite. On laisse vite avec Maxime. C'est l'heure de retrouver le son de Skyrock en non-stop toute la nuit. Profitez bien, il y a du gros son. Ça démarre avec Lil Wayne. Allez, on se met Lollipop. Et puis on vous retrouve demain soir. On aura des nouvelles de demain matin déjà pour le morning. Ouais, bien sûr, on vous donnera des nouvelles. Bah, avec toi déjà, Romano, demain matin. Ouais. Cariole, on sera au moins. Elle va bien, Cariole, ça a cassé. Non, ça va. Tu lui as rien cassé non plus. Non, rien non plus, tout va bien. Tout va bien. Donc demain matin pour le morning avec vos 1 500 €, vos conseils pas chers, les réveils de stars et les iPhone 7 à gagner parce qu'on vous enfile 3 au moins par matinée. Et demain, il y a DJ Roro. DJ, tu as peut-être un de tes concurrents, Damien, demain matin dans le morning. DJ Roro sera. Voilà. Et demain soir, évidemment, pour la Radio Libre entre 21h et minuit. Une bise à Cédric, bon courage. Ouais, bisous Cédric. Bon courage, mec. Check, man. Salut Cédric. Salut les filles. Salut. Et puis un rendez-vous donc demain avec Pamela qui sera là dans la Radio Libre aussi. Hein. Oui, demain je suis là. Pamela, les pervers. Une bise à Cédric, Pamela. Coucou. Bon rétablissement. C'est très gentil. Très gentil. Allez, bonne nuit à vous tous et vous toutes. Profitez bien de Skyrock et demain matin dès 6h, on est là. Ciao. Allez, salut.

it for ya. Call me so I can make it juicy for ya. Call me so I can get it juicy for ya. Shout it on that lit lit lit lit. Let me ride the Larry Fowler. C'est Skyrock, premier sur le rap, premier sur Lil Wayne avec Lollipop à l'instant, en version intégrale, 5 minutes de plaisir avec Lil Wayne qu'on écoutait à l'instant. Lil Wayne, pas mal de rumeurs hein, sur lui quand même sur le net, on est premier sur Lil Wayne sur Skyrock, on vous tient bien évidemment au courant sur l'état de Lil Wayne, puisqu'apparemment les rumeurs diraient qu'il lui reste un mois à vivre, tout ça. Bon, on n'en sait pas plus, on vous tient au courant sur Skyrock. Allez, rap R&B non-stop, c'est parti pour une nuit de son maintenant, avec toutes les nouveautés, tous les numéros 1 à écouter. On va démarrer la nuit maintenant avec les invités de Planète Rap cette semaine entre 20h et 21h, vous rentrez dans l'univers du Ghetto Phénomène. C'est 4 rappeurs de Marseille soutenus et découverts par Jul. Maria Maria, c'est ce qu'on écoute tout de suite. Et puis ils seront en live avec Fred demain entre 20h et 21h sur Skyrock. Ghetto Phénomène et Drake Rihanna. Look, I don't know how to talk to you.